Mais ce qui est sûr, c'est que justement, ce personnage du magicien, ce personnage polymorphe, ce personnage qui a diverses apparences, qui est très facétieux aussi. Là, on a déjà un Merlin qui aime jouer des tours, qui aime tromper les gens, par le fait qu'il ne se présente pas toujours sous la même apparence et il aime les tester. Et déjà là, on a un personnage qui va être un des plus emblématiques. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'il va de soi. Aujourd'hui, les gens pensent que l'épée dans le rocher, qui là est une enclume, va de soi. Mais avant Robert de Boron, avant cette œuvre qui a probablement été écrite entre 1200 et 1210, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, c'est un motif qui est tellement, qui a tellement d'attraction envers les gens que on considère qu'il est archaïque, qu'il fait partie du truc et qu'il est presque plus important que tout le reste. In a land of myth and a time of magic. The destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name, Merlin. C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle? Ouais, pourquoi? Vous avez plus pris de la pucelle. Qu'est-ce qu'il te prend? Sans être... Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise? Je suis très décidé. Mais je t'interdis! Voilà. Mais retournez à l'état sauvage, espèce de con! Foutez le camp dans les montagnes avec une paire de chèvres. On vous achètera vos fromages, promis. Vos conseils, vous pouvez vous les coller là. Vous ne sentez pas l'appel de la nature, là? Les animaux de la forêt, ils ont pas besoin d'un toubib. Les animaux de la forêt, ils vous pissent sur les pompes. Tirez-vous d'ici. Définitivement. Rex quondam, rexque futurus. Épisode 10 de Merlin au Merlin en prose. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va continuer notre discussion du cycle de Robert de Boron, mais on va un peu faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant, parce qu'on a laissé de côté une part de la tradition qui va devenir arthurienne, qui au départ n'était pas vraiment arthurienne, mais une part de la tradition autour du personnage de Merlin ou de Merlin en gallois. C'est assez intéressant qu'on revienne sur lui maintenant, en fait, parce que c'est vrai qu'il s'inscrivait pas nécessairement directement dans la continuité qu'on avait jusque-là, celle donc du passage d'un Arthur chef de guerre, un Arthur qui est clairement le roi de Bretagne chez Geoffrey, et après un Arthur qui est une figure un peu plus distante dans les romans de sa cour. Merlin s'inscrivait pas dans les textes qu'on a vus directement. Maintenant, le roman de Merlin en prose, celui dont on va vous parler aujourd'hui, est un peu un chaînon important dans le passage d'une tradition arthurienne chrétien et avant, avec les romans en vers de Chrétien, les continuations, et puis d'un autre côté, les traditions de les chroniques. Et c'est vraiment à partir du roman de Merlin en prose qu'on va voir arriver les grands cycles en prose qui vont combiner un peu tout ça et former littéralement la vulgate arthurienne qu'on connaît. Donc c'est assez intéressant de le traiter aujourd'hui et de voir comment il est arrivé à s'intégrer aussi fortement, même si de façon quand même toujours un peu distante, il n'a jamais la présence dans les textes médiévaux qu'il aura peut-être après aussi clairement dans la fiction arthurienne de nos jours. Ça me semble assez évident. Ce qu'il faut dire, c'est que la dernière fois, on avait vu le début et la fin du cycle, le Joseph et le Perceval, donc qui concernait principalement le Graal. Le Merlin, par contre, lui, il va intégrer dans ce cycle de Robert de Boron toutes les influences justement des chroniques. Donc on va voir beaucoup de Wass et de Geoffrey qui reviennent dans le Merlin en prose, beaucoup d'épisodes qu'on a déjà vus. Mais on va aussi voir des épisodes et une tradition, disons, une tradition prophétique galloise, c'est-à-dire que tout d'abord, Merlin, c'est un personnage qui fait des prophéties, qui fait des vaticinations, qui fait des poèmes, des énonciations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu un peu chez Geoffrey, mais qu'on a laissé de côté parce que Geoffrey a notamment aussi rédigé une Vita Merlini, une vie de Merlin, qui peut être très intéressant parce que c'est clairement une des sources du Merlin en prose. Et donc, ça peut être intéressant qu'on revienne un peu sur cette tradition pour voir comment est-ce qu'elle s'est élaborée et comment elle amène à ce Merlin en prose, parce qu'il faut dire, jusque-là, c'est un personnage qui a pratiquement pas de rapport avec Arthur. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment recommencer aux sources des sources, aux premières mentions de Merlin qu'on a, enfin de Myrvéen à l'époque, et c'est là que Laïs, tu vas nous emmener vraiment très très loin en arrière. Alors oui, la strate la plus ancienne de la tradition galloise médiévale sur Merlin, ça en fait un barde qui est auteur de certains poèmes. Il n'est pas forcément mentionné, donc dans les poèmes les plus anciens, il ne dit pas forcément son nom d'ailleurs, mais certains poèmes souvent prophétiques qui sont liés à ceux d'autres bardes gallois, comme Taliesin, Aneirin. Là, on a Aneirin, on a Merlin, qui est aussi un autre de ces auteurs auxquels on va attribuer certains poèmes. Il est mentionné d'ailleurs dans le livre de Taliesin, dans l'Arme Esprit d'Aine, les prophéties de Bretagne, comme étant un prophète important, le prophète d'une victoire à venir, le Visgogan Merlin. et il est mentionné également dans le livre d'Anorin, dans les Gododin, puisqu'on parle de l'inspiration de Merlin dans ce texte-là, donc il y a de Merlin. On a donc d'abord des allusions. C'est dans les sources les plus anciennes, vraiment, c'est simplement un contenu allusif, on ne sait pas très bien. C'est seulement dans des poèmes un peu plus postérieurs qu'on va vraiment le voir intervenir, ou en tout cas comme personnage. Il faut noter qu'elle est mentionnée quand même dans les triades. L'île de Bretagne est mentionnée comme étant l'enceinte de Merlin avant qu'elle soit habitée. Donc il y a vraiment un lien, l'enceinte de Merlin. Donc il y a un lien assez fort, classe Merlin, avec le personnage. Il a déjà une importance assez forte du point de vue mythologique quand même. Il fait, disons, dans sa strate la plus ancienne, il fait partie de ce prototype de barde ou de poète. Il partage beaucoup de traits avec, par exemple, Taliesin ou Aneline. Il n'est pas très distinct, mais une des plus anciennes couches de cette légende, ce serait son lien avec la bataille d'Ardérith, qui est donc au nord de la Bretagne, au sud de l'Écosse. Il serait devenu fou pendant cette bataille et il se serait enfui. Il aurait été saisi de folie, il se serait enfui. C'est une bataille qui a eu lieu entre plusieurs royaumes bretons au nord de l'Angleterre, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des royaumes bretons aussi au nord de l'Angleterre. On pense surtout aujourd'hui au Pays de Galles, à la Cornouaille, à la Bretagne continentale, donc plutôt vers l'ouest, parce que c'est là qu'ils ont survécu, ils sont maintenus le plus longtemps. Mais même après l'arrivée des Anglo-Saxons dans l'île de Bretagne, il y a eu des royaumes bretons qui ont continué à persister au nord, vers la Strathclyde, vers le sud de l'Écosse. Et les premières traditions qu'on a sur Merlin parle de lui comme faisant partie d'une bataille entre différents royaumes là-haut. Parce qu'il faut dire justement, ces royaumes ils vont être un peu pris en tenaille entre, d'une part, les Anglais, les royaumes germaniques de Bernicie et de Mercie au sud, entre les Gaëls. Sud-sud-est plutôt. Au sud-est. Et disons, la gaélisation de l'Écosse qui chasse aussi par exemple les Pictes. Enfin, qui intègre les Pictes. Plutôt. Qui intègre les Pictes. Et aussi le fait qu'ils arrêtaient manifestement pas de se faire la guerre. Donc ils sont un peu disparus. Au cours du Moyen-Âge. Faut dire aussi que la notion de Pictes est assez troublée. Les Pictes désignent probablement, en fait, dans certains cas, ces Bretons du Nord aussi. Oui, oui. Les Pictes, c'est des Bretons pas civilisés, si on veut civiliser entre guillemets. Hein. C'est le terme utilisé par les Romains pour parler des Bretons sauvages, qui ne sont pas les Bretons civilisés par eux. Donc le terme est un peu vague, mais c'est clair qu'il y a des peuples britanniques pendant très très longtemps. Les Pictes sont probablement un peuple britannique, en fait. C'est ça semble être le consensus, en tout cas. Je vous renvoie à une excellente émission de la BBC In Our Time qui a parlé des Pictes dans une de leurs émissions très récentes. C'est passionnant, vous apprenez plein de choses et ça a totalement reconstruit ma vision des Pictes. Mais oui, c'est clairement comme Arthur d'ailleurs. Hein. Les plus anciennes mentions d'Arthur dans les Gododin, c'est un de ces peuples, les Votadini, c'est un peuple du nord de l'Angleterre, c'est un peuple de cette frontière. C'est ce qui est les borders d'Écosse aujourd'hui jusqu'à Glasgow, en fait. On va voir que Merlin est lié à Glasgow par le saint patron de la ville, Saint Kentigern ou Saint Mungo, comme il est aussi appelé. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas spécialement lié au Pays de Galles à l'époque, mais qui va devenir lié au Pays de Galles parce que c'est seulement au Pays de Galles que ces traditions vont survivre. Et donc la mention la plus ancienne qu'on puisse dater, parce que là on peut spéculer sur l'ancienneté de cette couche de la légende, la mention la plus ancienne c'est dans les Annales Cambriae qu'on avait mentionné dans notre premier épisode, qui aurait été rédigé au tournant de l'an 1000, à la fin du 10e siècle, pour la rédaction la plus ancienne. Sauf que la rédaction la plus ancienne dit juste qu'en 573, Bellum Arnterid, qui serait donc la bataille d'Ardérith, qui ne mentionne pas encore Merlin, mais dans une rédaction plus tardive qui daterait du XIIIe siècle, donc quand même assez tard, on mentionne la bataille d'Arthderith entre les fils d'Elifer, de Gwenzoleu, fils de Caedo, durant laquelle bataille Gwenzoleu tomba et Merlinus devint fou. Merlinus insanus effectus est. Donc c'est là la première mention, disons, d'une des couches où on dit « Pendant la bataille d'Arthderith, Merlin est devenu fou et s'est enfui ». Il y a d'autres mentions dans les triades galloises du Livre Rouge d'Ergest qui laissent penser qu'on avait peut-être une espèce de saga de Merlin, en tout cas un récit d'épisode autour de cette bataille d'Ardérith, parce qu'on nous dit dans les trois fidèles bandes de guerriers, donc une de ces triades, mentionne l'équipée de Gwenzoleu qui a continué à se battre à Ardérith, alors qu'apparemment la bataille était désespérée, et les trois qui ont fait les trois assassinats heureux, enfin les trois assassinats fortunés, on mentionne Gal, fils de Disgifaud, qui tua les deux oiseaux de Gwenzoleu, et il y avait deux harnais d'or sur eux, deux cordes et Kimri pour leur dîner et deux pour leur souper. Donc apparemment un exploit au cours de cette bataille. Une autre triade, les trois chevaux qui ont porté les trois fardeaux de chevaux, c'est un peu difficile à traduire, mentionne Cornan, le cheval des fils de Elifer, qui porta Gurgi et Peredur, ainsi que Dunaud le fort et Cunfelon le lépreux, pour regarder le brouillard de la bataille. Tous les personnages qui sont mentionnés là, c'est effectivement des Bretons du Nord, donc ça fait sens qu'ils participent ou qu'ils soient liés à cette bataille. Et à l'exception de Dinogad, fils de Conan, seigneur de Powys. Ça, c'est au Pays de Galles. Et la bataille d'Ardérive est listée dans les trois batailles futiles. Donc c'est une bataille qui est jugée comme un désastre, non seulement, mais pas très productif en plus. Faut dire que là, on est dans des textes qui sont copiés ou dont les parchemins qu'on a, les manuscrits qu'on a datent du XIIIe siècle et après. Donc ce qui les met en termes d'écriture après, effectivement, le texte dont on vous parlait après, celui de Geoffrey de Monmouth, qui est un peu le Merlin fondateur, pour en tout cas Merlin, sous son nom de Merlin, si on veut bien. Mais la tradition auquel il se rattache date probablement d'avant, probablement en tout cas avant le Xe siècle, vu que la bataille est mentionnée dans les Annales Cambriae au Xe siècle, et que les poèmes qui mentionnent Merlin, Merden, les Gododin par exemple, sont probablement plus anciens, les triades sont très certainement plus anciennes. En partie, en tout cas. Parce que les triades, il y a aussi des triades qui sont clairement très tardives. Oui, mais elles ont un fondement plus ancien probablement. Et puis, ben, évidemment, les Annales Cambriae, c'est autour du début du Xe siècle, je crois. Donc c'est. Bon, le truc, c'est justement qu'on a la version la plus ancienne, ça mentionne pas du tout Merdin. Non, c'est ça. Une rédaction plus tardive qui va intégrer ça. Je pensais aux Ardas Pridain en fait aussi, qui sont aussi autour du Xe siècle. Il y a des textes. C'est assez difficile à dire qui est venu avant entre certains de ces textes. On est d'autant plus qu'on n'est pas expert de même en gallois, donc on peut pas tellement vous dire comme ça en se basant sur notre propre recherche, mais il semblerait en tout cas que cette surcouche s'exprime plus tardivement dans les manuscrits qu'on a, mais qu'elle soit plus ancienne. Donc ce qu'il faut dire, c'est que en tout cas, on vous renvoie à notre deuxième épisode où on parlait déjà des textes gallois et on parlait des problèmes qu'on a, des manuscrits très tardifs, mais clairement, il y a des éléments qu'on pourrait deviner sont plus archaïques, même si c'est toujours difficile de trier. Il faut dire que, quoi qu'il en soit, ça fait partie de ces espèces de contenus semi-légendaires de batailles de l'île de Bretagne autour du 6e, 7e siècle. Et donc, que ce soit des traditions historiques ou pseudo-historiques qui ont été conservées, ou bien une façon de se recréer le passé, donc ça fait en tout cas partie de cet imaginaire gallois qui le place dans cette époque. Merdin est clairement un personnage de cette époque, presque même plus tardif que Arthur. Donc c'est un peu à peu près les mêmes années, mais on le présente presque comme plus tardif qu'Arthur. C'est quelque chose qu'on va voir, c'est que dans la Vita Merlini notamment, Merlin survit à Arthur. Je pense maintenant vous parler des poèmes qui sont attribués à Merlin, donc ils viennent, pour les plus anciens, on pense du Livre Noir de Caermarthen, donc on vous avait dit que c'était le manuscrit qui contient des textes en vieux gallois qu'on peut dater un peu comme étant le plus ancien dans sa copie, en tout cas autour de 1250, ce qui reste quand même assez tard, mais dont le contenu serait beaucoup plus vieux. Les textes seraient plus vieux d'environ un siècle, donc autour de 1150, ce qui est à peu près le même moment où Geoffrey rédige la Vita Merlini, donc on est à peu près au milieu du XIIe siècle quand on fixe ça. Encore une fois, quand on dit ces textes sont plus anciens, c'est la fixation de ces textes, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des réécritures de motifs plus anciens. Voilà. Le texte qu'on considère comme généralement le plus archaïque de cette tradition des poèmes de Merlin, c'est Era Falenau, les pommiers, on l'appelle généralement les stanzas des pommes ou des pommiers. Merlin parle à un pommier dans la forêt de Calydon qui aurait la propriété d'échapper à ceux qu'il recherche, donc soit il est caché par leur feuillage, soit peut-être qu'il y a aussi une idée d'invisibilité. Il a l'air d'être poursuivi, ça a l'air d'être un fugitif qui énonce le poème, et le pommier a l'air de le protéger du regard inquisiteur de ceux qu'il cherche. Il aurait obtenu un torque d'or à la bataille d'Ardérive, donc une décoration, un bijou pour un torque, un bracelet ou un collier. Un bracelet, un collier, quelque chose qu'on porte à qui. Mais il aurait ensuite subi 50 ans d'exil après ça à cause de l'hostilité de Gwasaug, le soutien de Hrøðr. Alors on écrit généralement Rider, chez nous-mêmes on a dit régulièrement Rider, mais en fait ça se prononce Hrøðr, dont il aurait tué, ou en tout cas dont il aurait conduit à la mort le fils et la fille. Donc il suggère également qu'il est responsable de la mort de Gwenzolu, et qui serait aussi mort à Ardérive. On a vu que c'était mentionné dans plusieurs autres traditions que Gwenzolo serait mort à Ardérive. A priori, Gwenzolo, c'est le seigneur de Merlin. Donc c'est son seigneur à la guerre. Il était honoré, mais après cette défaite, eh ben, il a subi 50 ans d'exil. Il se serait battu sous le pommier pour une fille, bouclier à l'épaule et glaive à la ceinture. Il est possible que ce soit Gwenvis, sa sœur, qui ne m'aime plus et ne me visite plus, allié peut-être avec la mention de ce que Merlin est méprisé par celle qui est blanche comme un cygne. Donc, ce qui colle avec le nom de Gwenvith, où il y a la blancheur dans la racine de son nom, on ne sait pas trop. Alors, est-ce qu'un épisode où Merlin se battait par amour pour une femme est perdu, mais est conservé là? C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on pense qu'il est plus archaïque, c'est parce qu'il y a ce genre d'épisode où on ne sait pas quoi en faire et qu'on ne va pas retrouver ailleurs, ce qui laisse penser que les gens ne le comprenaient plus à un certain stade. Il y a pour Jean Marcal, notre vieil ami Jean Marcal, habitué des explications un peu mystico-sensationnelles, c'est plutôt le signe d'une relation incestueuse avec sa sœur. Donc effectivement, il y aurait un épisode où il serait amoureux d'une fille, mais ce serait vraiment sa sœur. Pour moi, ça tient pas vraiment la route, mais voilà, c'est vrai que c'est, en tout cas, le contenu de ses relations avec ses femmes dans ce poème-là est ambigu. C'est probablement le texte qui représente la tradition la plus archaïque quant à Merdin. Le consensus, c'est que c'est vraiment ça le... Peut-être pas le plus vieux, mais ce qui contient le plus archaïque, le plus ancien. Il contient 38 lignes prophétiques. Donc c'est vraiment, il annonce des prophéties de façon un peu mystérieuse sur l'avenir de la Bretagne. On va revenir un peu sur la prophétie. Et 50 lignes qui sont plutôt légendaires, donc qui font référence à son personnage et à ce qu'il a fait. Généralement, Jarman, qui présente un aperçu de la légende, il essaie de séparer ce qui est contenu légendaire, donc c'est-à-dire la vie de Merlin, qu'est-ce qu'il aurait fait, ses exploits, et prophétique, où il annonce des événements futurs à venir. Après quoi, le poème se conclut par une espèce de prière pénitente, mais en tout cas chrétienne, donc même dans l'aspect voilà, le plus archaïque, on a déjà des éléments chrétiens, ça c'est clair, hein, il faut pas se leurrer, on est des siècles, bien plusieurs siècles après la christianisation de ces contrées. Le poème, le deuxième poème, qui est pas aussi archaïque, mais qui est probablement une suite, c'est Iroyanao, qui veut dire les salutations, qu'on appelle aussi le porcelet, ou les stanzas des petits cochons, enfin on donne des... parce qu'il parle à un cochon. Dans le premier, on mentionne que son seul compagnon, c'est le pommier auquel il parle, mais aussi un petit cochon, probablement un marcassin, qui subit avec lui les affres de la forêt. Ben, il y a probablement des gens qui se sont dit « Ok, c'est l'occasion de faire un spin-off, on va donner un poème où il parle que au petit cochon. » Et c'est ce que donne Iroyana, où il commence chaque stance par « Oh, salutations, petit cochon, toi, tu ne connais pas, tu te caches dans la forêt comme moi, de Hröder, tu ne subis pas le froid comme moi, etc. » Je me demande s'il y a un rapport, quelqu'un qui a déjà fait un travail sur ça, mais un rapport sur l'ermitage de Saint-Antoine dans le désert avec son cochon. Ben, probablement qu'on a des éléments qui font des parallèles avec des traditions d'ermite, ça c'est clair. Merdin, comme il est seul dans la forêt, exilé, on a des éléments, je veux dire, quand Geoffrey fait sa Vita Merlini, on peut pas s'empêcher de penser au Vita de Saint. Oui, c'est ça, il y a c'est un pas côté, un saint, mais on a ça des prend parallèles. La même structure assez. Hein. Donc là, il fait allusion de nouveau à son exil de 50 ans, à ce que Hröðr le poursuive, et fait des prédictions de catastrophe et de gloire, alternativement, pour le futur de la Bretagne. Il vieillit dans la pauvreté et le froid, alors que Hröðr fait soi dans son hall, et que Gwenvith ne le visite même pas. Donc là, déjà, on a toujours ce contraste entre le fait que Hröðr, qui a l'air d'être son ennemi, qui a probablement vaincu Gwendolo à la bataille, lui, il va bien, il festoie, il est riche, il mange bien dans son hall, tandis que lui est exilé et subit le froid de la forêt. Et sa sœur, enfin, on pense que c'est sa sœur, Gwenvith, en tout cas, la tradition ultérieure, c'est sa sœur, ne le visite même pas. Notons que dans ces deux poèmes, c'est Merdin qui énonce le poème, donc c'est des poèmes qui sont énoncé, raconté par Merlin, mais il ne se nomme pas, il n'est pas cité. Donc c'est attaché à la tradition de Merlin, mais il n'y a rien qui nous dit que c'était peut-être pas... La tradition, on fait des poèmes de Merlin, mais il n'y a rien dans le texte qui nous dit ça. C'est vraiment une attribution qui est faite à partir du contexte et de la tradition ultérieure. Sur celui-ci, on a 80 lignes qui sont légendaires, où Merlin raconte un peu sa vie, et 230, donc la grande, grande majorité, qui est prophétique. Donc c'est déjà là, on voit que la tradition va avoir tendance à plutôt gonfler ça avec des prophéties, plutôt qu'à nous raconter l'histoire de Merlin lui-même. Ce qui est cohérent avec cette tradition poétique et prophétique. Un troisième poème, qui est peut-être, de nouveau, peut-être pas aussi archaïque, c'est Imdivan Merlin à Taliesin, c'est la conversation de Merlin et Taliesin, qui commence en fait au premier folio du livre noir de Carmathian, c'est le début. On parle de la bataille qui est menée par les hommes de Dofev contre les envahisseurs de Melgun, puis le poème passe, autour de la 20e trentaine ligne, à la bataille d'Arveriz, qui ne s'est pas encore produite. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, Merdin et Taliesin discutent, et Merdin prophétise sur la bataille d'Arveriz, où il est censé devenir fou, mais apparemment, on lit généralement sa folie à son extase poétique, si on veut. Donc c'est un peu incohérent, parce que normalement il serait devenu un poète à la bataille d'Arveriz, bah là il est déjà un poète et il prophétise, bah la bataille d'Arveriz dans tant d'années va se produire. Ça ne mentionne pas Hröðr, ni Gwenzolo, ni Gwaswag, ni Gwenvith, parce que ça s'est pas encore produit. Donc tous ces éléments qui sont des personnages récurrents de la légende de Merlin n'apparaissent pas ici. On mentionne que les sept fils d'Elifer qui étaient mentionnés dans la deuxième rédaction des Annales Cambriae tomberont devant sept lances. Bon là, il y a sept fils d'Elifer, alors qu'avant il n'y en avait pas forcément sept. Avant c'était plutôt deux ou trois. Et de même que 7000 guerriers qui s'enfuiront fous dans la forêt de Calydon et y périront. Donc Merlin n'est plus le seul à s'enfuir. Maintenant, il y a plein de gens qui se sont enfuis de cette bataille. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Mais apparemment, c'était un désastre. Il faut ajouter à ça quelques poèmes plus tardifs. Quelques poèmes qui reprennent ces éléments. Donc là, apparemment, c'est toujours difficile de juger. Mais on n'est plus forcément dans la tradition, entre guillemets, primitive et archaïque. Mais simplement, on reprend les éléments de ces poèmes et on va les recombiner pour faire de nouveaux poèmes. En tout cas, ces poèmes, disons, n'innovent pas. Et c'est ça qui laisse penser qu'ils ne conservent pas forcément quelque chose d'aussi ancien, même si c'est toujours un peu arbitraire à juger. On a notamment la « Kifwaisi Merdin à Gwenvid Eichwer », littéralement « La conversation de Merdin et Gwenvid, sa sœur », qui est écrit sous la forme de « Unglignon » de trois lignes. On avait parlé un peu des « Unglignon Ibedao » dans notre deuxième épisode. Ce qui indique que le poème ne peut pas être plus vieux que le 9e siècle, parce que c'est à ce moment-là que cette forme poétique émerge. Donc on a un terminus post-quem pour ça. Il fait référence au fait que Merlin n'a pas de seigneur, donc Gwenvi se dit « mon frère sans seigneur », littéralement, qui n'a pas de seigneur, ce qui laisse penser de nouveau à la perte de son seigneur à la bataille de d'Arderiz. Ça suggère qu'il est poète et guerrier, ça mentionne la mort de Gwendolo, à la bataille d'Arderiz, ça mentionne les rois Hrotherhel, donc Hrother le généreux, ce qui est un peu ironique vu comment il est présenté, mais c'est son épithète, Morganfor et Urien, qui va être lié plus tard à la légende de Owain de Yvain. Quelques innovations, c'est que Gwenvid semble inquiète pour le bien-être de son frère, qu'elle appelle son Lalog ou son Lalogan, son frère, parce qu'il y a aussi une dimension de... Pas forcément de... Ça peut parfois vouloir dire jumeau, ce qui n'est pas forcément le sens là, mais en tout cas, frère dans le sens très proche. On mentionne le père de Merdin, Morun, et sa fratrie supposée, Morgenau, Moral, Morien et Mordaf. Donc il aurait des frères. On a aussi la Gwasgarev Merdin Inibev, je ne sais pas comment le prononcer vraiment. Gwasgarev, c'est le chant de séparation de Merdin à la tombe. Donc c'est Merdin qui chante dans la tombe ou à la tombe, en parlant de sa tombe, donc on est vraiment dans la contemplation de sa mort, et il chante sur ce thème-là. Il est contenu dans le livre rouge d'Ergest, et aussi dans le Peniath MS-12, et partiellement dans le livre blanc de Hrother. On parle de nouveau de la déchéance de Merdin, qui est de nouveau décrit comme fils de Morfrun, après qu'il ait côtoyé des seigneurs et bu du vin. Donc on a cette mention, jadis je buvais du vin à la table des seigneurs, mais maintenant je suis déchu, donc c'est vraiment la déchéance. Il y a une référence obscure à Gwasog, au roi d'Alriadic Aidan MacGabrain, et aux hommes sauvages de la montagne. Et ça, on ne sait pas trop quoi en faire, mais il y a des traditions, effectivement, d'hommes sauvages dont Merdin fait partie, parce qu'il s'enfuit fou de cette bataille, donc c'est un homme sauvage, un sauvage qui vit dans la forêt. Mais en tout cas, il y a des références un peu obscures aux hommes sauvages de la forêt. Un dernier poème qui est beaucoup moins bien édité, donc là, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en parler, c'est le Perenvaban, ou Perenfaban, qui veut dire le jeune homme commandant, mais presque le garçon commandant. Le garçon commandant. Il est contenu dans un manuscrit du 15e siècle, ce qui est un peu plus tardif. Il est publié par Jarman, mais je ne crois pas qu'il a été traduit. Il a été publié, donc le texte est édité, mais il n'a pas forcément été traduit, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Je sais qu'il mentionne le souvenir de Gwenzolu, il mentionne de nouveau la bataille, mais je ne peux pas forcément développer là-dessus. Pour résumer, les traits principaux du Merdin gallois dans ses poèmes. C'est un barde qui a côtoyé des seigneurs et qui a priori chantait leurs louanges, donc il accompagnait les seigneurs, il faisait des poèmes pour eux. Avant sa déchéance. Il a un passé guerrier, mais il a plus de seigneur, il a perdu son seigneur, a priori Gwendolo, à la bataille d'Arderiz. Elle est datée à peu près en 570, hein, 573. Alors, les annales cambriées, la version la plus ancienne, donne 573, les autres rédactions varient un peu la chronologie, mais donc la fin du 6e siècle. Il est possible que cette bataille soit historique. Il est possible que cette bataille reflète réellement un conflit réel entre des royaumes britanniques. En tout cas, c'est un thème assez intéressant pour un peuple gallois, enfin celte, britannique, qui est un peu menacé gravement, qui veut retracer justement la chute. Expliquer sa chute, ces guerres intestines entre seigneurs celtes au nord de l'Angleterre peuvent expliquer en tout cas en partie les raisons pour lesquelles sa conquête et sa destruction est finalement si aisée pour les Anglais. Non, c'est ça, il y a aussi clairement une légitimation, justement, ben voilà, les Bretons, les peuples britanniques sont un peu sur le déclin face aux Anglais. Le fait de mentionner les royaumes britanniques du nord qui se sont battus, ils sont tellement battus entre eux qu'ils ont fini par disparaître, c'est aussi un moyen de dire peut-être qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, peut-être que là on devrait promouvoir une espèce d'alliance galloise, il y a peut-être justement cette idée de promouvoir une communauté d'intérêt des Gallois, ce qui se retrouve beaucoup dans les prophéties, justement. Presque aussi intéressant, c'est que suivant les textes plus tardifs, on va le voir, mentionnent plutôt des parties impliquées dans la bataille comme non pas britanniques, mais gaéliques, comme, disons, des Scots, donc des Gaëls. Donc on va voir que ça va un peu évoluer après tout ça. C'est vrai que cette tradition d'un homme sauvage dans la forêt, le guilt ou le guilt... a des parallèles très clairs dans les traditions irlandaises, qu'on va le voir avec la Bulesiuni. Donc c'est difficile de dire à quel point, quelle valeur accorder à ces correspondances. On parlera, disons, on parle de textes parallèles, des textes qui sont parallèles à la Vita Merlini. Mais pour conclure ces traits principaux du Mervyn gallois, il est hostile envers Hrothere. Il est poursuivi par Hrothere, il le fuit, il fuit ses forces. Apparemment, c'était lui qui l'a défait à la bataille. Gwendolyn, son seigneur, est mort. Il aurait péri dans cette bataille, donc ça, c'est une tradition qui est conservée par ailleurs. On suppose que c'était son seigneur, et peut-être que c'était de la faute de Mervyn. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une notion de culpabilité, clairement. Et c'est la suite de cette bataille qui serait devenu fou. Donc, devenu fou, pendant une bataille, il s'est enfui, il vit dans la forêt. On trouve un peu d'autres traces dans les triades galloises, mais globalement, c'est ça. Si vous voulez quelques infos sur cette légende, c'est un peu difficile de trouver des trucs en français, mais vous avez un chapitre du Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend de Alan Lupac qui est pas trop mal. Et vous avez aussi un article de Jarman sur la légende de Merlin dans The Arthur of the Welsh, qui est un de ses livres édités par l'Université du Pays de Galles, qui est très bien. Il a un chapitre où il parle de ce développement, et lui, il a publié plusieurs articles là-dessus, donc peut-être regarder d'autres de ses publications. Mais Jarman, c'est un des spécialistes sur cette question de l'émergence, de la naissance de Merlin. Lui, il considère que c'est possible que Mervyn ait émergé presque entièrement comme explication de toponyme, c'est-à-dire de Kermarthen, Kermurthen. On va parfois dire « Ah, Kermarthen, Kermarthen, c'est lié à Mervyn ». Ben, Jarman, il pense que c'est peut-être là l'origine du mont. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il serait situé au nord de l'Angleterre, finalement. C'est parce qu'on aurait voulu inventer un personnage pour justifier ce nom. Moi, je suis jamais convaincu par ces explications, mais peut-être que là, on a un cas où il y aurait effectivement une explication étymologique. Donc, dans la tradition galloise primitive, Mervyn, c'est probablement un barde, un prophète, et disons, c'est principalement un prête-nom auquel on attribue des poèmes prophétiques qui sont souvent très mystérieux, et très souvent, comme vous imaginez, les traditions prophétiques qui émergent de la tradition prophétique chrétienne aussi, je veux dire, on connaît l'Apocalypse de Saint Jean, on connaît des prophéties juives puis chrétiennes, c'est un peu toujours la même chose, on utilise un langage assez imagé pour dissimuler un peu ce qu'on dit, mais qu'on reconnaisse quand même de quoi on est en train de parler. Et bien sûr, ces prophéties sont un peu à usage multiple. On connaît ça jusqu'à aujourd'hui, les prophéties de Nostradamus, très probablement que ça faisait référence à des événements qui lui étaient pratiquement contemporains, mais aujourd'hui encore, vous trouvez des gens qui disent « Non, ça parle de notre époque ». Et c'est ça qui est bien avec ce langage imagé, c'est que c'est à usage multiple. Vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Mais là, il parle quand même d'une géographie qui fait référence à un passé imaginaire de l'île de Bretagne. Et ça, c'est un peu la tradition primordiale. Maintenant, Geoffrey de Monmouth va vraiment créer le personnage de Merlin, notamment en le fusionnant à un autre personnage qu'on a déjà vu, c'est le personnage d'Ambrosius, qui était déjà chez Nennius. Vous vous rappelez, on revient en fait de nouveau sur notre premier épisode, donc dans l'Historia Bretonum de Nennius, on a ce personnage d'Ambrosius, c'est-à-dire que Vortigern veut construire une tour, ses conseillers, qui sont des espèces d'astrologues, lui disent « construis une ville ici, ça va être très bien », mais le travail disparaît chaque nuit, ou le travail est défait chaque nuit, on comprend pas pourquoi, et ils lui disent « la solution, c'est de verser le sang d'un enfant sans père sur le site de la construction, et là, ça va marcher ». Vortigern s'applique à suivre ce conseil, et il trouve un enfant qui serait né sans père, c'est-à-dire que sa mère dit « je ne sais pas comment il a été conçu, parce que je n'ai jamais couché avec un homme ». Et donc, ça sera contredit dans la suite du texte, comme on l'avait dit la dernière fois, comme on l'avait dit dans notre premier épisode. Mais à ce moment-là, justement, il trouve un enfant, un certain Ambrosius, qui n'a pas apparemment de père, et il dit « Bon, ben, on va te mettre à mort ». Il dit « Mais pourquoi vous voulez faire ça ? Vos servants vous ont dit de le faire, mais moi, je m'y connais mieux, et je vais vous expliquer vraiment ce qui est en train de se passer ». Là, on a plusieurs thèmes qui vont être fusionnés par Geoffrey avec la tradition du Mervyn original, pour former ce personnage de Merlin, qui là est un enfant qui apparemment a une connaissance innée comme ça des rouages du monde et qui sait exactement ce qui se passe parce qu'il lui dit sous cette tour en fait si elle s'effondre c'est parce qu'il y a deux dragons qui sont en train de se battre et il lui explique d'ailleurs que le serpent rouge est ton dragon, dit-il à Vortigern, mais que le serpent blanc, donc le dragon blanc, est le dragon du peuple qui occupe plusieurs provinces et districts de Bretagne et presque de la mer à la mer, en toute longueur, mais de toute façon, notre peuple se lèvera et chassera la race saxonne. Donc, on a déjà là l'idée. Ambrosius n'est pas encore Merlin, hein, n'est pas encore Merlin, il n'est pas encore lié à cette tradition, mais c'est déjà un personnage d'un jeune garçon, né sans père, qui prophétise, qui dit « les Bretons vont se soulever et vaincre les Saxons » en interprétant ces signes, donc ces dragons qui se battent sous la tour. Geoffrey de Monmouth va greffer sur ce personnage le personnage de Merlin et donc le réinterpréter en liant donc une tradition prophétique galloise qui existait indépendamment. Alors, la principale différence, en outre le fait qu'il lui donne le nom de Merlin, Merlinus, c'est que il le rattache de nouveau à cette tradition, d'étymologie des noms, parce que Ambrosius s'est trouvé près de un royaume qui s'appelle Glywswing, ou Glywswing, qui correspond à peu près à Glamorgan de nos jours au Pays de Galles, donc dans le sud du Pays de Galles. Là, on passe à Caermarthen, donc Caermarthen, donc le nom de naissance de la place de Merlin, enfin l'endroit de Merlin. Et c'est là qu'on va aussi introduire une nouvelle chose. Au lieu d'avoir Ambrosius qui dit, après que sa mère ait dit « Non, non, je n'ai pas connu d'homme », en fait, qu'il est le fils d'un consul romain, ce qui semble un peu curieux. Là, Geoffrey nous dit clairement qu'il est conçu en fait par un être qui peut prendre l'apparence d'un homme, qui est en fait un incube. Sauf que là, contrairement à ce qui va se faire plus tard, cet incube ne semble pas avoir un plan particulier. Enfin, ça semble assez curieux. C'est assez curieux, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur ça. En gros, c'est clairement un incube ou un être surnaturel. C'est-à-dire que Vortigern interroge la mère de Merlin, qui dit qu'elle avait un beau compagnon, très beau d'apparence, qui lui apparaissait de temps en temps, et qu'apparemment elle couchait avec, et qui disparaissait de manière presque surnaturelle. Elle ne se posait pas trop de questions. Et Vortigern, il demande de conseil à des gens qui lui disent « Oui, c'est clairement un incube, c'est un de ces démons qui peut coucher avec des femmes. » Donc mais... la mère de Merlin se rend pas forcément compte, mais en interprétant son témoignage, les gens disent « Ah ben, c'est un fils d'un incube. » Il va aussi avoir le don de prophétie comme le Merlin, et c'est là qu'il va se rapprocher probablement plus de Merlin. Il a Geoffrey lui compose une longue suite de prophéties qui vont aussi être transmises à part de l'Historia Regum Britanniae dans les Prophetiae Merlini, qui forment le livre 7 de l'Historia, mais qui circule aussi à part, dans lequel notamment Merlin va prédire pour Vortigern. Outre sa propre chute, il va aussi prédire, par exemple, l'arrivée d'Arthur, du sanglier de Cornouailles. Il va faire une longue liste de prédictions que je ne vais pas vous résumer ici, mais qui va être après très utilisée par certains auteurs de prophéties, de chroniques arthuriennes, pour lier des parties de ces prophéties à des événements qu'ils relatent eux-mêmes. Donc, de nouveau, il y a une forte interprétation, et c'est des prophéties qui vont à peu près de la chute de Vortigern jusqu'à la chute des Bretons eux-mêmes. Et après, on va vouloir l'utiliser, évidemment, pour faire des liens avec la chute des Saxons, l'arrivée des Normands. Mais à l'époque, c'est clairement, en tout cas, c'est clairement des prophéties attribuées à Merlin sur la fin, disons, de la domination celte en Bretagne. Il y a aussi, il faut dire, on avait mentionné dans notre épisode sur l'Historia Regum Britanniae, notre troisième épisode auquel on vous renvoie, qu'il prophétisait aussi des choses à Uther qui n'étaient pas forcément censées, typiquement sur la descendance de sa fille, où on n'arrivait pas à comprendre exactement de quel roi il parlait, de quel descendant, quand il interprétait la comète, ouais. Tête de dragon qui interprétait son nom. On a quelques petits problèmes d'interprétation, mais on peut remarquer que là, on a clairement aussi une dimension très politique. C'est-à-dire que dès ce moment-là, et même avant, ce personnage de Merlin, ce personnage d'Ambrosius, ces prophéties sont liées au destin des peuples britanniques, des îles britanniques et de leur déclin. Et dès ce moment-là, dès le Merlin gallois, on a dans toutes ces traditions-là, une des dimensions, c'est l'idée que, ok, on est un petit peu en train de perdre face aux anglo-saxons, mais attendez voir, dans les prophéties, on annonce qu'on va finir par se soulever et s'unir. Et il y a l'idée que, aussi, par exemple, que Cadwallader ou Conan ou d'autres souverains britanniques vont revenir et unifier tout le monde. Et puis, bien sûr, ça se chevauche beaucoup avec cette espèce d'idéal messianique d'Arthur, ce qu'on va revoir aussi dans la Vita Merlini de Geoffrey. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, donc après avoir écrit au début, dans les années 30, probablement en 130, l'Historia Regum Britanniae et en avoir effectivement fait circuler des prophéties qui en sont extraites, Geoffrey va composer une Vita Merlini, une vie de Merlin. Qui va se baser largement sur les narratifs gallois préexistants, ça c'est clair. Ce qui semble être un indice, enfin en tout cas qu'il avait accès à des textes gallois, c'est ce qu'il dit dans l'introduction de l'Historia Regum Britanniae. Il ne fait pas une introduction similaire, disons que l'Historia Regum Britanniae c'est un genre assez particulier, c'est de l'histoire de tradition latine, disons, assez clairement. Il parle à la première personne, il relate vraiment l'histoire de telle qu'elle pourrait être relatée chez Tite Live ou chez... Alors évidemment, c'est l'histoire fantaisiste en large partie, mais il revendique, disons, une source, etc. Dans la Vita Merlini, c'est pas tout à fait pareil. La Vita Merlini, en fait, prend une forme qui est aussi à la fois très classique, disons, c'est clairement, en tout cas dans son introduction, une volonté d'imiter la poésie épique, la poésie classique épique. Mais on va le voir, ça va vite changer de forme au fur et à mesure du récit. Alors, on en conserve 7 manuscrits, donc une circulation bien moindre que celle de l'histoire britannique, dont on compte des dizaines et des dizaines de manuscrits, plus d'une centaine, je crois. Ce qui explique aussi qu'il soit, disons, il est beaucoup moins lu que l'histoire britannique, c'est clair. Il est beaucoup moins édité. C'est du vers aussi, hein. C'est du vers. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'est en fait ce qui nous arrivait pour notre troisième épisode, c'est on s'est dit on pourrait le traiter dedans, mais pour des questions de temps, on s'est dit c'est plus cohérent de traiter Merlin à part et de le traiter ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais c'est assez symptomatique du traitement de ce truc, c'est que généralement les gens prennent pas forcément le temps de le lire parce que c'est pas forcément un de ses best-sellers. Après, on peut quand même le trouver dans des traductions, des éditions. Nous, on s'est basé sur une traduction française faite par Christine Bord et Jean-Charles Berthet, publiée dans un bouquin qui s'appelle Le Devin Maudit, qui est un livre dirigé par Philippe Walter, qui s'intéresse à Merlin, Lyloken et Suivenay. Donc, on va parler de Lyloken et Suivenay après. Donc, édite en fait ces trois textes, la vie de Lyloken, l'histoire de Lyloken dans la vie de Saint-Kentingern, la vie de Merlin et Brûlé Suivenay. Et la traduction française ici se base sur l'édition, publie aussi l'édition de Basil Clark, une édition des années 70 publiée à l'Université World's Press. Ça date de 1999, je crois que c'était les presses universitaires de Grenoble. Donc c'est une d'inspiration assez celtisante, disons. On trouve Je pense que c'est une très bonne édition, ne serait-ce que parce que vous avez la Vita Merlini en bilingue, vous avez les extraits de Kentigern en bilingue, la Brûlé Suivenay. Il y a clairement une édition d'aller moins à fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait en bilingue parce que le texte a été réédité il n'y a pas longtemps, donc on ne vous présente pas l'irlandais. Et aussi, c'est une version abrégée de la Brûlé Suivenay. Mais le fait d'avoir ces textes ensemble, c'est vrai que c'est une édition récente très bien de ces textes. Pour voir la Vita Merlini, je vous le conseille. Par contre, je déteste l'introduction de Philippe Walter qui essaie d'aligner la Vita Merlini avec le calendrier finalement irlandais, ce qui, à mon avis, ne fait pas forcément sens, qui fait une analyse trifonctionnelle à la Dumézil, qui, comme la plupart des analyses trifonctionnelles à la Dumézil, ça consiste à cocher des cases, c'est pas très intéressant. Je vous conseille de lire les textes d'abord et lisez l'introduction après, parce que pour moi, c'est pas une bonne introduction. Mais les notes critiques sont pas toujours très pertinentes aussi sur ça, d'ailleurs. Les notes critiques sont peut-être un peu bizarres aussi, mais disons, je vous conseille de prendre connaissance des textes avant de prendre connaissance de l'introduction pour la voir d'un œil peut-être un peu plus critique de ce côté-là. Mais sinon, c'est une assez bonne édition. Faut dire aussi qu'il y a, je pense, quelques erreurs, des traductions que je trouve un peu, un peu aventureuses. On les mentionnera au fur et à mesure. C'est des textes ambigus, hein. Il faut faire des choix après sur ce que le texte veut dire, et c'est pas toujours évident. Comme on l'a dit, il a survécu dans seulement 7 manuscrits. Je peux peut-être faire un mot sur les manuscrits. Justement, il y a 7 manuscrits dont un seul qui est complet, c'est-à-dire que c'est le manuscrit Cotton Vespasian E4. On est encore dans la bibliothèque cottonienne. Bibliothèque cottonienne, bien sûr, qui daterait de la fin du XIIIe siècle. L'explicite, c'est Vita Merlini Calidoni per Galfridum Monemutensem, donc la vie de Merlin écossais. Calédonien, donc voilà, un peu toujours attaché au nord de l'Angleterre ou au sud de l'Écosse, par Geoffrey de Monmouth. 4 autres manuscrits couvrent à peu près la moitié du texte, qui datent tous généralement du 14e ou du 15e siècle. Harley 655, le Royal 13e, le Cotton Julius E8 et le Cotton Titus A19, qui est intéressant parce qu'il date du 15e siècle, mais il contient aussi les extraits de Lyloken qu'on va mentionner après. Et il y a deux des manuscrits qui contiennent même pas la moitié du texte, mais ils contiennent juste les prophéties. Donc de la même manière que l'histoire Rigum Britanniae, parfois, il y avait les prophéties de Merlin qui circulaient à part, qui ont probablement été rédigées à part, là, il y a des gens qui ont essayé de copier que la partie de la Vita Merlini où Merlin fait des prophéties. Donc on voit qu'en termes de texte, finalement, on a un manuscrit complet, un succès bien moindre. Pour l'état du texte, on ne l'a pas forcément dit, c'est un poème latin de 1559 hexamètres, donc 1559 vers. On est dans une dimension très très, comme je l'ai dit, épique. Ça me fait beaucoup penser au début de l'année. En fait, ça commence Fatidiki vatis rabiem musamque yokozam merlini cantare paro. Je m'apprête à chanter la fureur du devin et prophète Merlin en un plaisant récit. Alors fureur, il dit littéralement la rage, non? La rage, ouais, la rabiem. La rage poétique. Donc on est toujours dans cette idée d'homme sauvage. Il y a une dimension qui est quand même, je trouve, assez. Il invoque aussi Orphée, Camérinus. Ouais. Il invoque les muses aussi. Très antiquisante, mais on va voir après qu'il fait aussi référence beaucoup aux étymologies d'Isidore de Séville, qui est un ecclésiastique andalou, qui est une des références, disons, en matière d'étymologie, d'explication encyclopédique. En général, d'encyclopédie effectivement médiévale, il y a vraiment un côté très très fusion d'une tradition classique avec la tradition galloise. Et je pense que ça s'y prête assez bien parce que le texte prophétique, Merlin c'est un barde, à la base, il y a cette notion qu'il est vraiment poète aussi lui-même. Donc c'est vrai que c'est assez adapté pour le coup, mais c'est très très différent de l'histoire Hugo Moutagnier, je trouve. On peut mentionner, je crois aussi, il fait une dédicace où il salue Robert de Chesnay, oui. Voilà, ça permet notamment de le dater, parce que vu quand est-ce qu'il est entré en fonction, on peut dire que... Trois Robert, gloire des évêques, corrige mes vers et donne le ton juste à ma plume. Voilà. On date généralement le texte du coup entre 1148 et 1151. Mais il est évêque de Lincoln, hein, Robert de Chesnay. Et à cause de ça, et notamment aussi des indications dans les prophéties de Gagnéda à la fin, où parfois on a lu ça comme des parallèles avec l'histoire récente de ce moment-là. Donc généralement on dit 1150 parce que c'est dans ces eaux-là. Alors, Geoffrey nous explique que Merlin, il l'appelle Merlin le Breton, Merlin de Bretagne, est en fait un roi ou un prophète des Démètes, le peuple de Fed, donc un peuple des Galles du Sud, qui est allié avec Peredur, le chef du Gododin, donc Venedotorum Peredurus, Dux Venedotorum Peredurus, donc les Gododin qu'on a déjà vu hein, dans les Gododin. Toujours ces Britons de Bretagne. Voilà, on parle d'un peuple du Gwynedd, nord-ouest du Pays de Galles, autour de la Cambrie, qui est allié avec le roi Rodarc, donc le roi de Cambrie. C'est de nouveau, ce serait Hrodarc, mais là, cette fois-ci, c'est plus du tout un ennemi de Merdin. C'est un allié. Et ils sont alliés, Peredur, donc le fils d'Elifer, probablement, alors certaines traditions ont vu dans Peredur plutôt lié à York, parce qu'il est fils d'Efrog dans certaines traditions galloises, Efrog c'est le nom gallois de York. Il est allié, donc ce roi des Venedotorum, donc des Gododin, avec le roi des Cumbrorum, donc on est face un peu plus au nord-est là, contre un Gwendoleu qui est roi des Scots. Donc on est dans une inversion géographique par rapport aux traditions anciennes, voilà. Et dans des termes d'alliance. Au lieu d'être ennemi de Rodarc, de Rhydderch, ici Merlin est l'allié de Rodarc contre son seigneur dans l'ancienne tradition. Voilà. Mais le seigneur lui-même, qui est à la base autour de la Cambrie, donc autour de Carlisle, est ici placé comme un roi scot. Le royaume à l'époque, c'est le royaume de Dalriada, donc des Gaëls qui vivent autour du nord-ouest, autour des îles de l'ouest de l'Écosse. Alors que Rhydderch lui-même est censé être roi du Strathclyde, donc qui se trouve autour de Glasgow. Donc là, on est un peu dans une inversion géographique. Et aussi des alliances. Donc c'est peut-être ça reflète plus la situation au XIIe siècle que effectivement la réelle tradition historique de Merlin. Donc là, ils nous expliquent qu'ils vont à la bataille contre ce Gwendoleu qui règne sur les Scots, avec non seulement Peredur Rodarc, et aussi trois frères. Alors là, c'est assez ambigu, on ne sait pas si c'est les trois frères du prince. Est-ce que c'est trois frères de Merlin, est-ce que c'est trois frères de Rodarc, ou est-ce que c'est trois frères de Peredur? La traduction qu'on a sous les yeux traduit par trois frères de Merlin, ce qui me semble la plus risquée des traductions. Dans la tradition galloise, on a vu certains poèmes où Merlin a une espèce de... Merlin a une espèce de fratrie. Donc ce serait une correspondance possible. Peredur a certainement des... Frères, je crois, 6 ou 7 frères. Alors ça dépend, mais c'est vrai qu'on arrive parfois à 7 frères, donc ça pourrait être des frères de Peredur. Rodarc, c'est aussi une interprétation, même si là, par contre, on n'a pas forcément d'éléments pour appuyer ça. Donc voilà. Mais en tout cas, à cause des morts dans la bataille, Merlin devient fou et s'enfuit. Ces trois frères sont tués, en fait. Ils sont en rage, ils portent la bataille à l'ennemi, ils sont abattus. Et c'est là que Merlin se lamente et s'enfuit, effectivement. On nous mentionne que Peredur, donc Peredur, hein, il faut le mentionner, ça deviendra le nom du Perceval gallois, en fait, dans la traduction galloise postérieure à Chrétien de Troyes. Essaye de consoler Merlin, il pleure 3 jours entiers, refuse toute nourriture, et il n'est pas encore en train de fuir. Hein. Là, il est dans un état un peu catatonique, il gisse par terre, et le poème ici le tutoie, lui l'appelle. À cette vue, Merlin, tu t'affliges, tu répands au sein de l'armée tes tristes lamentations et tu te plains en ces mots. Et là, il nous rapporte en discours direct ce que dit Merlin et explique qu'il gémit, que la bataille ne cesse pas et que finalement, les Bretons finissent par battre les Écossais. Donc c'est une victoire pour le camp de Merlin. Et on est encore dans cette dimension d'opposition écossais-breton qui, en fait, ils n'auraient pas été appelés des Écossais parce qu'aucun de ces peuples à la base est censé être écossais, mais ça reflète peut-être plus effectivement la tradition des annales cambriées du 6e siècle, des conflits réels entre ces peuples bretons du nord de l'Angleterre et du sud de ce qu'on appelle maintenant l'Écosse, et ça reflète probablement plus l'opposition effectivement entre les peuples celtes britanniques et les peuples celtes gaéliques, qui s'est achevé finalement avec la prise de pouvoir de plus en plus grande des rois du Dal Riada, puis après ensuite des peuples, des Scots, des Gaëls. Avec la gaélisation de l'Écosse, qui, disons, un des épicentres, c'est probablement le monastère d'Iona et des choses comme ça. Voilà, c'est une grosse... Il faut dire, c'est pour ça qu'on a deux groupes de langues celtiques qui survivent aujourd'hui. C'est les langues britanniques, qui dépendent ultimement du Pays de Galles, des Bretons britanniques, et les langues gaéliques qui finalement viennent de l'Écosse et d'une très très grande influence des Gaëls irlandais sur... Qui ont émigré en Écosse, en fait. Qui ont émigré en Écosse. Et c'est vraiment à partir du 6e siècle qu'on a une influence. Mais la grande influence, cette gaélisation de l'Écosse, ça se fait surtout en fait sous une influence anglo-saxonne aussi. Mm-hmm. Parce que c'est cette tradition du monastère d'Iona qui va être transmise et qui va très fortement influencer le christianisme du nord de l'Angleterre, des Anglais du nord en fait. Mais voilà, donc on est dans une tradition qui est un peu inversée par rapport à l'ancienne. Justement, hein, c'est un reflet plutôt de la géopolitique de l'époque de Geoffrey de Monmouth que de l'époque de ces personnages réels. Donc on a de nouveau une adaptation, une réutilisation clairement de ces motifs qui sont sans cesse réutilisés, réinterprétés. C'est pas quelque chose qui est spécifique à l'époque de leur écriture où ils sont utilisés à des fins politiques, c'est clairement quelque chose qui va être perpétué. Donc là, Merlin devient fou, Merlinus devient fou, il va... après cette période catatonique, fuir dans les bois. Mm-hmm. Et c'est là qu'il va commencer à vivre comme un animal sauvage. Et sa sœur, Gagneda, donc c'est la Gwendith, mais latinisée, qui est aussi mariée effectivement à Rodarc. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on la lie à Rodarc finalement, parce que c'est plus facile d'expliquer le fait qu'il soit le beau-frère de Rodarc si c'est son allié que si c'est son ennemi. Voilà. C'est vrai que Gwendolyn... Bon, il y a des passages ambigus de la tradition galloise qui pourraient expliquer ce rapprochement de Hrider et de Gagneda et Hrider, mais disons, c'est clairement ce renversement est clairement une innovation de Geoffrey. Gagneda parvient à envoyer un musicien ou un chanteur qui chante la lamentation de Gwendolyn, la femme de Merlin. Mm-hmm. Et Merlin, finalement... parvient à se ressaisir, à revenir à la cour. Il redevient fou face à la foule qui l'attend. Et là, c'est Rodarc l'en fait enchaîner, en fait, pour pas qu'il puisse fuir encore. Et il va y avoir un épisode ensuite du rire de Merlin. Il va voir une feuille dans les cheveux de Gagneda. Et il rit, en fait, en la voyant. Et quand Rodarc lui demande pourquoi, Merlin lui demande de lui accorder d'abord sa liberté s'il veut pouvoir savoir pourquoi il a ri. Et en fait, il explique que Gagneda a cette feuille dans ses cheveux parce qu'elle s'est couchée dans le feuillage, sous un foliage avec son amant. Et bien sûr, Gagneda va nier le fait d'avoir un amant. Elle va expliquer que les prophéties de son frère sont fausses. Et elle va dire à son mari un plan pour prouver que ses prophéties sont fausses. Avant qu'on explique ce plan, je peux peut-être dire que ce motif du rire inexpliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui rit, qui a un rire sardonique et qui après on lui demande explique ce rire, ça va faire partie du personnage de Merlin à partir de là, et on trouve beaucoup de correspondances folkloriques. Il y a beaucoup de contes, notamment il y a un conte talmudique de Salomon et Asmodée où c'est un démon qui rigole. En fait, c'est Salomon qui a le pouvoir de convoquer les djinns, les démons, qui le convoque, et ce démon rigole et Salomon l'interroge. Pas forcément, ça veut pas forcément dire que c'est une version plus ancienne, je suis pas exactement sûr de quelle version serait la plus ancienne. Je crois qu'on trouve aussi une correspondance dans les contes de Straparola, enfin les nuits de Straparola. Mais c'est un motif folklorique qu'on va trouver bien en dehors de la tradition de Merlin. Donc ça, c'est pas quelque chose qui doit... Je crois même qu'on a des correspondants indiens. Donc c'est une de ces histoires qu'on trouve extrêmement diffuse et qu'on trouve rattachée à divers personnages. C'est pas typiquement merlinique, c'est pas propre à cette tradition galloise. Mais là, on va le trouver attaché au personnage de Merlin pour longtemps. Alors, et donc, le stratagème de Gagneda pour essayer de prouver que Merlin, son frère, finalement, dit n'importe quoi. Elle va demander à son mari de d'amener un garçon à Merlin. Et il va lui demander de prédire sa mort. Merlin dit qu'il va périr en chutant d'une falaise. Ensuite, elle déguise l'enfant après l'avoir soustrait à Merlin. Et elle le ramène et pose la même question à Merlin. Et Merlin dit « Il mourra dans un arbre ». Et ensuite, elle déguise l'enfant en femme, elle le ramène de nouveau à Merlin, et Merlin dit que l'enfant mourra en se noyant dans une rivière. Un truc qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas exactement que c'est une jeune femme ou une fille, on dit que c'est une vierge, donc c'est un peu l'équivalent de comme pucelle en français, ça veut dire une vierge, mais ça veut aussi dire une jeune fille. Et Merlin répond basiquement en latin, que ce soit une vierge ou pas, elle mourra comme ça. Et donc, ça laisse entendre, que ça pourrait être une réponse sardonique et un peu méprisante et cynique, si on pense à la dimension sexuelle du truc, mais aussi peut-être le fait que Merlin justement se rend compte qu'on est en train de se payer un peu sa tête, et que même s'il donne ses prophéties qui ont l'air incohérentes, il se rend compte de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et donc du coup, Rodark, ayant entendu les trois prophéties, se dit, ah, mais Merlin, effectivement, fait des fausses prophéties parce que... Bah, c'est incohérent, là. Parce que c'est incohérent. Et en fait, la prophétie va se révéler vraie, puisque l'enfant va tomber d'une falaise, rester accroché le pied, par le pied à des branchages, et va avoir la tête sous l'eau. Enfin, disons, l'arbre doit être au-dessus de l'eau, et puis il doit avoir la tête qui coule, et il va effectivement se noyer comme ça. Et il y a une correspondance, tu avais fait remarquer, avec un autre poème, un épigramme. Voilà, un épigramme latin sur l'hermaphrodite qui a été rédigé par. Qui est attribué à Hildebert de Lavardin, je ne sais pas exactement. Si c'est une attribution qui est légitime, si c'est le cas, c'est Hildebert de Labardin, il est actif au début du XIIe siècle, donc à peu près dans les mêmes moments où Geoffrey est actif. Il s'agit d'un poème où il y a une femme qui demande au dieu romain quel sera le sexe de son enfant, et on a Phébus qui nous dit que ce sera un puère, donc un garçon, Mars qui nous dit Femina, donc une femme, et Junon qui concilie les deux réponses et qui dit Neutrum, donc un sexe neutre. Donc masculin, féminin, neutre, en fait c'est un hermaphrodite, donc c'est une fascination pour ce personnage de l'antiquité classique qui réconcilie, qui est androgyne, qui réconcilie les deux genres, ce qui est impossible. Et du coup, après d'autres dieux, enfin les dieux sont également interrogés sur la mort que l'enfant subira, et ils répondent aussi des choses qui sont incohérentes, ils disent trois morts différentes, Oxydotarmis, Croquet ou Aqua, donc également la noyade, la crucifixion, la pendaison, et puis par les armes, donc à la guerre. De nouveau, ça a l'air incohérent, et donc on a un motif où ça se vérifie. Donc à peu près au début du XIIe siècle, on voit ce motif émerger ailleurs, c'est pas propre à Geoffrey de Monmouth, et en fait ça montre un peu aussi le caractère très composite de ces textes, c'est-à-dire on prend des références classiques, on prend Isidore de Séville, on rajoute un laïus sur les sources, les oiseaux, qu'on va voir après pour le côté un peu savant, encyclopédique, on prend des motifs qui tournent, des motifs de contes qui probablement on entend, et on mélange un peu tout ça, il y a clairement un mélange d'influences dans ce texte, quoi. Il y a aussi clairement une parenté avec les poèmes gallois, hein. Oui, il mentionne, quand il va la première fois dans la forêt, il mentionne que Merlin voit trois pommiers qu'il ne peut voir et ne pas voir, donc ça semble être l'arbre invisible. Cet arbre voilà, évanescent. Et il y a son ami le loup, et là le loup a une correspondance, parce que le loup en breton, en langue celte, c'est Blaise, et on va y voir une correspondance plus tard avec Blaise, qui est le confesseur de Merlin dans le roman en prose. Et donc du coup, alors je ne sais plus très bien, est-ce que Geoffrey explique ce qui se passe avec Gagneda, parce qu'il semblerait que même si la prophétie de Merlin se révèle vraie, il n'y a pas beaucoup de conséquences pour Gagneda elle-même. Non, il dit que ça, on met plusieurs années à ce que ça se passe. En fait, il dit que c'est quand ce garçon a atteint l'âge adulte, la prophétie se vérifie en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça c'est dans une temporalité différente. On ne sait pas exactement quand ça se passe, mais probablement que 10-15 ans après, les gens se disent ah, en fait, Merlin n'était pas si bête que ça, mais on est quand même un bon moment après. Et puis du coup, ça n'a pas de connexion directe à l'histoire. Ça confirme juste qu'il avait raison. Oui, parce qu'effectivement, il peut partir. On l'autorise à partir malgré sa prophétie un peu fantaisiste, parce que il a révélé, il a bien dit ce qu'il devait dire au roi. Et c'est là que Gwendoline va se lamenter, et la reine lui ordonne de dire mais comment ça va se passer pour sa femme. En fait, il en a rien à battre de sa femme qui se lamente, qui pleurait pour lui. Et il veut partir, et Gagneda lui dit « Mais dis au moins ce que tu veux que ta femme fasse. Est-ce que tu veux qu'elle t'accompagne? Est-ce que tu veux qu'elle reste veuve, sous-entendu qu'elle reste comme si tu étais mort, en fait, donc qu'elle ne se remarie pas? Ou est-ce que tu l'autorises à se remarier ?» Ça va être la source de la suite du conflit, parce que Merlin dit « Oui, elle peut se remarier, et je la donnerai volontiers en mariage. » Il est très généreux comme ça. « Mais je ne dois jamais croiser jusqu'au mariage le fiancé. » C'est-à-dire que si elle se fiance à quelqu'un, je ne dois pas le croiser. Et donc, bien entendu, vous imaginez ce qui se passe. Merlin part dans la forêt et il prophétise, et notamment, je crois, il observe des phénomènes célestes qu'il peut interpréter, c'est-à-dire qu'il observe les astres et il annonce la mort de Constantin et la prise de pouvoir inique de Conan, son neveu. Donc ça, c'est des éléments qu'on connaît de cette histoire légendaire de la Bretagne. Donc post-arthurienne, hein. Constantin, c'était le successeur d'Arthur, il me semble. C'était ses souverains qui venaient de Bretagne continentale, enfin qui s'étaient barrés en Bretagne continentale pour régner, et puis là, il revenait parce qu'on n'avait plus droit. Et là, il en parle et il dit « Constantin est en train de mourir ». Donc là, on est post-Arthur. Donc Merlin, si on suit la chronologie de Geoffrey de Monmouth, qu'on combine l'Historia Regum Britanniae et la Vita Merlini, on voit que Merlin, il a connu Vortigern, Pendragon, Uther, Arthur, il est mort, et puis maintenant Constantin et Conan. Donc il a quand même connu 6 ou 7 rois qui règnent, et peut-être même plus, suivant comment on interprète la fin de l'histoire. Mais donc, il voit également que Gwendoline a trouvé un nouvel amour. Et il se lamente un peu, donc il avait l'air d'en s'en ficher un peu, mais là il dit « Ah, pauvre de moi, elle a trouvé un nouvel amour, la flamme de l'amour est fluctuante, blabla. » Enfin, c'est un peu différent de ce qu'on avait vu avant. Bon, il lui dit quand même qu'il n'est pas jaloux et qu'il a donné son consentement, qu'il est un amant indolent, voilà. Que du coup il a le droit de se remarier effectivement, et qu'elle va donc il lui a promis des cadeaux pour son mariage et va donc les lui amener. Sauf que là, il le fait en chevauchant un cerf, parce que voilà, donc il chevauche sur ce cerf et il croise malheureusement le fiancé qui rit en fait. Il arrive devant chez elle et puis il voit que il y a le fiancé qui se tient à une fenêtre et qui le voit sur son cerf et qui lui rit dessus en fait. Et du coup, il l'arrache apparemment des bois du cerf et il le lance sur le fiancé, ce qui le tue instantanément. Il y a des gens qui... Là, vous avez des explications celtisantes, mythologiques sur le rôle du cocu, le cerf, Kernounos, tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez tout. Là, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du freudien sur la sexualité réprimée. Vous pouvez faire... Enfin, en tout cas, voilà, il est plus ou moins fait cocu et il tue quelqu'un avec une corne de cerf. Donc, vous pouvez effectivement lire beaucoup de choses là-dedans. Il essaie de s'enfuir, mais il se fait rattraper dans une rivière. Et il est de nouveau enchaîné et ramené à la cour de Hrother. Et là, il se languit de nouveau. Il est dans ces périodes en fait, de languissement quand il est enchaîné ou forcé d'être dans la civilisation. Alors, c'est l'homme sauvage. Et justement, on a vu, je pense que c'est aussi intéressant de le pointer, qu'il est devenu fou pendant une bataille et qu'apparemment, il ne supporte pas les foules. Parce que c'est ça qu'il avait de nouveau... qui avait recréé, basiquement, sa folie quand il avait été amené à la cour de Hrother. Il ne supporte pas, peut-être une forme d'agoraphobie un peu, il ne supporte pas la vie en société, ni les grandes foules, les espaces peuplés comme ça. Et de nouveau, donc, il se languit et il veut retourner dans ses forêts calédoniennes. Et donc, on l'emmène au marché pour lui changer les idées. On se dit, il va voir des foires, il va voir des trucs, ça va un peu le ragaillardir. Et il rit de nouveau devant certaines scènes. De nouveau, il y a ce rire inexpliqué. Il rigole et on ne comprend pas pourquoi. Et il dit, ah ben, si vous me donnez ma liberté, je peux vous l'expliquer. Il refait l'astuce et apparemment, ça marche. Il avait rigolé devant un gardien qui mendiait devant des portes qui gardaient pour s'acheter des vêtements. C'est-à-dire qu'il dit « Ah, une petite pièce pour que je m'achète des vêtements ». Merlin rit parce qu'en fait, il était assis sur un trésor enfoui. Et du coup, c'est ironique parce qu'il mendie alors qu'il est assis sur de l'or enterré. Et Hrother, la nuit, va aller vérifier, il va voir qu'il y a effectivement un trésor. Il rit aussi devant un jeune homme qui s'est acheté des chaussures neuves, mais qui s'est aussi acheté des rallonges de cuir pour les réparer. C'est-à-dire il prend du cuir pour déjà anticiper quand elles s'useront. Et il dit que ce sera inutile... parce qu'il ne vivra pas assez longtemps pour user ses chaussures. Et effectivement, Hrother envoie des gens et trouve le jeune homme noyé dans une rivière, le long de la rivière. Hrother fait vérifier cela, et Merlin avait raison. Et ça, c'est effectivement le motif du démon sardonique qu'on retrouve dans Salomon et Asmodée, qui est un texte talmudique. Et donc, Merlin peut retourner dans la forêt grâce à ça. Et là, Gagnéda va de nouveau essayer de le convaincre de rester. Et il va lui demander, en fait, lui dit que c'est inutile de retenir parce que, de toute façon, il n'a pas peur de l'hiver, qu'il n'y a aucun risque pour lui dans la forêt. Mais il lui demande de lui faire quand même bâtir, si elle est inquiète pour lui, des demeures dans les bois. Et là, elle lui fait bâtir plusieurs demeures, dont une qui a 70 portes et 70 fenêtres. Ou peut-être 70 000, mais c'est... C'est assez ambigu, effectivement. Après, il y a probablement un symbole... on peut peut-être y voir... L'édition qu'on a fait référence à la Septante, les 70 scribes de la Septante, qui traduisent tous la même version de la Bible. Parce qu'on dit justement 70 fenêtres et aussi autant de scribes pour consigner les prophéties. Donc c'est l'idée que c'est un observatoire, en fait. Donc c'est littéralement un observatoire avec autant de fenêtres pour qu'ils puissent observer les astres à travers. Et 70 scribes pour noter ça, et puis effectivement peut-être qu'il y a un lien avec les 70 scribes qui ont consigné la Septante à Alexandrie. Il lui demande aussi à sa sœur de visiter, en fait. Hein. Il n'est pas exactement ermite, il est reclus dans la forêt, mais il n'est pas seul, quoi. Il n'a pas vocation à être... Il aime bien que sa sœur lui apporte à bouffer, apparemment, aussi. Donc, voilà, et là, quand elle s'y rend, il recouvre la santé, il se rétablit, il constate que sa sœur le soigne bien, et il va commencer à chanter une prophétie, qui est en fait un peu la suite de ces prophéties, des prophéties de Merlin, où il va expliquer la chute, enfin la suite et en partie la fin des prophéties de Merlin, il va expliquer la chute de la Bretagne à travers la chute des rejetons du sanglier de Cornouailles, donc les descendants d'Arthur en fait, les successeurs d'Arthur plutôt. Il mentionne notamment la chute d'Alclud, donc le royaume de Strathclyde, la ville donc qui est censée être le royaume à la base de Rodarc. Et il explique effectivement des prophéties aussi. La prophétie parle aussi de Rome, de la demeure du Très-Haut, l'envoi d'un nouveau ministère depuis Rome, donc probablement Saint-Augustin de Canterbury, ici. Donc il y a vraiment, c'est vraiment assez. C'est la suite de ces prophéties. C'est la suite de ces prophéties. Il mentionne les Daces, qui semblent être ici les Normands, en fait. Ouais. Et parce que, en fait, c'est probablement les Danois, en fait. C'est une confusion entre les Das et les Danes, les Danois. Ouais. Donc ici, ça semble être assez, assez facilement les Normands. Donc les, d'abord, probablement les Danois, et parce qu'après, ils parlent encore des hommes de Neustrie. Et la Neustrie, c'est un terme utilisé pour la Normandie, en fait. Mmh. Donc, il semble aller jusqu'à la chute, en fait, des royaumes anglo-saxons. Une mise à jour de ses prophéties. Une mise à jour des prophéties. Et il explique également qu'il a chanté cela, donc qu'il a chanté toute cette prophétie, toutes ces prophéties à Vortigern, et il lui rappelle le combat des deux dragons sur l'étang, et il demande que sa sœur lui amène Taliesin, parce qu'il devrait débattre avec lui de nombreux sujets. Donc on a de nouveau un rappel que Taliesin et Merlin sont un peu ces figures assez équivalentes, oui. Qui sont deux dialogueurs, en fait. Ils sont très proches. Et elle nous dit que Taliesin vient d'Armorik, donc de Bretagne continentale, où il a pu s'entretenir avec Gildas, ouais. Et qui semble être une allusion au Gildas, effectivement, de la prophétie sur la chute, la destruction de la Bretagne, ouais. Le Gildas le sage. Et c'est là que Gagneda, quand elle rentre au palais, elle retrouve effectivement Taliesin qui est là, mais elle trouve aussi... Merlin lui avait annoncé que son mari était mort. Oui, et c'est là, on ne sait pas s'il s'y attendait ou non, mais effectivement, il y a la chute d'Alclud, la mort de Rodark, et effectivement, le prince est mort quand elle, le roi est mort quand elle arrive là-bas, et la cour est en deuil, elle s'effondre en larmes, et se lamente de la perte de Rodark, elle le fait ensevelir. Au moment où elle a fini de l'ensevelir, on nous rappelle que Taliesin est allé rendre visite à Merlin, et c'est là qu'en fait... Merlin, on nous dit qu'il l'avait envoyé Taliesin apprendre ce qu'il en était du vent et des pluies violentes, en fait. Il est censé être allé faire un peu des devoirs de recherche sur la météo, en fait. Voilà, il va lui expliquer le fonctionnement du monde, ce qui renvoie peut-être aussi à une image fantasmée du passé britannique de ces devins, où on se dit, ah, ces prophètes, ces devins, ces bardes, ils devaient probablement être un peu comme les druides, ils devaient connaître le fonctionnement du monde, donc forcément... Merlin, il connaît l'astrologie, il arrive à lire les astres, mais il arrive aussi à lire tous les phénomènes terrestres, les phénomènes célestes, les phénomènes... Tout ce qui concerne l'étude de la nature, en fait, on le leur attribue aussi, en fait. Et peut-être aussi dans une perspective un peu classique, de ces sources classiques, on essaie de faire ce genre de connexion. Il mentionne... Alors, on va pas vous le résumer en détail, hein, parce que c'est très tiré, en fait, des étymologies des histoires de Séville. Oui, on voit des comparaisons. Il a rédigé ça avec les étymologies sous le coude. Hein. On peut voir des comparaisons paragraphe par paragraphe, quoi. Il explique, entre autres, la présence des incubes dans l'air. Voilà. Donc la conception de Merlin semble être liée à des incubes dans l'histoire gréco-bretonne, donc il y a une allusion à ça aussi. Il y a une mention à ces êtres. Il mentionne aussi plusieurs herbes, plusieurs plantes qui sont utiles, plusieurs poissons aussi qui sont dangereux à la navigation, et plusieurs sources et plusieurs terres et ce qu'elles produisent. Mmh. Et c'est là qu'il nous parle de plusieurs îles, notamment les Orcades, la Bretagne, Thanatos qui semble être l'île de Thanet. Il mentionne aussi l'île de Thulé, donc l'Islande, l'Irlande, le Gades, les îles des Hespérides, et surtout une île, alors je ne vais pas vous résumer toutes les îles, mais il y a une île qu'il appelle Insula Pomorum, donc l'île des pommes, qu'on appelle île Fortunée, et qui est évidemment Avalon. Je peux peut-être vous mentionner, parce que c'est un passage qui mérite d'être en tout cas paraphrasé, il dit qu'on l'appelle île Fortunée parce qu'elle produit toutes les choses pour elle-même, par elle-même, donc c'est cette espèce d'île paradisiaque, il n'y a pas de culture à faire ou d'agriculture, parce que tout pousse par soi-même, les fruits, les champs, etc. Il n'y a pas de labeur. Un truc peut-être proche aussi des... On pense peut-être aux travaux et aux jours, à l'âge d'or, l'idée qu'il n'y a pas de... Cette idée de félicité, qu'il n'y a pas de travail à faire pour récupérer de la nourriture. La nature fait par elle-même. L'île produit des champs fertiles, du raisin, des pommes, par des arbres et des champs clôturés. Il y a 9 sœurs qui promulguent des lois plaisantes à tous ceux qui vont sur cette île. Et de ces sœurs, il y en a une qui est la plus haute et la plus douée, qui est devenue une doctoresse dans l'art de soigner et qui surpasse toutes ses sœurs de façon excellente. Elle s'appelle Morgan. Elle a appris non seulement la capacité des herbes, les propriétés des herbes pour soigner les gens, donc des propriétés thérapeutiques, mais aussi l'art de changer sa forme, donc de se métamorphoser, de sorte qu'elle peut se former des ailes à la manière de Dédale, et qu'elle, quand elle le veut, elle peut survoler à Brest, à Carnot ou à Papy. Donc là, il y a des noms de villes qui ne sont pas forcément clairs, mais ce serait probablement Brest ou Pavie, peut-être, certains pensent Paris, mais... Ou Chartres. Aussi. Mais en tout cas, quand elle veut, elle peut voler dans les airs, donc elle peut se transformer en oiseau. Et puis elle a aussi donc, ses sœurs à qui elle a appris l'astrologie. Il fait une liste de sœurs, ça m'évoque un peu les muses en fait, mais c'est possible que ce soit censé évoquer en fait ces genres de sororité un peu classique dans l'ambiance. C'est très, ça fait aussi un peu penser à l'Odyssée, en fait, cette description d'île. C'est toujours Taliesin qui parle, hein, qui décrit tout ça. Il explique à la fin de ça, à la fin de cette phrase sur les sur Avalon, qu'après la bataille de Camblann, donc la bataille Camblanni, c'est la dernière bataille de d'Arthur, que lui et d'autres ont amené Arthur là-bas. Il dit que nous avons amené Arthur gravement blessé sous la conduite de Barintus, qui est un abbé mentionné dans la vie de Saint-Brandan, comme un navigateur. Et avec ce pilote, donc Barintus, qui connaît les mers et les constellations célestes, il est arrivé à Avalon avec Arthur, et que Morgane fit déposer le roi sur un lit en or dans ses appartements, et qu'elle a, qu'il pourrait recouvrer la santé s'il demeurait avec elle un long temps, et s'il acceptait de qu'elle le soigne, en fait. Et donc, ils lui ont laissé le roi Arthur là-bas pour qu'il se guérisse, et puis pour qu'il guérisse et puis qu'il puisse revenir ensuite aider les Bretons. Et ensuite, c'est Merlin qui se lance dans une prophétie qui va expliquer les défaites et les batailles et les défaites récentes, plus récentes, disons, après la chute d'Arthur. D'abord, donc, il va évoquer effectivement Cadwaladr, Conan, la réunion en fait, des peuples d'Écosse, de Cambrie, de Cornouailles, d'Armorique, rétablir une unité post-Arthur comme au temps de Brutus. Mais que cette même époque est déjà finie, est déjà révolue, en fait. Et en fait, il y a Taliesin qui va dire « Peut-être qu'on devrait envoyer un messager à Avalon pour voir si Arthur est déjà prêt à revenir, peut-être qu'il est déjà soigné. » Et Merlin lui répond clairement « Non, le temps n'est pas encore venu, et c'est seulement quand les peuples britanniques, les peuples celtiques s'allieront de nouveau que peut-être... » Arthur reviendra, mais en tout cas le temps n'est pas encore venu, donc on parle littéralement d'aller chercher Arthur. Il dit non, c'est pas encore le moment. Et là il revient, Merlin revient en fait en arrière parce qu'il se rappelle d'un crime. En fait il liste un peu les raisons pour laquelle la Bretagne finalement est vouée un peu à la chute. Il lui rappelle d'un crime, celui de la trahison de Constant et de la fuite de Uther et d'Ambroise, donc les Uther Pendragon bien sûr et Ambroise, et de du règne de Vortigern, de la succession de Vortigern par Vortimer, l'arrivée d'Hengist et Horsa. Bon, et en fait, il résume toute l'histoire des rois de Bretagne à partir de Vortigern, en fait. Et il raconte même le règne d'Arthur jusqu'à la bataille contre Lucius, le retour d'Arthur après la trahison de Mordred, et finalement, le départ d'Arthur en Avalon, tel que Taliesin l'avait effectivement relaté. Et là, des hommes arrivent, et il raconte à Merlin qu'on a une source qui vient de jaillir au pied des montagnes et qu'elle se répand dans la vallée. Et Merlin voit cette source, va voir cette source, s'assied en bois et recouvre la raison. Et sa folie disparaît. Et il rend grâce à Dieu pour l'avoir soignée et se lance de nouveau dans une longue tirade où il demande à Taliesin ensuite... des informations sur les sources, et là Taliesin relate encore, se met à raconter tout ce qu'il sait sur les sources du monde entier, voilà, de l'Éthiopie à Rome à la source de Cicéron, il y a une source qui a une couleur bizarre, il y a une source qui coule 3 fois par jour, il y a une source qui... tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les petites rivières de sources, voilà. Et il en va après avoir parlé des sources et des rivières, il embraye sur les oiseaux. Merlin semble lié aux oiseaux aussi, hein. Il parle comment il peut interpréter le vol des oiseaux, donc ça semble être lié à ça. Et il raconte il rappelle aussi le phénix. Donc de nouveau, on est dans des petites trivia, des légendes. C'est vraiment cette espèce de... Il faut se rendre compte qu'il y a de longs passages. Si on enlevait ces passages qui sont finalement des digressions où les gens se mettent à raconter la nature, des sources, de la météo, des oiseaux, le texte est beaucoup plus court. Il y a quand même une volonté un peu encyclopédique d'attribuer, disons, de la connaissance à ces personnages poètes. C'est pas seulement qu'ils font des prophéties, ils connaissent aussi les mécanismes du monde, en fait. Voilà, c'est vraiment, mais c'est quasiment du copier-coller, en fait, la mise en vers des étymologies dans Séville. Ça, c'est clairement un calque des étymologies. Et c'est là, en fait, que, après avoir raconté les derniers détails sur l'oiseau hercynien, qui semble être un jaseur boréal, donc un oiseau qui, un espèce de jet qui vit dans le nord de la Germanie, il y a un fou qui va arriver vers eux, et qui va gémir en voyant ce fou. Parce que le fou est remplacé un peu, en fait. Merlin, qui était le fou jusque-là, voit un autre fou. Et il reconnaît le fou. Et en fait, le fou est un compagnon, un ancien compagnon de Merlin, qui s'appelle Maeldin. Maeldin, ouais. Et qui recouvre un peu la raison quand Merlin lui explique qui il est, en fait. Il lui donne à boire de la même source qui apparemment a la propriété de ramener les gens à la raison. Ça semble être, en tout cas, un ancien compagnon de Merlin à qui Merlin avait donné... Il avait partagé des pommes entre ses compagnons. Mais il n'y en avait pas assez pour lui, alors il s'était sacrifié. Lui s'était sacrifié, et en fait, il semblerait que... Les pommes rendaient fous. Les pommes rendaient fous, en fait. Et du coup, Merlin s'en voulait. Donc là, vous avez une faute de Merlin qui peut du coup réparer en lui donnant à boire de la source, qui apparemment peut rendre la raison aux gens comme ça lui a rendu la raison avant, la sortie de sa rage. Il faut aussi mentionner que juste après la digression sur les sources et juste avant celle sur les oiseaux, il y a des envoyés qui débarquent pour féliciter le devin quand il a été guéri. Et ils lui disent, vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a de nouveau des rois qui sont morts, on est de nouveau dans une espèce de chaos politique, ce qui concorde d'ailleurs avec la mort de Hrever, donc on a vraiment tous les seigneurs qui ont l'air de tomber. On vient voir Merlin, on lui dit, à l'époque tu étais un roi, tu étais un seigneur, peut-être que tu pourrais reprendre le sceptre, peut-être que tu pourrais reprendre le pouvoir. Et Merlin dit, non, basiquement je suis trop vieux. Et il fait notamment une analogie avec un chêne, et il dit, vous voyez ce vieux chêne tout pourri qu'il y a là, je l'ai vu quand il était en train de pousser, je l'ai vu quand c'était un gland. Et j'ai passé une longue vie en glorifiant les jours heureux. Et effectivement, comme on l'a dit avant, s'il a vu se succéder Vortigern, Vortimer, Pendragon, Uther, Arthur, Constantin Constant, il a vu quand même 7, 8 rois. Et Conan aussi. Conan se succéder sur le trône de Bretagne. Donc effectivement, ils ont tendance à mourir empoisonnés ou à mourir assez vite. Mais effectivement, il a vu se passer beaucoup de temps. Il survit à Arthur, d'ailleurs. On voit justement là qu'il est plus vieux qu'Arthur, apparemment, et il lui survit. Donc, il est vieux. Il est très vieux à ce moment-là. Et il y a aussi la notion que c'est là, justement, qu'après avoir guéri Maeldin, ça explique le fait qu'il va se retirer avec Maeldin et Taliesin, et qu'ils vont vivre les trois dans la forêt, et que la sœur de Merlin va les rejoindre, et c'est elle qui va là commencer à faire des prophéties. Voilà. C'est-à-dire, il y a l'idée que les trois, Taliesin, Myrdhinn et Merdhinn, sont guéris de cette rage prophétique, et que celle qui prophétise, celle qui poétise, qui conclut en fait pratiquement le livre en faisant des prophéties, c'est Ganyeda. Il y a aussi cette idée en fait peut-être ascétique du poète, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari, donc elle se retire du monde, et il y a cette idée qu'ils font leur petit club dans la forêt où ils écoutent Ganyeda prophétiser. Mais Merlin a cessé de prophétiser en fait, il est plus ou moins sorti de sa vie. Il a renoncé à la royauté. Il le dit clairement aux envoyés, et il renonce là à la poésie. Il est guéri de la poésie, et c'est sa sœur qui perpétue cette tradition-là. Et ça se termine en fait sur une invocation à Geoffrey de Monmouth, justement, pour le prier les lecteurs, auditeurs, de rendre grâce à l'homme qui a écrit, en fait, qui a fait l'œuvre. Ça s'inscrit clairement, à mon avis, dans une... Il y a une volonté de clore l'histoire. On n'est pas dans une... C'est effectivement ça fait un peu sequel hook, comme on dirait en anglais. Enfin, mm-hmm. Ça appelle peut-être une suite, mais il y a clairement une volonté de raconter l'histoire de Merlin, de finir l'histoire de Merlin, peut-être telle qu'elle n'avait pas pu l'être dans l'histoire gaulo-britannique. En fait, voilà. Il y a peut-être aussi ça. Les prophéties finales de Ganyeda sont assez intéressantes parce qu'elle dit je vois Ridikena, donc Hrdiken, qui est la traduction littérale de Oxford en fait. Hrdiken, qui veut littéralement dire le gué du bœuf, donc Oxford. Elle dit je vois Hrdiken empli d'hommes casqués, d'hommes saints et de saintes tiers enchaînés à cause des résolutions dues au jeune âge. C'est toujours ces prophéties un peu énigmatiques. On peut essayer de déceler qui est le sanglier d'Armor. On parle du rien de Regen. On voit des hommes de Dera et du Gwent. Le règne de Cuel le Grand. La prophétie sur les hommes casqués à Oxford avec les ecclésiastiques, ça me fait très penser à la guerre civile anglaise. Je me demande s'il y a des gens qui ont cherché à interpréter ça, vu qu'Oxford était un peu la capitale royaliste du royaume. Mais oui, effectivement, il y a un passage peut-être vers des prophéties plus récentes. Elle conclut justement plus longtemps le fer de notre libre contrée que vos troupes violentes ont ravagé. Rien ne reste pour calmer votre avidité, car vous avez dévoré ce qu'avait créé Mère Nature dans sa féconde bonté. Jésus-Christ, porte secours à ton peuple, arrête les lions, accorde à tout ce royaume la paix et fais en sorte que cesse enfin la guerre. Et les lions, on pense peut-être aux Plantagenêts. Hein. On a tenté de faire des parallèles sur ces prophéties-là font peut-être référence à des événements récents de la première moitié du XIIe siècle. Et ça conclut justement avec Geoffrey de Monmouth qui dit « Les Bretons accordaient des couronnes de laurier à Geoffrey de Monmouth. Il est des vôtres en vérité, car jadis il chanta vos hauts faits ainsi que vos princes et écrivit un livre que l'on appelle La Geste des Bretons. » Donc ça, c'est l'histoire de Gaumétanier, clairement. Qui est désormais célébrée de par le monde. Ce qu'on peut conclure de cette Vita Merlin, c'est justement qu'il y a un vrai mélange de sources entre cette tradition galloise qui doit connaître, qui s'élabore ou se fixe à peu près peut-être au même moment dans la première moitié du XIIe siècle, et il essaie d'inclure énormément d'érudition antique, d'inspiration classique, ce qu'il faisait déjà dans l'histoire de Gaumétanier, mais comme tu disais, le début est très très virgilien finalement. Oui, il y a ce côté vraiment d'invocation, mais même la fin, hein, la prière pour la... C'est aussi des tropes classiques de l'auteur médiéval, bien sûr, mais il y a clairement cette allusion aux muses, le je chante, la fureur du prophète Merlin, enfin la rage du prophète Merlin, ça évoque aussi l'Iliade, c'est je chante muse, la colère d'Achille. Donc il y a Menina et Dathea, il y a le côté vraiment, puis vraiment la première personne qui chante, ça c'est Arma Virumque Cano, je chante d'Armédom, de Virgile. Donc il y a vraiment une érudition, on est clairement face à un auteur qui sait de quoi il parle, et ça se traduit peut-être par une volonté d'amener cette culture dans celte, de l'inscrire dans un paysage plus large peut-être. Il y a aussi ce choix du vers finalement, parce que l'historien... Ouais, l'hexamètre latin, c'est très formel hein, finalement, comparé à l'historia qui est en prose. Puis je pense que ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on avait dit que Geoffrey dans l'histoire Regum Britanniae était un peu ambigu sur le sort d'Arthur, mais là, on a clairement une description de l'île d'Avalon, de Morgane, on parle littéralement d'Arthur qui est en Avalon et qui va revenir, donc là on a l'apparition explicite dans la littérature, peut-être pour la première fois, probablement pour la première fois, de cette idée qu'Arthur est en Avalon et va revenir quand le moment sera propice. Et explicitement, on ne peut pas forcer ce retour. On ne peut pas envoyer quelqu'un dire à Arthur « Bon, écoute, c'est l'heure de revenir. » Mais on a une mention explicite de ça qui est peut-être, je trouve, très intéressante. Et aussi des pouvoirs de Morgane, qui va devenir justement cette fée Morgane. Là, on nous dit clairement, non seulement c'est une guérisseuse, mais elle a aussi des dons de métamorphose. Et des dons de prophétie. De prophétie. Et puis elle peut aussi, effectivement, voler et se déplacer par le monde très rapidement. Donc elle a vraiment plus de pouvoir que celui d'être une simple guérisseuse. On va peut-être enchaîner sur... les textes maintenant qui ont regardé vers cette vie de Merlin, peut-être comme une source ou peut-être comme un équivalent, en tout cas d'abord. Alors évidemment, il y aura le roman de Merlin en prose de Robert de Boron, attribué à Robert de Boron, dont l'attribution est controversée. Mais d'abord, on va se pencher sur deux textes qui sont peut-être un peu moins directement liés à la légende arthurienne, mais qui sont aussi très intéressants pour celle de Merlin. Maintenant mentionner peut-être quelques textes parallèles, des textes qui correspondent, qui font état de motifs similaires à la Vita Merlini, à commencer par le Lailoken, ou la vie du Merlin Sylvestre, qu'on trouve dans un des manuscrits où on trouve aussi la Vita Merlini, le Titus A19, dans les folios 74-75. C'est très court, c'est des courts extraits de la vie de Cinq Antigernes, qui mettent aussi en scène un personnage de Lailoken, et la personne qui nous transmet l'histoire a l'air de les considérer comme des variantes les unes des autres, ou peut-être des variantes liées, ou un avatar de Merlin, en tout cas, on l'appelle explicitement Merlin. On nous dit que Cinq Antigernes parlait à Lailoken et lui demandait pourquoi est-ce qu'il errait dans la forêt avec les bêtes sauvages. Et il lui dit qu'un jour, au cours de cette bataille, j'ai vu le ciel se déchirer et j'entendis tel un fracas terrible, une voix qui m'appelait des cieux et qui me dit « Lailoken, Lailoken, parce que tu es le seul responsable du sang de tous ceux qui sont tués, toi seul seras châtié pour les crimes de tous, c'est pourquoi livré aux anges de Satan jusqu'au jour de ta mort, tu auras commerce avec les bêtes sauvages. » Donc c'est un épisode qui n'était pas forcément très développé dans la tradition antérieure. On avait cette idée que Merlin est devenu fou en partant de la bataille d'Ardéride, mais on ne disait pas vraiment ce qui se passait. Là par contre, il a une espèce de vision terrible qui provoque sa folie, et il y a aussi le sentiment de culpabilité qu'on trouve effectivement dans certains poèmes gallois. Donc peut-être que ça renvoie pas forcément à l'histoire de Merlin, mais à un archétype, j'aime pas le terme archétype, mais un prototype de l'homme sauvage, celte ou britannique en tout cas, qu'on va retrouver une figure de l'homme sauvage. Et donc il s'enfuit. Cet extrait finit par, de nouveau, l'épisode de la triple mort, où en fait, Lailoken demande les derniers sacrements, parce qu'il dit « je vais mourir », et on lui dit « mais non, mais tu dis n'importe quoi ». Et il dit « bon, bah, si tu penses que tu vas mourir, dis-moi comment tu vas mourir ». Et il dit « ah, je vais mourir écrasé sous les pierres et les coups de bâton ». Et je me fie guère à ses prétextes, demande-lui vraiment quand est-ce qu'il va mourir, et il répète « mon corps sera transpercé par une pique de bois aigu, mais mon esprit s'en ira ». Et il dit, bah, vous voyez, il se contredit. Puis alors, Lailoken insiste, s'il te plaît, je vais vraiment mourir, j'y crois. Il dit, bah, alors dis-moi comment tu vas mourir. Et il dit, je mourrai englouti par les flots, c'est aujourd'hui que j'achèverai ma vie présente. Donc on a le motif de la triple mort, mais cette fois-ci, Lailoken le fait à propos de lui-même. Donc un homme sauvage qui dit, je vais mourir comme ça. Et les gens disent, c'est n'importe quoi. Puis bien sûr, il meurt comme ça. Et ils disent, ah bah, en fait, peut-être qu'il n'était pas si bête. Ça conclut plus ou moins le Lailoken. Il y a un deuxième texte qui parle du roi Meldred et de Lailoken, où on a à peu près la même chose, c'est-à-dire l'épisode de la feuille dans les cheveux de Gagneda. Ben là, c'est la même chose. Elle a une feuille qui s'est accrochée à la capuche de sa pèlerine. Lailoken rit. Le prince lui demande Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et puis Lylocaine s'exprime de façon énigmatique, de la douceur s'écoule du venin et de l'amertume du miel, mais c'est faux, et pourtant c'est vrai. Ouh, c'est énigmatique, on comprend pas bien ce qu'il ça, dit. Ça, c'est très merlinesque aussi. Hein. Alors Lylocaine, ça fait un peu le fou, en fait, littéralement le bouffon, en fait, le jester qui parle en énigme. Le bien pour le mal a créé l'injustice et la tendresse a donné en retour le contraire, puis dit, oh mais ne te perds pas en conjecture et dis-nous pourquoi tu as ri. Et il lui explique, eh ben en fait, c'est parce que le miel de ta femme et l'amour de son amant, l'amertume de la trahison, enfin, il lui révèle ça. Et il se fait trouver par des bergers de Meldred qu'il pourchasse, et il se fait transpercer par un pieu frappé d'une pierre et noyé. Merlin, dit-on, rencontre ainsi la triple mort. Donc on l'identifie explicitement à Merlin, et vous avez cette idée de la triple mort, mais qui cette fois-ci s'applique à lui. Ça, c'est pour le Lylocaine, c'est vraiment très court, c'est quelques pages, vraiment quelques folios. Ce qui nous amène à un autre texte, La folie de Suivni. Suivni, c'est ce qui donnera le nom Sweeney, le nom irlandais Sweeney, qui est assez populaire en fait. Là, Billy Suivni. Il est édité toujours, comme le Lylocaine d'ailleurs, dans Le Devin Maudit, édité par Walter. Cette fois-ci, il est seulement traduit, parce qu'il ne voulait pas, mettre le texte en vieil irlandais, par Nathalie Stallmans. C'est plutôt assez bien, c'est abrégé parce qu'il y a beaucoup de passages qui se répètent, où un personnage dit quelque chose, et après il va se répéter en vers, par exemple. Il va dire quelque chose, puis après il va dire la même chose, mais sous forme de poème. Là, on a Suivni, qui est un roi qui est extrêmement arrogant, en fait. Là, c'est un personnage qui est un peu différent de Merlin, c'est-à-dire que Merlin, il n'y a pas forcément de dimension de punition, il y a peut-être une dimension de culpabilité, mais il n'y a pas de dimension de punition. Son exil et sa vie sauvage, c'est pas là pour le punir. Tandis que Suivni, c'est clairement pour le punir. Il outrage un certain Saint Ronan, en le traitant mal, c'est-à-dire qu'il était en train de délimiter le territoire d'une église. Suivni entend le bruit de la cloche de Ronan et il se dit « Ah, il aime pas ce bruit de cloche !» Et il va expulser le moine de l'église, en fait. Donc il le chasse. Ainsi, le moine est triste, enfin, le moine n'est pas super content de ça, et Suivni prend son psautier, donc un recueil de psaumes, magnifiquement illuminé, il s'empare du psautier et il le jette dans les profondeurs d'un étang glacé. Ça, on trouve un correspondant dans le livre noir de Scamarten qui parle d'un certain Isgolan qui a noyé un livre qui était donné. Donc peut-être qu'on a la même chose, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait outragé un livre religieux, qu'il aurait jeté dans un étang, qu'il aurait jeté dans l'eau. Et du coup, ça amène une punition. Ronan le maudit. Et une fois qu'il est maudit, il lui dit il va devenir fou. Et c'est exactement ce qui se passe pendant une bataille. D'ailleurs, Ronan, on dit qu'il est un peu cruel parce que pendant une... Il y a Ronan qui asperge les troupes avec de l'eau bénite, et pensant que c'était par moquerie que l'eau était répandue sur lui, il posa son doigt sur la corde de la lance rivetée qui était dans sa main et la lança vers un des psalmistes de la communauté de Roman et le tue sur le coup. Donc littéralement, il tue un des hommes de Roman sans raison. On nous dit aussi qu'il y avait une trêve, c'est-à-dire qu'on a de nouveau ce motif qui est... Là, c'est pas un texte arthurien, mais c'est un motif qui est assez courant aussi dans les vies de saints où il y avait Arthur, où les saints essayent d'imposer des limites aux guerriers. Et parfois, les guerriers ne sont pas super contents de ces limites. On avait vu, effectivement, les vies, dans plusieurs de ces vies, notamment avec la vie Saint-Padarne. Saint-Padarne, notamment, ouais. Et là, ben, en fait, Ronan garantit une trêve. C'est-à-dire que chaque matin, le combat doit commencer avec le jour, on ne peut pas se battre la nuit, et chaque nuit, il faut s'arrêter pour... voilà. Ronan garantit une trêve, et il nous dit, littéralement, chaque jour, Suivni tue quelqu'un avant la fin de la trêve, et tue quelqu'un après le début de la trêve le soir. Donc, il fait exprès de retirer ça. Mais on nous dit que pendant le combat, Suivni est volatile. Ça, c'est assez intéressant. Quand il quittait le combat, il était rare que ses pieds touchassent le sol à cause de la rapidité de sa course, et quand Suivni le touchait, il ne secouait même pas la rosée des pointes de l'herbe à cause de la légèreté et de la rapidité de sa fuite. Il est extrêmement rapide, ça c'est un des traits de l'homme sauvage, de l'homme fou, en fait, du guilt, gwalt, c'est qu'il est extrêmement rapide et insaisissable, en fait. Là, avant d'être sauvage, il a déjà ce trait-là. Et donc Suivni est devenu fou quand il a vu ça, de la même manière il a une espèce de vision quand il entend des hurlements dans les nuages du ciel et leurs échos contre la voûte du firmament. De nouveau, on a une espèce de vision terrible dans les cieux, comme pour Lylocaine, ce qui est intéressant, mais qu'on n'a pas dans la Vita Merlini, par exemple, ni dans les poèmes gallois. Et donc Suivni, il voit ça dans les cieux, peut-être c'est un rapport aussi avec la chasse sauvage, la Mesni et l'Équin, donc ces espèces d'apparitions de hordes dans les cieux, qui sont liées peut-être à cette folie-là. Et donc il est extrêmement rapide, il s'enfuit. Je vais pas vous faire toute la bulle et Suivni, mais basiquement, il n'arrête pas de s'enfuir et de fuir la compagnie des hommes, et des gens essayent de le ramener à la société, mais ça marche pas super bien. Une fois, il se comporte, il a un caractère très volatile, comme on a dit. Mais quand il est vraiment atteint de folie, ça se monstre presque littéralement. C'est presque littéralement un oiseau. C'est-à-dire qu'il vit dans un if, il vit dans un arbre. Donc ce qu'on retrouve un peu peut-être le caractère de Merlin, qui vit à côté d'un pommier, mais sauf que Merlin, c'est pas clair s'il vit dans le pommier. Mais là, il vit dans un if. Une fois, il en tombe. Et alors qu'il est retourné à la civilisation, il y a une sorcière, ça c'est assez intéressant, qui lui demande de démontrer ses bonds. C'est-à-dire qu'apparemment, il a l'air plus ou moins guéri. Il y a une sorcière qui lui demande « Est-ce que tu pourrais me montrer comment tu bondissais avant ?» Parce qu'il a l'air de bondir de manière presque surnaturelle. Alors il saute au pied du lit, puis elle dit « Mais moi aussi, je peux le faire ça. » Puis elle saute au pied du lit, il saute par la fenêtre, elle saute par la fenêtre, et il saute de plus en plus loin, de colline en colline, de montagne en montagne. Genre, il a une espèce de duel de saut contre cette sorcière, et il finit par sauter par-dessus une falaise en bord de mer, on comprend pas bien, et la sorcière n'arrive pas à sauter aussi loin, et elle se fracasse en contrebas. Donc c'est assez... Il y a cette idée qu'il était presque guéri, mais qu'en le provoquant et en le mettant au défi de faire ses bons, il a ressombré dans la folie et dans l'espèce de capacité de bondir et de courir surnaturel qui va avec. Donc il est presque volatile, il est presque un oiseau, et là ça ramène à un truc qui est peut-être plus bizarre. C'est une certaine tradition que les hommes sauvages de ce genre-là, donc les gens qui s'enfuient après une bataille, qui deviennent fous, ils ont des plumes. Alors, ça cadre avec le caractère volatile, qui sont presque des oiseaux qui volent, qui bondissent, etc. Mais il y a un passage qui est très intéressant, c'est que Eolran, qui est la femme de Suivné, à un moment, Suivné, il revient chez lui, et sa femme et lui échangent des vers, ils échangent des paroles, où elle dit c'est pas une vie parce que tu es mon mari, je préférerais vivre avec toi d'eau et de cresson. Donc elle dit je préférerais vivre avec toi, mais il dit c'est pas possible. Enfin, ils se lamentent l'un l'autre. Et Eoran mentionne « J'aimerais que nous soyons réunis, que des plumes poussent sur nos corps, dans la lumière et l'obscurité, je voyagerai avec toi chaque jour et chaque nuit. » Donc elle dit « Si je pouvais t'accompagner, je... » Mais apparemment, il est vraiment insaisissable et il fuit la compagnie des hommes, et donc sa femme ne peut pas le côtoyer. On a un peu le même problème qu'avec Merlin, hein, c'est-à-dire que la question de cet homme sauvage, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa femme, qu'est-ce qu'on fait de sa place dans la société, qu'est-ce qu'on fait de son royaume. Il y a un moment assez drôle, je le dis juste en passant, où quelqu'un vient voir Suivni dans un arbre, où il s'est enfui de nouveau, il est de nouveau dans un arbre et il veut pas en descendre. Et il y a Loan Sehan qui l'interroge et qui essaie de le faire descendre. Et il dit Suivni qui demande tu n'as pas des nouvelles pour moi? J'en ai, car ton père est mort. Cette nouvelle me saisit de terreur. Ta mère est également décédée, dit le serviteur. À présent, toute compassion pour moi s'achève, dit Suivni. Ton frère est mort. Mon flanc se perce à cette nouvelle. Donc il lui annonce que tout le monde est mort. « Ta fille est morte même, dit Lanséchan, la mort d'une fille unique est comme une aiguille plantée dans le cœur. Ton fils qui t'appelait papa est mort, dit Lanséchan. En vérité, c'est la goutte qui jette un homme à terre. » Et là, il entend l'annonce de la mort de son fils unique, il tombe de l'if, il tombe de l'arbre. Il y a Lanséchan qui l'enserre de ses bras et qui lui dit « En fait, tout le monde va très bien, je t'ai raconté ça pour te faire descendre. » Mais donc revenons à ces plumes qu'il porte. C'est pas dit explicitement qu'il en a, mais il y a un texte norrois, en fait, un texte qui... s'appellent les Kongs Skugio, donc les Speculum Regalia, en fait, les merveilles du roi, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est des Mirabilia irlandaises. Il y a un texte qui parle justement de certaines merveilles d'Irlande et qui dit que les hommes fous, qui donnent généralement Welt en gallois et Welt en irlandais, que les hommes fous ont des plumes qui leur poussent sur le corps et que ça leur permet de s'adapter. Quand ils restent exilés, je crois, 20 ans, ça leur permet de s'adapter aux conditions rudes de vivre dans la nature. Et donc là, on a peut-être quelque chose qui unit les traits de Merthyn, de Suivni, de Lailoken, peut-être aussi une mention dans le Perceval en prose. On nous dit qu'à la fin de sa vie, Merlin se retire dans son esplumoir. Et un esplumoir, si on regarde la forme du mot, dedans vous avez plume, vous avez S, ce qui laisse penser... déplumé ou un éplumoir où on perd ses plumes. Et donc peut-être que là, d'habitude j'aime pas ce genre de connexion, mais là il faut dire qu'on a un faisceau d'indices qui est assez intéressant, que peut-être cet esplumoir dans le Perceval en prose, en fait, c'est une trace de cette tradition, parce que Suivni c'est assez tardif, hein, c'est autour de 1200, de cette tradition où les hommes sauvages qui s'enfuient dans la nature finissent par pousser des plumes à force d'être dans la nature. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Et donc... ça, c'est un peu... On va pas forcément entrer dans les détails de la folie de Suivni, mais on voit clairement des parallèles assez intéressants dans un motif peut-être pas panceltique. Il faut pas imaginer une espèce de prototype panceltique, mais peut-être qu'il y a une influence, des histoires qui s'échangent, des histoires qui voyagent. Et on trouve notamment, par exemple, Giraldus Cambrensis, Gérard de Galles, il mentionne, dans son Itinerario Cambriae, il mentionne différentes légendes de Merlin, plusieurs passages où il dit il y a un Merlin sylvestre, il y a un Merlin écossais. Il mentionne... clairement, il y a une pluralité des légendes de Merlin et il a l'air d'en connaître quelques-unes dans la première moitié du XIIe siècle. C'est donc ça, les textes qu'on avait sur Merlin avant ou un peu après, mais qui en tout cas nous amènent à un faisceau d'indices qui nous montre cette tradition primitive de Merlin. Et c'est ça que les gens avaient en tête, ou c'est ça que Robert de Boron devait avoir en tête quand a été rédigé le Merlin en prose, qui en tout cas lui est attribué, et qui va avoir un succès fou. Je pense qu'un peu, c'est, effectivement, c'est assez intéressant qu'on approche le Merlin en prose lors de ce dernier épisode de cette première saison, puisque on a finalement, on est à deux doigts d'arriver à cette réunification de cette vulgate, et c'est, même si c'est effectivement Geoffrey de Monmouth qui introduit Merlin, qui crée proprement, Merlin. Qui crée le Merlin arthurien tel qu'on l'a, parce que effectivement, son Merlin des prophéties de Merlin et de l'historiarium britannique, à la base, c'est un Merlin qui a juste le nom en commun. Avec, à part son talent prophétique, avec le Merlin gallois, qui y rattache effectivement cette tradition galloise dans la Vita Merlini, mais c'est vraiment chez Robert de Boron qu'on va avoir Merlin, un proto-Merlin tel qu'on le connaît, nous, le Merlin qui interagit beaucoup avec Arthur, parce que, enfin, en fait, beaucoup, qui interagit beaucoup plus, en tout cas, que dans l'historiarium britannique, où il disparaît du récit après sa création. La vie d'Arthur telle que Merlin la raconte dans la Vita Merlini, en fait, dans l'historiarium britannique, il n'y intervient pas. Ouais. C'est vraiment avec Robert de Boron qu'on a une interaction entre Merlin et Arthur qui n'existe pas avant. Et il devient véritablement aussi, je pense, c'est intéressant, le prophète du Graal. Et dans le Perceval en prose, on l'avait déjà dit, il aidait, il mettait Perceval sur sa route à un moment donné, ce qui le rend beaucoup plus actif et beaucoup plus lié à la quête du Graal et à l'histoire, ce qui lie véritablement à la quête du Graal, ce qui va finalement être un des... Mais ce qui va aussi être remis en question après, parce que les éditions cycliques du texte de Merlin vont avoir une approche parfois très ambiguë de Merlin. Oui. Dans la trilogie avec l'histoire du Graal, le roman de l'histoire du Graal et ses adaptations en prose de Joseph d'Arimathy, et avec le Perceval, Merlin est un personnage essentiellement positif, puisqu'on va le voir, il a une dualité, mais il a une partie de bon en lui. Les versions cycliques de la Vulgate vont tendance à voir à aller vers une version peut-être plus noire de Merlin, plus où il ne va plus avoir, de la même façon que Perceval, qui est un personnage un peu ambigu, remplacé par Galad, qui est simplement parfait. Le parfait, Merlin, le rôle de Merlin va lui être enlevé en fait, avec le temps, puisque Merlin a cette espèce de côté un peu hérétique quand même. Lui, il est fils d'un démon... Il va un peu perdre ce côté du prophète du Graal aussi dans sa présentation de la Vulgate. Mais on n'en est pas encore là, donc n'anticipons pas trop. N'anticipons pas trop. Qu'on passe gentiment justement au Merlin en prose. Alors on va maintenant se pencher sur un texte, le texte en fait qui culmine notre parcours jusqu'ici. On va s'intéresser au chaînon manquant sur lequel on a sauté la dernière fois, qui est celui du Merlin en prose dans le cycle de Robert de Boron ou du pseudo Robert de Boron. Alors on vous l'a expliqué la dernière fois, il y avait le Joseph d'Arimathy, le roman de l'histoire du Graal en vers qui était lui attribué à Robert de Boron, sa mise en prose postérieure dont on ne sait pas grand chose sur l'auteur, un Perceval en prose qui se retrouve avec un Merlin en prose dans deux manuscrits et qui est aussi attribué à ce pseudo Robert de Boron en général. Maintenant on va s'intéresser au Merlin qui est un peu distinct des deux parce qu'il est moins concerné par le Graal, mais c'est celui qui va le plus mettre l'emphase sur le passé historique d'Arthur en fait, qui va vraiment faire ce lien avec la tradition des chroniques de Geoffrey et de ses successeurs. Je pense que c'est assez important de préciser qu'on n'est pas certain de l'auteur de ce roman. Mmh. On lui connaît un fragment en vers qui raconte plus ou moins le début de la version en prose, mais en l'étendant assez lourdement, de façon assez surprenante. D'ailleurs, ce qui occupe à peu près l'équivalent de 200 lignes dans la prose occupe à peu près 500-600 vers, ce qui est une expansion assez... peu caractéristique en général de la mise en vers en fait. Les mises en prose ont tendance à étendre beaucoup le texte parce que effectivement ça rend le texte beaucoup plus élastique. Les mises en vers, pour vouloir enlever du texte du passage du vers à la prose, c'est rare. En général on fait plutôt l'inverse. Ce qui a laissé penser notamment Grenfell Pierreville, dont on se repose sur l'édition, on en a parlé un peu la dernière fois, son roman de Merlin en prose. Chez Honoré Champion en 2014, donc voilà, l'édition du texte la plus récente d'ailleurs. Où elle se base sur le manuscrit français de la BNF de 24394. Et donc, dans cet ouvrage, elle expose notamment que, vu ses rajouts, ce qui semble être des rajouts clairs dans le passage au vers, elle estime que la version en vers qu'on a, ce fragment en vers, est postérieure au premier Merlin en prose. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de Merlin en vers, voilà. Mais que ce n'est pas ce Merlin en vers qui est celui qu'on connaît, en fait. Que le Merlin qui nous reste est moins... En gros, elle considère que les versions en prose sont plus proches de l'original, si tant est qu'on accepte cette notion, que la version en vers, qui, elle, est beaucoup plus endommagée et émerge d'une tradition qui est un peu plus incomplète. Elle n'estime pas nécessairement, d'ailleurs, que même cette version en vers ait existé, et même que la première version en prose soit nécessairement l'œuvre de Robert de Boron, notamment parce que un de ses arguments, c'est qu'à la fin du roman L'Histoire du Graal, on a une exposition d'un plan qui va être suivi, où on va parler de d'Alain, on va parler du roi pêcheur, on va parler de Moïse, on va parler de... Voilà, et on ne parle pas de parler de Merlin, en fait. Ouais. Y a pas tellement un lien direct qui offre la possibilité d'aller vers Merlin à la fin du roman L'Histoire du Graal, ce qui aurait tendance à la faire penser qu'en fait, c'est un rajout d'un autre auteur qui n'est pas dans le plan original. Je peux peut-être dire un mot sur les manuscrits. On peut parce peut-être qu'on a brièvement mentionner. Brièvement, disons, le Merlin a eu un succès difficile à établir vraiment. Il a existé indépendamment du cycle du Robert de Boron. Il a été ajouté à la Vulgate, mais il se retrouve aussi très souvent séparé, c'est-à-dire on le transmet tel quel ou comme ça. Et en fait, il y a 50 manuscrits complets. Fulpierville liste 50 manuscrits complets. De deux familles principalement, il y en a 38 qui sont rattachés au cycle de Robert de Boron et 12 qui sont attachés à la Vulgate, c'est-à-dire au Lancelot Graal. À quoi est-ce qu'on le voit ? Tout ça repose surtout sur le travail critique d'Alexandre Micha, qui avait vraiment, lui, fait une édition, je crois, dans les années 70, du Merlin, en plus d'une étude qui a été publiée en 1980. Lui, il considérait que ces deux familles se différenciaient à travers trois leçons, c'est-à-dire il y a trois petits passages où on mentionne les histoires précédentes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Merlin parle à Blaise et lui dit « Je vais t'expliquer le contenu du livre que je vais te raconter, parce que un encadrement narratif de l'histoire, c'est que c'est le livre de Merlin qu'on est en train de lire. En fait, c'est Merlin, il joue le rôle de scribe. C'est lui qui écrit l'histoire. Et comme il peut voir l'avenir et le passé... Bah, enfin, de dictateur, plutôt. De dictateur. Il dicte le scribe qui est Blaise. Et il y en a une, on nous dit qu'on va lui raconter les amours de Joseph et de Jésus-Christ, comment est-ce que le lignage de ces gens qui ont le vaisseau du Graal ont été, comment ce qu'il est devenu d'Alain et de sa compagnie, de Petrus, etc., et comment Joseph se dessaisit de son vaisseau. Donc ça correspond vraiment au cycle de Robert de Boron, celui qu'on vous a déjà présenté, en fait, ça correspond à ça, c'est dans la famille Alpha. Dans la famille Beta, on vous dit comment il va vous conter les amours de Jésus-Christ et Joseph d'Arimathie, tout ainsi comme elles avaient été, et toute l'œuvre si comme elles avaient été, de Nacien et de ses compagnons, et comment Joseph mourut et se fut dessaisi de son vaisseau. Nacien, dans l'Histoire du Graal, qui est une réécriture du Joseph, c'est pas le Joseph, qui est une réécriture du Joseph, dans l'Histoire du Graal, Nacien, c'est un roi païen qui se convertit au christianisme et qui joue un rôle assez important. Parce qu'on vous a dit, Joseph, c'est pratiquement une vie de saint, une espèce d'évangile apocryphe un peu bizarre, il n'y a pas beaucoup d'action. Tandis que l'Histoire du Graal, on a essayé de combler un peu ça, puis là, vous avez beaucoup plus de batailles et des rois païens qui sont beaucoup plus actifs. Et là, on est vraiment dans le cycle, ce qu'on appelle la Vulgate. Lancelot Graal. Lancelot Graal, la Vulgate en prose. Donc là, vous avez un des deux passages. Un autre passage, c'est un où Merlin répond que celui... Il parle du siège vide de la table ronde. On vous a parlé dans le Perceval en prole du rôle du siège vide de la table ronde. Ben, dans la famille Alpha, Merlin vous dit « Je peux bien te dire que celui qui occupera ce siège n'a pas été engendré et qu'il n'a pas encore, il n'a pas encore pris de femme celui qui doit l'engendrer. » Donc c'est-à-dire que c'est à l'époque où Uther demande à Merlin « Qu'est-ce qui va devenir au siège vide ?» Et ben Merlin lui dit, eh ben il est même pas né, il a même pas été engendré, et celui qui doit l'engendrer, ben c'est Alain, il a pas encore pris de femme. Parce que vous vous rappelez que quand on a laissé Alain dans le Joseph, il était encore célibataire, même si on prévoyait déjà qu'il aurait un fils. Tandis que dans la famille Beta, il nous dit, tout ce que je peux te dire, c'est que celui qui accomplira ce prodige n'est pas encore engendré, et il conviendra que celui qui l'accomplira accomplisse aussi les aventures du Graal. Là, ça renvoie plutôt à Galad, en fait, qui arrive à s'asseoir dessus immédiatement, et puis à accomplir ensuite les aventures du Graal. Donc on a une tradition qui va rattacher ça à Perceval, comme on l'a vu la dernière fois, et une tradition de manuscrit qui va rattacher ça à Galad. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ben, le problème, c'est que Fugue-Pierreville dit en gros que Alexandre Micha a été biaisé parce qu'il a choisi un manuscrit qui avait des problèmes pour l'éditer, mais il voulait un manuscrit de la famille Alpha, parce qu'il considérait que c'était la famille la plus archaïque. Donc le cycle était la version originale, qu'on appelle non cyclique, mais en fait elle est cyclique, c'est juste qu'elle ne fait pas partie de la Vulgate. Voilà, et il voulait un manuscrit qui mentionne Robert de Boron, parce que c'est pas toujours très constant. Elle dit le fait qu'il ait choisi ces critères-là, comme critères d'authenticité, ben, ça fait qu'il a rejeté des manuscrits qui sont certes de la famille Beta, qui sont rattachés à la Vulgate, mais qui sont en bien meilleur état. Et donc ça nous montre qu'il y a quand même des croisements entre comment ce texte a été préservé. Fulpierville dit que le manuscrit qu'elle a choisi, qui est un manuscrit qui est lié au Lancelot Graal, elle considère qu'il est en meilleur état et qu'il nous donne un meilleur état, bien sûr il doit lui aussi être corrigé, mais qu'il nous donne un meilleur état du texte. Il faut peut-être noter aussi qu'elle rejette assez nettement le manuscrit de Modène, celui de la trilogie avec Robert de Boron que Sercouligny a édité. D'ailleurs, elle remarque que l'édition n'est plus disponible que dans quelques bibliothèques. Donc on a tendance à peut-être vous mettre moins l'aspect chez Fulpierville sur ce côté du cycle, en trois parties telles qu'on vous l'a présenté la dernière fois, et plus sur le roman de Merlin comme une œuvre en prose unique qui existe un peu d'abord en dehors de ces deux cycles et qui l'aurait rattaché a posteriori. Ça semble être l'idée qui est sous-jacente, c'est que Merlin est vraiment un quelque chose d'assez inédit, c'est un roman en prose qui est originellement en prose, ce qui en ferait le premier en français, en fait, si on la croit. Si on la suit dans l'idée que la version en vers qu'on a est postérieure et qu'il n'existe pas de version en vers avant la version en prose, ça ferait effectivement le premier roman avant le Lancelot en prose, en fait, avant les grands romans en prose du XIIIe siècle. Ce serait vraiment le tout premier parce qu'il a été écrit vraiment dans les 10 premières années du XIIIe siècle. Donc ça c'est l'approche qu'elle a suivie et elle permet de lire ce Merlin comme un roman avec un début, un milieu, une fin. Alors certes la fin qui mène plus tard à d'autres aventures, mais quelque chose d'assez autonome de toute façon. Je pense pas que Fugue-Pierreville soit vraiment le point final sur l'étude du Merlin, ça reste quelque chose de complexe et en fait il y a étonnamment beaucoup à débroussailler alors que ça fait quand même 140-150 ans qu'on l'édite. Je pense que elle est en tout cas très convaincante. Elle a une introduction, un appareil critique d'une centaine de pages au début qui est très utile, je trouve. La version bilingue est très facile à suivre, très bien. Enfin, c'est vraiment la meilleure édition. On l'a déjà dit la dernière fois, c'est la meilleure édition et celle qu'on peut vous conseiller. En français, ce sera la moins chère, ce sera la plus accessible, ce sera la plus disponible. Bon, vous trouvez certainement des traductions peut-être de Micha, mais c'est du coup un peu moins valable sur le plan critique. Voilà. Peut-être juste avant de commencer à vous récapituler l'histoire, on va pas forcément entrer beaucoup dans le détail, il y a pas mal de longueurs, il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues avant, comme on l'a dit, ça intègre les histoires de Geoffrey de Monmouth et de Wass. On va vous présenter un peu l'histoire globale du Merlin en prose. C'est basiquement, ça commence avec un conseil de démons qui est furieux parce qu'ils voient Jésus arriver en enfer et libérer les gens et ils disent « on n'a plus de pouvoir, Jésus il baptise les gens et on n'a plus de pouvoir sur les gens, ce christianisme c'est trop fort, on peut plus rien faire » et ils disent il faut qu'on fasse la même chose. Dieu s'est incarné, il s'est fait homme pour sauver les hommes. Il faut qu'on engendre un homme qui pourra nous permettre de perdre les hommes, basiquement. Ils ont perdu leur pouvoir sur l'humanité, et ça leur permettrait de remettre un pied dans la porte. Ils décident d'engendrer Merlin, mais sauf que d'abord, apparemment, on peut être la victime de démons que si on est dans un état émotionnel assez secoué quand même. Donc il commence par martyriser une famille jusqu'à ce qu'une des filles de cette famille soit dans un état tel qu'elle oublie de se signer, de faire le signe de croix en se couchant et qu'un démon la viole pendant son sommeil, ce qui engendre Merlin. Elle vient ensuite un procès, c'est-à-dire que l'enfant naît et commence à parler dès qu'il est né, donc c'est un peu terrifiant, mais il a l'air d'être doté du don de prophétie, c'est-à-dire que les démons lui avaient donné la faculté de voir dans le passé, et Dieu a décidé de le sauver, comme sa mère était une bonne chrétienne, et lui donner la faculté de voir dans le futur. Grâce à ses capacités, il peut sortir sa mère du pétrin d'où elle est, parce que elle va se faire tuer, vu qu'elle a commis apparemment un adultère, elle est condamnée à être enterrée vivante, mais grâce à ça, Merlin arrive mais par son habileté et sa connaissance, il arrive à sortir sa mère de ce pétrin du procès. Blaise, qui est le confesseur de sa mère, commence à prendre des notes de ce que Merlin lui dit et lui raconte l'histoire, ce qui est sous-entendu que c'est le livre qu'on est en train de lire. Et il y a des envoyés de Vortigern qui viennent le chercher. Là, on raccorde avec l'histoire des rois de Bretagne. Et ensuite, il sert après Vortigern Pendragon. Il sert aussi Uther, puis Uther tombe malade et meurt. Après avoir engendré Arthur, ça on l'a déjà vu, Merlin gouverne un peu à la destinée d'Arthur et le place dans une famille. Puis, après la mort d'Uther, il dit « Bon, j'ai une petite idée pour vous. Je vais trouver un petit moyen pour que vous ayez un roi, que Dieu nous envoie un bon roi. » Et le matin de Noël, devant l'église à Canterbury, je crois, il y a une enclume qui apparaît sur un bloc de pierre. Et dans cette enclume est fichée une épée. Et sur l'épée est écrit que celui qui l'enlèvera sera roi de Bretagne. Donc, le motif de l'épée dans la pierre, là c'est dans une enclume, mais le motif de l'épée dans la pierre, qui s'appelle pas Excalibur parce qu'il faut être un pédant à tout prix sur les épées d'Arthur, il faut montrer votre savoir là-dessus à tout prix pour montrer à tout le monde que vous connaissez tout, qui ne s'appelle pas encore Excalibur. Cette épée apparaît, donc là vous avez l'élément peut-être le plus emblématique aujourd'hui quand on pense roi Arthur, c'est la première chose à laquelle on pense, ça apparaît maintenant, début du XIIIe siècle, dans le Merlin de Robert de Boron. Donc là c'est un peu un aperçu rapide de l'histoire. Je vais peut-être maintenant aller un peu dans les détails, dans ce récit qui commence par dire que « Moult fut irrié li ennemis quand notre sire eût été en enfer et il en eût jeté Ève et Adam. » Donc « Moult fut énervé les ennemis c'est les démons, quand notre seigneur est allé en enfer et qu'il en a jeté Ève et Adam. » Alors jeter, c'est libéré plutôt. Disons, il les a jetés d'enfer, c'est-à-dire, ça a un côté un peu comique, allez hop, ouste tout le monde. À la pelle, il prend les âmes. Il prend les âmes et il les sort. Mais c'est un motif qui a beaucoup de succès médiéval. En anglais, on parle souvent de « the harrowing of hell », c'est Jésus qui descend en enfer et qui sauve les âmes qui sont là. Parce que logiquement, avant Jésus, il n'y avait pas de salut possible, donc vous deviez juste aller automatiquement en enfer. Un démon dit, vous savez, il y a des démons qui peuvent engendrer des hommes, ils peuvent coucher avec les femmes, et c'est ces incubes dont on a déjà parlé dans la Veta Merlini, qui était déjà dans l'Histoire Érigum Britannique de Geoffrey de Monmouth. Mais la grosse différence, c'est que, justement, dans l'Histoire Érigum Britannique, la mère de Merlin, elle était plutôt enthousiaste. elle couchait avec ce démon, elle disait c'était un compagnon que j'avais qui était très beau, très agréable, etc. Et c'est seulement après coup qu'on peut interpréter et dire ah ouais, s'il disparaissait comme ça et qu'on le voyait pas forcément, c'est que c'était un démon. Mais elle se rend pas forcément compte. Là par contre, ce sera complètement à son insu. C'est-à-dire que ça la met en scène comme vraiment, pardon, ça la met en scène comme vertueuse du début à la fin. Elle ne veut pas coucher avec, il couche pendant son sommeil, donc elle est même pas consciente, elle prend pas de... Elle est dans le noir aussi. Elle est dans le noir, elle a pas de plaisir, c'est par inadvertance qu'elle a oublié de se signer, donc c'est vraiment juste une petite faute qui va, mais elle fait repentance immédiatement. Donc grâce à ça, elle est vraiment sans tâche, si on veut. Et c'est là qu'on a aussi un aspect peut-être presque très, comment dire, sacrilège de cette histoire finalement, parce que Merlin, en tant que fils de démon d'un projet global des démons pour contrer le Christ, il a une espèce d'air d'antéchrist, qui finalement, ce nouveau prophète qui est sauvé par Dieu, il prend une ampleur qui, justement, comme je disais la dernière fois, peut-être un peu hérétique, parce que là on a un personnage qui cadre quand même pas forcément avec disons, une vision très orthodoxe de la chrétienté. Ce qui va être d'ailleurs un peu tempéré dans justement certaines suites que les cycles vont plus tard ajouter au Merlin. Il faut noter aussi que c'est de là que viennent en fait les pouvoirs de Merlin. C'est explicitement le fait que le démon puisse... les démons savent tout en fait, c'est le principe central. Les démons ne peuvent pas voir le futur, mais ils savent tout ce qui s'est passé. C'est leur outil un peu pour peser sur les âmes des hommes. Ils peuvent voir les péchés des hommes, ils peuvent les connaître. Ça, c'est ce qu'il tient de son père. Ce qu'il tient de sa mère, par contre, qui est du coup un peu sauvée, c'est cette aptitude à prédire le futur qui lui est donnée pour contrebalancer ce pouvoir démoniaque. Donc du coup, il sait à la fois tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il adviendra. Donc c'est de là, c'est de cette dualité que vient le pouvoir de Merlin. C'est ça qui en fait un personnage assez intéressant aussi. Et donc, les démons vont en fait tirer un peu les ficelles autour d'une famille pour la perdre. Et ça, c'est un peu, peut-être pas, un peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'ils vont pas directement attaquer cette femme et la violer, etc. Ils vont commencer par tuer toutes les bêtes d'un homme. C'est-à-dire qui va être un homme qui commence par être pour cible. Ils tuent leurs bêtes progressivement. Ils se lamentent de plus en plus. Et à mesure qu'il est en proie à ses émotions négatives, il devient de plus en plus en proie aux démons. Il y a l'idée vraiment très claire que l'isolement social, mais aussi la colère, ça vous rend vulnérable à ces démons. Et donc cet homme est de plus en plus énervé parce que les démons font, il tue 10 chevaux qu'il possédait en une nuit, etc. Il se laisse gagner par une violente colère et il prononce une folle parole sous le coup de l'exaspération, car il voit au diable tout ce qu'il possédait et tout ce qui lui restait. Et voilà, là maintenant il a voué au diable tout ce qu'il lui possédait, ben maintenant le diable peut entrer. Et là tous ces hommes sont tués. Le démon étrangle son fils dans son lit, le garçonnet est retrouvé mort le matin. L'homme se détourne de la foi, et dès que le diable le suit, il en fut fort satisfait. La femme par qui il avait remporté toutes ses victoires, il l'a fait se tuer pour qu'elle se pende. Il découvre que sa femme est morte, donc son fils a été étranglé par cette femme apparemment possédée par les démons, puis elle s'est pendue. L'homme en éprouve une telle douleur qu'il fut pris d'un mal qui lui ôta la vie. Donc voilà, là c'est en fait le grand-père de Merlin qui perd sa femme et son fils. Donc il ne reste plus que les trois filles du grand-père de Merlin, donc dont sa mère. Il utilise un jeune homme qui se comporte selon ses... Donc peut-être un homme qui justement est charmé par les démons, qui va réussir à séduire une des trois filles, et ensuite révèle, le démon révèle ça au regard du monde, et il met en évidence l'affaire. Le ribaud, donc l'homme qui l'a utilisé, prend la fuite, la demoiselle est emprisonnée, est jugée, et il est décidé pour... résoudre un peu le malheur qui arrive au père, qu'elle sera enterrée vivante par égard contre le déshonneur. En fait, c'est une espèce de, peut-être une espèce de pitié, une forme de pitié, dont elle ne sera pas brûlée ou pendue, elle sera enterrée vivante pendant la nuit. Donc ça semble être assez glauque quand même. Il semblerait que ce soit celle qui soit la deuxième fille, parce qu'il reste encore l'aînée et la benjamine. Et l'aînée en fait bénéficie du conseil d'un confesseur qui, en fait, on va révéler plus tard que ce sera Blaise, justement. C'est Blaise, ouais. Et c'est la benjamine qui va céder au diable. Et pendant que la jeune fille, la plus âgée des deux jeunes filles, l'aînée, va elle suivre l'enseignement de Blaise. Il les met sur la bonne voie, mais voilà, la jeune fille, la plus jeune des deux filles, réussit en fait à, en prenant l'apparence d'une femme voisine, à tenter la plus jeune fille, qui va se mettre à... Il lui dit, basiquement, vous devriez, vous savez, le plaisir corporel, la luxure, c'est le plus grand des plaisirs. Puis elle dit, oh, mais vous savez, ma sœur vient de se faire enterrer pour ça. Oserais-je faire ça ? Elle dit, mais vous pouvez le faire, vous vous marierez plus tard, personne n'en saura rien, vous pouvez vous éclater. Et du coup, à partir de là, elle vit une vie de perdition, et elle finit par partir de chez elle. Vous vous donnerez à tous les hommes après avoir fui en raison de votre douleur et de votre chagrin. En gros, il lui dit « Utilisez votre deuil comme prétexte pour vous enfuir. » Dites « Ah, je viens de partir. » Et vous ferez ainsi ce que vous voudrez de votre beau corps. On nous dit qu'elle fait ça, le diable en fut ravi. L'aînée se rend chez le saint homme. Elle semble donc Blaise toujours qui lui dit « Ah, fais le signe de croix, recommande-toi à Dieu, car je te vois au comble de l'agitation. » Il y a vraiment l'idée que se laisser aller à sa colère ou à sa panique, ça vous rend... vulnérable à ces démons, vraiment. Et aussi, l'idée de l'isolation. Ça revient beaucoup l'idée que si vous vous isolez et que vous perdez, disons, les liens sociaux, ben là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger d'être égaré, d'être mené sur le mauvais chemin par les démons. Souvent, ça veut dire mourir ou se suicider. Ce qui amène que sa sœur... En gros, le confesseur lui donne une espèce de manuel pour résister au diable. Veille toujours à avoir une lumière là où tu es. Donc là, il y a une espèce, peut-être, on pourrait dire... Le terme mal choisi, mais de superstition. Veille toujours à avoir une lumière, parce que le diable n'aime pas la lumière. Donc littéralement, une loupiote. Et n'oublie pas de te signer, de prier, de te confesser, etc. Il se saisit, le diable, de sa sœur. C'est-à-dire qu'on parle souvent du diable, soit au pluriel, soit au singulier. Il y a une idée de multiplicité du diable. C'est-à-dire qu'il y a plein de démons. Mais aussi, parfois, on en parle au singulier, comme s'il y avait une unité de volonté, vraiment. Il y a la sœur qui arrive avec une troupe de vauriens qui fout un peu le bordel. La sœur aînée dit « Non, mais quand même, vous pouvez pas rester ici, c'est ma maison, vous pouvez pas faire le bazar comme ça. » La sœur cadette dit « Oui, mais j'étais la fille de notre père, j'ai le droit de venir dans cette maison. » L'aînée essaye de jeter sa sœur dehors, elle la prit par les épaules et elle veut vraiment la pousser dehors, mais les vauriens se mettent à la battre. Alors l'aîné s'enfuit dans sa chambre, les vauriens se mettent à tabasser les serviteurs, parce qu'on n'en parle pas trop, parce que voilà, ils ont un arrière-plan, mais il y a aussi des serviteurs sur cette propriété, c'est quand même une famille qui a l'air assez riche, et qui tabasse les serviteurs, et ensuite, elle s'enfuit, elle est dans sa chambre, elle a fermé sa porte à clé, elle s'effondre sur son lit en pleurant, elle oublie de se signer pendant se coucher, et là il y a un diable qui fut ravi de la voir seule, submergée par le ressentiment, la voilà tout à fait prête à présent. Là, ils font signe, au diable qui avait le pouvoir d'engendrer et de coucher avec une femme, il fut vite prêt et vint à elle tandis qu'elle dormait. Il la connut charnellement et la féconda. Donc elle est violée pendant son sommeil. Quand ce fut accompli, la demoiselle s'éveille et, ce faisant, elle se souvint du saint homme. Elle fait le signe de croix. C'est peut-être un peu tard, mais peut-être que justement cette promptitude va la sauver. Elle se dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne suis plus intacte. » Elle réalise qu'il s'est passé quelque chose. Elle se dit que quelqu'un elle a l'air de réaliser que quelqu'un l'a violée, mais elle fouille la pièce. Il y a personne. La porte est toujours fermée. Alors elle se dit « J'ai été victime d'un démon. » Là, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'elle va immédiatement le dire à son confesseur, et le confesseur ne la croit pas. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment, même dans ce texte, différents registres de croyances. C'est-à-dire que oui, on croit aux démons, mais quand quelqu'un vient vous raconter ce genre d'histoire, vous dites « Bon, là, vous me racontez des histoires, vous êtes une femme adultère, et puis vous essayez de dissimuler ça. » Il ne la croit pas. Et au final, il est obligé de se rendre à l'évidence parce que son récit est cohérent et qu'elle ne s'en dédie pas. Mais personne ne va la croire, en fait. Même si les gens croient en général à l'action du démon dans cet univers-là, les gens ne la croient pas immédiatement. Et il y a vraiment une chose où on se dit, bon, elle est en train de nous raconter des histoires. S'ensuit donc un procès. C'est-à-dire que d'abord, les gens ne se rendent pas compte. Ensuite, elle commence à s'engrossir. Son ventre commence à s'arrondir. Blaise a bien noté la nuit où est supposée avoir lieu la conception pour bien vérifier quand l'enfant naîtra, si ça cadre avec ses dires. Ensuite, des femmes commencent à remarquer qu'elle est grosse et disent « Mais qui étiez-vous grosse ?» Puis elle dit « Personne. Jamais, j'ai jamais connu d'homme. » Et les femmes disent « Mais c'est impossible, oh, vous êtes en train de devenir folle. Peut-être que vous ne voulez pas accuser celui que vous aimez, mais du coup la faute va vous retomber sur vous entièrement et il vous faudra mourir. » Elle dit « Aussi vrai que je demande à Dieu de sauver mon âme, je n'ai jamais vu ni connu l'auteur de cet acte. » Les femmes disent « Les femmes la prennent pour folle et elles disent « Quel malheur pour votre belle habitation et votre beau domaine, car à présent tout est perdu. » Genre, toute la famille a été vraiment dilapidée. Le père dit « Bon, si vous êtes bien conformé à la pénitence que je vous ai dit, je pense que Dieu va vous sauver. » Parce qu'en gros, il lui a promis de ne plus jamais se livrer à la luxure, à la chose charnelle. Il précise, c'est assez marrant, je trouve, sauf dans les rêves, car l'homme ne peut rien faire contre les rêves. C'est-à-dire que si vous avez des trucs charnels dans vos rêves, bon, c'est pas de votre faute. C'est un petit caveat, on peut se contrôler quand on est réveillé, mais dans les rêves, c'est un peu plus difficile. Il dit « J'espère que les juges vous sauveront. » Enfin, vous épargneront. Elle revint donc chez elle, elle attend l'arrivée des juges. Ils arrivent, ils veulent la tuer immédiatement, mais Blaise dit « Bon, elle a quand même un enfant, donc l'enfant a rien fait, donc peut-être qu'il faudrait le sauver. Donc laissez au moins l'enfant naître et qu'elle puisse l'allaiter, parce que sinon si on le sèvre, c'est pas gentil non plus. Donc laissez quand même l'accouchement, etc. et un petit peu de temps pour que l'enfant puisse vivre parce qu'il a rien fait de mal. » Les juges acceptent, on l'enferme dans une tour avec deux femmes pour lui faire un peu les intercesseuses, lui amener à manger, etc. Les plus expertes en ce domaine qu'on ait pu trouver. Il laisse en hauteur une ouverture par où on faisait monter tout ce dont on avait besoin. Et le saint homme crie par la fenêtre, quand ton enfant sera né, fais-le baptiser le plus vite possible, et quand on t'aura sorti d'ici et qu'on voudra te juger, envoie-moi chercher. Donc elle va rester dans la tour un bon moment, jusqu'à ce qu'elle ait cet enfant, donc il semble qu'il naisse de façon assez régulière, hein. Il n'y a pas de grossesse accélérée. Mais par contre, quand il est né, comme on l'a dit, du pouvoir, de l'intelligence, de la subtilité du démon, parce que il avait été conçu par un démon, mais le diable avait agi follement, parce que notre sire aux de sa mort, donc notre seigneur, avait racheté par sa mort les hommes animés d'un vrai repentir. Il avait abusé la demoiselle, mais elle reconnut sa faute. Alors, quelle faute elle a fait? Probablement une faiblesse. On doit comprendre que sa faute, c'est vraiment cette faiblesse d'esprit, en fait. Elle s'est laissée aller elle à oublier. Elle s'est laissée aller au désespoir, probablement, ouais. Quelque chose comme ça. C'est pas très clair, effectivement, parce que pour nous, elle a rien fait de mal. Elle a purement été violée par un démon. Mais il y a cet aspect qu'elle a quand même succombé, d'une certaine façon, à la tentation, en craquant, en fait. Ouais. En refusant de simplement se signer, de vivre normalement. Et du coup, quand elle a recherché le pardon, elle s'est remise à la grâce. Disons qu'elle a dû être sauvée, mais en même temps, le diable doit admettre que Dieu doit admettre que le diable a son dû. Et en l'occurrence, il autorisa la création de l'enfant, et le diable voulait que l'enfant ait la capacité à savoir les choses faites, dites et passées, donc ça c'est le pouvoir des démons, mais notre Seigneur, qui est parfaitement omniscient par le repentir que manifesta la demoiselle, par la reconnaissance sincère de sa faute et par la purification que lui apporta sa confession, par la vraie contrition qu'elle a et par le fait qu'elle n'avait pas voulu ce qui lui était arrivé, parce qu'elle avait baptisé l'enfant, il ne voulut pas que le péché de la mère puisse nuire à l'enfant. Aussi, il lui donna la faculté, le pouvoir de connaître l'avenir. Donc là, c'est bel et bien, le pouvoir de Merlin vient de son pouvoir, de sa nature à la fois démoniaque et sa bénédiction divine. Comme ça, notre Seigneur, lui... Dieu veut vraiment faire de Merlin l'instrument qui sera la perte des diables, si on veut, en utilisant leur pouvoir contre eux. Et les dames qui l'ont, les sages-femmes, en fait, s'aperçoivent qu'il est poilu, en fait, il est velu. Il y a peut-être un parallèle avec justement ce motif de l'homme sauvage, etc. Mais il faut pas trop, parce que les démons poilus, en fait, c'est quelque chose de très courant, quoi. Donc, faut pas forcément voir un parallèle là, parce que c'est un motif qui est beaucoup plus large. Et elle demande à ce que l'enfant soit baptisé, qu'on l'appelle Merlin, puisque c'était le nom de son père à elle, donc le vieil homme qui était mort, qui était attaqué dès le début, s'appelait aussi Merlin. Et on lui... Après l'avoir baptisé, on le redonne à la mère, qui est toujours dans la tour, hein, et elle doit le nourrir elle-même, parce qu'aucune autre femme n'accepte de nourrir l'enfant, c'est logiquement. Et du coup, en 9 mois, donc on est de nouveau 9 mois après la grossesse, il semble âgé en fait de 2 ans ou plus, alors qu'il n'avait que 9 mois. Et quand il a 18 mois, les femmes disent à la mère qu'il faut qu'elle parte, parce qu'elles sont restées trop longtemps, et qu'elles ne pouvaient pas rester toujours ici. Et alors, la femme, en fait, la mère de Merlin, est en désespoir parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Et là, l'enfant rit et lui dit qu'elle ne mourra pas pour un fait dont il est responsable, lui. Et il commence à parler à 18 mois, en fait. Et à ces mots, la mère sentit le cœur lui manquer sous le coup de la frayeur et, desserrant les bras, elle laissa glisser l'enfant. Il tomba à terre et se mit à hurler. Et là, les sages-femmes se précipitent parce qu'elles pensent qu'elle a essayé de tuer son enfant. Donc, c'est assez comique comme le fait que Merlin puisse parler parfaitement à 18 mois bouleverse tout le monde. Et puis alors du coup Merlin proteste, elle veut l'emmener en dehors pour qu'elle soit brûlée, elle jugée, et en fait il commence à défendre sa mère. Il dit aux femmes qu'elles sont plus pécheresses que sa mère, en fait. Il y a quelque chose de très intéressant où il dit basiquement si on devait brûler, voilà. Merlin est très écriture inclusive parce qu'il dit que sa mère ne serait pas brûlée si vite, car si on voulait faire justice de toutes les femmes et de tous les hommes infidèles à leur époux ou à leur épouse, on aurait déjà brûlé les 2/3 ou plus de l'assistance. Donc il y a un thème qui revient vraiment beaucoup dans cette histoire, c'est celui de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont punis pour leurs péchés, qui sont enterrés vivants, etc. On a vu ça avec les sœurs de la mère de Merlin. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pécheurs et à qui il leur arrive rien. Il y a des gens qui font partie des légions du démon et qu'apparemment on n'arrive pas à détecter, alors que les démons au début ils disaient qu'ils avaient plus de pouvoir sur les hommes. Hein. C'est peut-être un peu incohérent. Mais on a quand même cette dénonciation de l'hypocrisie où la mère de Merlin n'a finalement rien fait de mal, vraiment, et où c'est elle qui va avoir le châtiment, une critique peut-être de la justice humaine et de l'hypocrisie, où Merlin va commencer d'ailleurs à critiquer un des juges. Je pense qu'il y a aussi la notion, effectivement, dans ce procès, non seulement l'hypocrisie, mais en fait, on est de nouveau dans les miracles déjà de Merlin, tels qu'on les a vus, sur ce qu'il peut vraiment savoir, sur ce qui va arriver. Il a cette espèce de savoir, ce côté un peu ironique, il sait que les gens vont se faire avoir comme dans la Vita Merlini. Il est amené avec sa mère devant un juge, et en fait, il va expliquer au juge, il sait que effectivement la mère de ce juge ne l'a pas conçu avec son père, celui qui croit être son père, mais avec un prêtre. Il dit « Je connais mon père mieux que tu ne connais le tien ». Et le juge là, « Mais tu dis quoi sur ma mère ?» Et donc, on décide de faire venir la mère de ce juge, et on décide que si Merlin arrive à démontrer par sa parole ses dires, c'est-à-dire que s'il arrive à faire avouer à la mère de ce juge qu'elle n'est pas, que son père n'est pas son père légitime, on acquittera la mère de Merlin. La discussion passe en privé, c'est-à-dire que les autres juges acceptent cette espèce d'accord, genre si vous arrivez à montrer à ce juge qu'il n'est pas un enfant légitime, on vous laissera partir. Et effectivement, la mère, elle admet que le juge est le fils de son prêtre, en fait. Et en fait, il va expliquer au juge Merlin qu'il est le fils d'un démon qui s'appelle Esquipedes, ou Esquipedes, une espèce de démon qui s'appelle Esquipedes, qui est vit dans l'air. Et qui a abusé de sa mère. Alors, Esquipedes, je crois que Fugue Pierreville va y chercher une racine antérieure au mot en vieux français. Elle pense que, je crois, c'est une racine francique, il me semble. Je pense qu'elle estime que c'est la racine francique, pas impossible qu'il soit la racine francique. Skiochian, crainte, moi je pense plutôt que c'est clairement Esquitius, Esquie. Pédès, Pat, Tius, Patre, c'est clairement une forme trinante. Le dieu suprême indo-européen, clairement. Non, plus sérieusement, il explique au juge que Dieu lui a donné en fait cette intelligence, ce savoir, à la fois des démons et de lui, pour aider, pour vaincre les démons, pour défendre la Sainte Église. Et il va dire que au juge, quand tu verras que j'ai raison, quand ta mère va partir, elle va aller informer celui qui t'a, ton géniteur, en fait, et de peur, il va aller se noyer, il va sauter dans l'eau, il va se noyer. Et c'est bel et bien ce qui arrive, en fait. Et du coup... Je pense que c'est assez intéressant parce que ça renvoie le thème de l'isolation, en fait. C'est-à-dire qu'il est désespéré par des émotions négatives, il s'enfuit loin des autres hommes. Et là, le texte est assez clair là-dessus. Il nous dit « Il sortit de la ville en proie à ses pensées, s'approcha d'une rivière, déclarant qu'il lui valait mieux périr noyé plutôt que de subir une mort honteuse infligée par le juge. Le diable dont il avait accompli les œuvres le mena tant et si bien qu'il le fit sauter à l'eau où il se noya sous les yeux des émissaires envoyés avec la dame. Et c'est pour cette raison que ce conte, donc ce livre, cette histoire, défend à quiconque de fuir ses semblables. Car le diable tient plus volontiers compagnie à un homme seul qu'il ne le fait dans les lieux fréquentés. » Donc là, je pense qu'on a une des morales principales de cette première partie de l'histoire, c'est-à-dire que c'est la solitude, le désespoir, la colère qui vous rendent vulnérable aux démons. En fait. Là, vous avez vraiment une des morales de l'histoire de cette première partie. Et donc, après ça, Blaise peut se retirer il cherche du matériel pour aller écrire, parce qu'il va devoir écrire ce que Merlin lui confie, qui en fait, on nous fait bien comprendre, c'est le livre qu'on est en train de lire maintenant. Il a été révélé par Merlin et écrit par Blaise, qui a le rôle de scribe. Mais avant ça, l'histoire doit faire un peu deux pas en arrière pour nous rappeler un peu le contexte, disons, qui est au pouvoir en ce moment. Parce que là, on était centré sur Merlin, sa mère, le procès. Mais une des facettes du Merlin, c'est d'intégrer tout le matériel de l'Historiarum Britanniae et du Brut de Was, donc cette succession des rois qui mène à Arthur. Il faut préciser quand même que ça s'intègre de façon explicite dans ce livre, en fait, que ce soit... l'histoire de Nacien justement qui est mentionnée dans l'édition de Fugue Pierreville rattache ça évidemment au cycle en prose, c'est là qu'il y a un de ces leçons au cycle du Lancelot Graal, mais c'est là aussi que dans la version que Alexandre Michel édite on a l'allusion à Joseph d'Arimathie et à Robert de Bon, voilà. Donc c'est vraiment ce passage là sert de lien aussi bien entre le matériel de Merlin et celui justement de l'Historiarum Britanniae en propre, le nouveau matériel et le narratif classique de l'Historiarum Britanniae de Geoffrey, mais aussi de lien entre le domaine, entre entre le Merlin et le reste des cycles. Donc il est très utilisé dans cette façon-là. Il y a quelques modifications. Beaucoup d'éléments sont similaires. Hein. Si vous les mettez côte à côte, bien sûr, il y a une inspiration. Beaucoup d'éléments similaires. Il y a quelques différences sur lesquelles on va peut-être insister. Vous vous rappelez peut-être que dans l'Historiarum Britanniae, il y avait les enfants du roi Constantin qui étaient Constant, Uther et Aurelius, donc une espèce de redite d'Aurelius Ambrosius Aurelianus. Là, cette fois-ci, dans le Merlin, on a Meinet. Parfois, c'est écrit Moine ou Moine. Enfin, ils ont l'air de confondre avec dans l'Historiarum Britanniae où effectivement, c'est quelqu'un qui rejoint les ordres, donc c'est un moine. Ben, là, il s'appelle Meinet. Uther. Enfin, c'est Constant, quoi. Hein, c'est le même personnage. C'est le même personnage, il y a juste un changement de nom. Uther, donc ça va être le père d'Arthur. Et Pendragon. Donc Uther et Pendragon sont deux personnages différents. Ce qui est un peu confusant, surtout qu'Uther va prendre le nom d'Uther Pendragon après. Mais là, on a une espèce de modification pas Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est juste une de ces... Une erreur de compréhension qui a amené à confondre avoir... les noms, effectivement. Mais donc, là, on a de nouveau ce motif où, à la mort du roi Constant, Ménée prend le pouvoir, mais il est trop jeune. Là, c'est Constantin, du coup, qui s'appelle Constant dans ce narratif. Voilà, mais son fils, qui s'appelait Constant avant, s'appelle Ménée. Peut-être une erreur, justement, le fait qu'il y ait deux Constants, ça a été... un Constantin et un Constant, c'était considéré comme trop compliqué, donc du coup, on en enlève un. Il doit prendre le pouvoir, mais il est un peu trop jeune pour gouverner, donc c'est un certain Vertiguier, qui est donc en fait Vortigern, qui va gouverner, tirer un peu les ficelles derrière le trône, et donc il devient sénéchal, mais il néglige un peu le royaume, genre il accepte pas de le défendre, genre, et Ménée se retrouve un peu seul à lutter contre les Saxons, et il subit des défaites, jusqu'à ce que Vertigern en fait s'arrange pour que Ménée se fasse tuer par des Saxons. Ils se disent, si on tue Ménée, ce roi qui a plein de défaites et qui a pas l'air d'être en mesure de gouverner sa terre, et que Vertigern devenait roi, ça irait mieux. Donc il disait aussi qu'il y a plus la notion que Vertigern amène les Saxons de façon particulièrement claire en fait là-dedans. Contrairement à l'histoire agro-britannique où c'est lui qui est vraiment un peu l'orchestrateur de ça, là les Saxons semblent être déjà là en fait. Oui, bon il les instrumentalise quand même pour asseoir son pouvoir. Ah oui, aussi, hein, c'est pas la même. Et il y a 12 traîtres qui avaient tué Ménée qui viennent le voir et qui disent on a tué Ménée, on pensait que ça vous ferait plaisir, et puis lui il fait semblant que oh non c'était terrible et il les fait écarteler, ce qui déclenche des conflits avec leur famille et donc Vortigern les menace, bah si vous êtes pas content je vais aussi vous faire écarteler, donc son règne commence sur un assez mauvais pied et il a déjà énormément de conflits et des gens qui se rebellent contre lui. Donc de nouveau Vortigern comme un roi qui tient pas vraiment son pouvoir. D'une espèce d'assentiment général. Les autres fils de Constant, donc Uther et Pendragon, s'enfuient, même s'ils sont également jeunes. Et c'est là qu'on a l'épisode en fait où il va venir chercher Merlin. Merlin a l'air conscient, il dit à Blaise, il y a des gens qui vont venir me chercher depuis l'Occident, donc ce qui laisse penser qu'ils n'étaient pas encore en Angleterre en fait, ils n'étaient pas encore en Bretagne, et qu'on va venir les chercher pour les amener en Angleterre, en Bretagne. De nouveau, il y a le narratif où Vertigern veut faire construire une tour. Enfin, il entretient, disons, une tour si haute d'où il ne redouterait personne, parce qu'il sait qu'en fait, les enfants de Constant vont revenir lui botter le cul, en fait. Donc, il essaie de se prémunir contre ça, de créer un ouvrage défensif si fort que rien ne pourra lui résister. Et chaque fois qu'il essaie de la construire, cette tour, dès qu'elle atteint 3 ou 4 toises de haut, elle s'écroule. Et donc, il répète l'expérience à plusieurs fois. Dès qu'elle atteint de nouveau cette hauteur, elle ne peut pas tenir debout. Alors, il va de nouveau faire, comme dans l'histoire agro-britannique, il fait venir des sages, enfin des mages. En l'occurrence, ce sera des astrologues. Les astrologues ne comprennent pas pourquoi la tour s'effondre. Par contre, ils voient un présage. Ils savent qu'un enfant sans père causera leur perte. Alors, du coup, ils se disent, bon, on va faire d'une pierre deux coups. On va dire au roi qu'il faut qu'on mêle le sang d'un enfant sans père au mortier qui sert à construire la tour, comme ça, ça marchera. Comme ça, de toute façon, les enfants sans père, il n'y en aura pas 36 000, on en trouvera un, ça sera celui-ci qui aura causé notre perte, et il sera tué, et on sera tranquille. Et c'est ce qu'ils vont dire au roi. Le roi va envoyer chercher des messagers qui vont devoir avoir permission d'aller ramener ce sang, et ils vont deux par deux, et à la fin, il y en a quatre d'entre eux qui voyagent ensemble et qui arrivent dans un champ près d'une ville. Et dans ce grand champ, il y a des enfants qui jouent à la soule, donc l'ancêtre du football en fait. Ouais. Et Merlin, qui sait tout, le texte nous dit littéralement, Merlin qui savait tout se trouvait là. Il voit que les hommes le cherchent, il comprend tout de suite que les hommes le cherchent. Alors il va vers les autres enfants, il n'était pas en train de jouer lui, et il donne un coup de crosse à la jambe d'un gamin. Et du coup le gamin se met à pleurer, il insulte Merlin, il l'accuse d'être né d'une femme et d'être né sans père. Et les messagers entendent ça, ils se disent mais ils vont vers l'enfant, mais qui c'est qui t'a frappé cet enfant, c'est le fils d'une femme qui n'a jamais su avec qui elle l'avait conçu et qui n'a jamais eu de père. Et Merlin arrive en riant, donc nouveau motif du rire de Merlin, qui dit « Je suis celui que vous cherchez, que vous avez juré de tuer et dont vous devez rapporter le sang au roi Vertigier. » Mais qui t'a dit ça ? Mais non, pas du tout. Lui, il dit « Non, je sais, vous avez fait le serment, alors emmenez-moi, ne me tuez pas, mais emmenez-moi. » Et ils sont un peu stupéfaits et il leur promet en fait que s'il ne le tue pas, il leur expliquera pourquoi la tour s'effondre. Alors du coup, ils vont retrouver la mère de Merlin dans le couvent où elle est, parce que Merlin a fait entrer sa mère dans un couvent, du coup, et il leur présente Blaise, en fait, et avec Blaise, il va leur expliquer que Vertigier veut bâtir une tour, comme le narratif nous l'expliquait. Donc il raconte toute l'histoire, et Blaise leur dit « Non, mais vous allez pas tuer cet enfant, il est formidable, il faudrait qu'il reste en vie, ce serait un grand malheur si on le tuait. » Et donc du coup, ils vont s'engager à aller avec les messagers pour apprendre au roi pourquoi sa tour ne tient pas debout. Alors il va, de nouveau, il y a un petit intermède où Blaise va être congédié par Merlin, et il va l'envoyer dans le Northumberland aussi, donc c'est là où en fait Blaise, la région avec laquelle Blaise est associé, la Northumbrie, le nord de l'Angleterre, en fait, où il ira habiter, puisque c'est un peu un coin pas très exploré, et d'où Merlin ira le retrouver quand il sera temps pour Blaise de retrouver le Graal, en fait. Et donc, du coup, c'est là qu'on a, en fait, le premier nom du livre que Blaise va écrire. Il va dire, Merlin va lui dire, tu écriras le livre que tu auras composé sur la vie du roi Arthur et sur l'histoire du Graal, ça s'appellera le livre du Graal, tant que le monde durera. Donc c'est là vraiment qu'on a le premier name drop de cet ouvrage global dont l'histoire de Merlin fait partie. Il va donc accompagner les messagers de Vertigier chez lui, et sur le chemin, il va de nouveau insérer les prophéties de Merlin sur la mort, en fait, et sur le trésor qu'on avait vu dans la Vita Merlini. Donc ouais, les devinailles où il rigole, on comprend pas pourquoi, puis il explique, c'est parce que il y a une situation qui est ironique. Donc c'est un pèlerin qui a acheté du cuir pour réparer ses souliers en route, mais qui va mourir sous peu, et les gens ne le croient pas parce que il est en bonne santé et tout, donc on le suit et on voit que effectivement c'est vrai. Et il y a aussi l'épisode du prêtre qui mène la procession de funérailles d'un enfant, et en fait c'est lui qui a conçu l'enfant. De nouveau, hein. On voit que le thème des prêtres qui ont conçu des enfants, c'est quelque chose qui revient. On avait vu justement le père du juge, c'était aussi un prêtre au début de l'histoire. Là, de nouveau, on a un prêtre qui a rompu son vœu de chasteté. C'est une espèce de thème qui revient régulièrement, cette espèce d'hypocrisie de la prêtrise dans le Merlin. Alors là, Merlin, donc, du coup, va arriver chez Vertigier, il va lui expliquer qu'en fait, non, il va lui expliquer pourquoi, qu'il sait très bien pourquoi il l'a fait venir, pourquoi on l'a fait venir. Vertigier est stupéfait que les messages n'aient pas simplement tué l'enfant. Et du coup, il va expliquer que non, la tour ne tiendra pas grâce au sang de Merlin, mais grâce à son bon sens, en fait. Donc, Robert de Boron aime beaucoup les jeux de mots, hein, la différence entre sang et puis sens. Ça serait assez Robert de Boron, effectivement. En tout cas, il y a plein de petits jeux de mots comme ça dans le roman de l'histoire du Graal, donc ça serait peut-être un indice qu'il y a une parenté entre les deux textes, en tout cas. En tout cas, un même sens du calembour. Donc du coup, Merlin va amener Vertigern et les Vertigiers. Vertigier, c'est pas très... c'est un peu bizarre comme nom. Hein, quand même. Je me demande s'il y a un lien avec justement le fait qu'il veut construire une grande tour. Le vertige, peut-être. Ah ouais, le vertige nous gagne. La folie des grandeurs. Et donc Merlin va expliquer... donc ça, c'est le même narratif que dans l'histoire de Gomtani. Il va expliquer qu'il y a ces dragons sous la tour, dans un tissu, qui sont eux-mêmes dans un tissu qui est dans une mare. Je trouve assez drôle parce que là, justement, les gens sont très, très sceptiques rationnels. Genre, il dit, si tu creuses, tu trouveras de l'eau. Puis on trouve effectivement une nappe d'eau. Et il dit, ah, c'est vrai. Puis il y a des gens qui disent, oui, mais bon, peut-être que tout le reste qu'il a raconté, c'est pas vrai. On assèche l'eau, on trouve les deux pierres qu'il a prédit. Il n'y a pas un tissu ou un drapeau comme dans le... Non, je crois qu'ils sont juste sous des pierres. Ils sont sous des pierres, hein, comme contrairement à l'histoire. Mais les gens doutent à chaque étape. Et même quand on trouve des dragons, on dit, bon, ok, peut-être qu'il y a des dragons, mais ça veut pas dire que ce qu'il a dit. Et puis effectivement, ils s'affrontent. Les dragons, il y a un dragon roux, un dragon rouge qui affronte un dragon blanc. Et là, la prophétie que fait Merlin, c'est que le blanc tue le roux et que la mort de ce dragon roux sera très signifiante pour celui qui voudra en savoir le sens. Et donc, ils attendent que le combat soit fini. Les dragons, effectivement, se battent. Donc, il y a toute une description du combat des dragons. Et Merlin dit maintenant qu'ils sont battus et que le blanc a tué le roux. Enfin, il a brûlé le roux, d'ailleurs. Il brûle le roux et il met 3 jours à mourir, je crois. Et du coup, il explique, maintenant, tu peux construire la tour la plus haute que tu veux. Mais Vertigier veut savoir quand même quel est le sens de cette prophétie. Et il va expliquer, en fait, Merlin va faire beaucoup de prophéties, mais il va surtout expliquer que le dragon roux est celui qui symbolise Vortigern. Alors on est dans l'inverse, en fait, de l'histoire de Gomtanier, où là, le dragon roux, en fait, c'est la Bretagne, et le dragon blanc, c'est les Saxons, en fait. Là, le dragon roux, c'est Vortigern, Vertigier, et le dragon blanc, c'est les fils de Constant qui vont venir le tuer. Donc il y a comme l'association dragon qui reste assez présente, mais on est un peu plus loin du sens gallois original, en fait. Le dragon roux, en fait, symbolise la méchanceté du cœur de Vertigier, sa haute taille, sa corpulence, son image, sa puissance. Et le dragon blanc, peut-être qu'il y a une symbolique de pureté, justement, ici, qui est absente chez Geoffrey, qui n'est pas la même, enfin, en tout cas. Alors que là, la blancheur signifie vraiment l'innocence, la pureté des enfants. Et il prophétise aussi, entre autres, qu'il a vu, qu'il sait qui a causé la mort de Méné, pourquoi Méné est mort et comment Vortigern en fait le regrette pas du tout. Et Vertigier va donc avoir très affecté par ça. Vortigern veut savoir s'il a un moyen d'échapper à la prophétie de Merlin. Merlin lui dit non, il n'y a aucun moyen d'échapper. Et sur ce, il apprend que les enfants de Constant sont en train d'arriver et vont aborder à Winchester. Alors les enfants sont en train d'arriver avec une grosse armée et Vertigern envoie ses troupes. Et sur ce, Merlin lui se retire et va retrouver Blaise dans le Northumberland, d'où plus tard les enfants de Constant iront le faire chercher, en fait. Et donc, du coup, on nous raconte comment les deux fils de Constant, Pendragon et Uther, arrivent Et en gros, ils vont battre Vertigier assez à plate couture, malgré la forteresse de Vertigier. Pendragon va prendre le trône, et vu qu'il est apparemment l'aîné des deux, et va être un roi bon et juste, enfin. Vertigier meurt donc dans sa forteresse brûlée, comme l'avait prédit Merlin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Pendragon qui mit le feu à la forteresse lors d'une grande offensive, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. Et même si Vertigier est mort, par contre, les Saxons, qui sont un peu là pour... qui étaient un peu à son service, plus ou moins, restent un problème. Et maintenant, Merlin va passer... On va voir comment Merlin va passer au service, en fait, des fils de Constant pour les battre. Thème qui est assez prévalent, je ne vais pas forcément entrer dans tout le détail, mais un thème qui est assez prévalent, c'est que Merlin va se présenter à Uther et à Pendragon sous divers déguisements, en fait. Il va apparaître sous la forme d'un bûcheron, d'un éleveur de bêtes, d'un vieux sauvage, d'un... Il apparaît sous divers déguisements, et à chaque fois, les gens ne le reconnaissent pas immédiatement. Et donc, il débarque chez les gens, ils disent « Ah, vous ne savez pas où est Merlin ?» Puis bien sûr, Merlin, c'est lui. Ou alors, je sais mieux que vous où est Merlin, parce que les gens le cherchent. Justement, typiquement... La première fois, c'est qu'il a l'apparence d'un bûcheron, il a des gros souliers, une courte cotte déchirée, ses cheveux hirsutes, une barbe fort longue, donc un homme un peu sauvage des forêts qui fait peut-être écho au modèle antérieur de la Vita Merlini et de la tradition galloise. Et les gens se disent oh, « il a vraiment l'air moche ». Et lui, il répond à des gens qui sont en train de chercher Merlin, « En fait, vous faites mal votre travail, parce que moi, je sais bien mieux que vous où est Merlin ». Alors ils l'enterrent, ils disent « Tu sais où est Merlin ?» Et ils sont pas très futés, parce qu'ils comprennent pas que c'est lui. Et du coup, il dit « Envoyez chercher votre seigneur et je lui parlerai en personne. » Il faut dire qu'en fait, Pendragon cherche à trouver Merlin parce qu'il sait que Merlin est un devin efficace. Et lui, là, le problème, c'est qu'il doit débarrasser le royaume de Angis. En fait, Angis, le dernier chef saxon qui est encore là, il n'arrive pas à le battre pour l'instant. Et en fait, il va prévenir Uther qui est en train de l'assiéger. Angis tente une espèce de sortie où il dit « Angis, essaye d'aller en solo. » Tuer Uther dans sa tente, donc Merlin apparaît sous la forme d'un vieux, il va dire à Uther « Fais gaffe, il y a Angis qui va essayer de te tuer ». Uther porte son armure, sa côte de maille pendant la nuit, et du coup il arrive à tuer Angis en combat singulier. Et Pendragon, ensuite il va annoncer ça à Pendragon, il va dire à Pendragon « Angis est mort ». Et du coup, la nouvelle de la mort d'Angis arrive après, ce qui prouve à Pendragon que Merlin est vraiment clairvoyant. Mais Uther sait pas encore que c'est Merlin qui lui a annoncé ça. Il dit juste, il y a un type un peu bizarre qui m'a dit ça. Et puis la révélation, c'est, oh, tu t'es fait avoir, c'était Merlin qui était sous diverses apparences. Donc le côté un peu métamorphe de Merlin avant qu'il s'annonce à leur service, qu'il se présente à eux. C'est la première fois qu'on le voit vraiment exploité dans le récit, parce que jusque-là, Merlin était juste Merlin. Il était juste l'enfant né sans père, en fait. Voilà. Un autre motif qui est repris de la Vita Merlini, c'est celui de la triple mort. Donc cette fois-ci, c'est plus un garçon, mais il y a effectivement un baron qui est jaloux et qui veut mettre Merlin à l'épreuve. Et qui dit, bon, ben. Je vais me déguiser plusieurs fois et demander ma mort. Et Merlin lui prédit successivement qu'il mourra la nuque brisée, qu'il sera pendu et qu'il sera noyé. Bien sûr, les gens disent que c'est un peu impossible, mais plus tard, ça se révèle. Il advint que le baron devait mourir dans ces circonstances. Donc, il tombe d'une falaise, il se casse la nuque, son vêtement s'accroche et puis il reste dans l'eau. Donc, de nouveau, la triple mort. Ce qui est rigolo, c'est que les gens savent en fait que le baron doit mourir comme Merlin a prophétisé ça. Et du coup, quand il meurt, les gens qui sont avec lui disent « Ah, mais attends, il faut vérifier que Merlin a raison. Est-ce qu'il s'est vraiment brisé la nuque ?» Effectivement. Et en fait, il y a tout ce chapitre en fait, de la relation entre Merlin et les deux frères. Est très centré effectivement sur ces facéties de Merlin. En fait, il est vraiment. Il n'y a pas seulement. Les épisodes qu'on a résumés ne sont pas les seuls. Hein. Il y a vraiment plusieurs épisodes où il va. C'est digne d'un théâtre de boulevard. Quoi. Il arrive. Merlin, mais non, je suis un homme avec une moustache très belle. la lettre, regardez, quelle lettre. Il y a vraiment une espèce de confusion joyeuse en fait. Il joue des tours. C'est vraiment assez. Comme pour signaler en fait que ce personnage allait pouvoir avoir des pouvoirs vraiment assez étendus en termes de métamorphose, ce qu'on a vu dans Perceval. Hein. Il y a Merlin qui apparaît un peu sous une apparence un peu bizarre. Voilà, il apparaît à Perceval avec une espèce de faucille et puis un déguisement hirsute et des vieux vêtements. Ce qui joue avec. C'est justement un des thèmes en fait du Merlin en prose, c'est la question des apparences. vertigier, il donne l'apparence d'être un bon roi qui se soucie un peu de son peuple, mais en fait, en son cœur, il est très content que Menes soit mort, et puis il est très, très traître dans son cœur. Il y a la question du siège vide, qu'on va voir juste après, donc le chevalier qui se croit meilleur qu'il n'est et qui est orgueilleux, et qui apparaît d'être sincère, mais qui en fait ne l'est pas. Et là, Merlin, qui apparaît sous diverses apparences, et il y a plusieurs moments où justement les Uther et Pendragon disent « Ah, mais comment peut-on savoir que révèlent les apparences, etc. Comment peut-on connaître Merlin ?» Il y a plusieurs moments presque un peu philosophiques où les gens se posent ces questions-là. Mais du coup, avec cette triple mort, les gens se disent « Mais du coup, Merlin a le pouvoir de prophétie, et il décide de consigner tout ce qu'il prophétise, et c'est pour ça qu'on a des livres des prophéties de Merlin, donc les prophéties merliniques, et ça essaye d'expliquer leur origine. » De nouveau, il y a Merlin qui revient chez Blaise, et quand il apprend qu'on lui a fait, qu'on fait écrire ses prophéties, il dit « Ah, Blaise, on fait écrire mes prophéties dans le royaume d'Uther et Pendragon. » Et alors Blaise lui demande « Mais il faut un livre comme le mien ?» Et alors Merlin dit « Non, ils savent que ce qui s'est passé, toi tu sais la vérité, la vraie vérité. » Tandis que de dire qu'ils peuvent confirmer que par après, quand les prophéties se sont passées. Alors que Blaise peut avoir le vrai savoir là-dedans. Donc il y a vraiment aussi une espèce de renforcement finalement du narratif du Merlin en prose par rapport à celui de Geoffrey, puisque celui de Geoffrey c'est ce Merlin, c'est ces prophéties de Merlin un peu secondaires, alors que lui, l'auteur du l'auteur ou l'autrice, bon, l'auteur pour le moment, du roman de Merlin en prose, lui, c'est la vraie vérité, parce que c'est Blaise, en fait. Mm-hmm. Et là, de nouveau, on a un épisode de bataille, puisque les Saxons sont toujours là. Ils se rassemblent sur la plaine de Salisbury, donc Salisbière, comme le dit le texte. Et il va de nouveau y avoir une bataille dans laquelle, en fait, là, c'est Pendragon qui va trouver la mort, mais le signe du dragon va finalement prédire la victoire pour les Bretons. Et donc, Uther, à la mort de Pendragon, prend son nom, ajoute son nom au sien en montant sur le trône et devient Uther Pendragon. Je trouve ça assez intéressant parce que Merlin leur fait une harangue au départ où il leur dit « Oui, il faut que vous sachiez que dans cette bataille, l'un de vous va trouver la mort. » Mais il ne veut pas dire directement lequel. Il dit juste « L'un de vous va trouver la mort, mais l'autre devra lui faire la plus belle sépulture qu'on n'a jamais vue. » En fait, ça va être Stone Age. Mais l'un de vous quittera le monde et je vous promets de vous aider tant que mon œuvre restera visible, tant que durera la chrétienté. Veillez donc à vous conduire en homme de bien. Donc il les admonesse, il leur dit faites le bien parce qu'un de vous va trouver la mort. Puis on se dit il leur dit pas lequel va mourir pour que les deux soient disons graves dans cette heure grave. Et puis juste avant la bataille, il prend Uther à part, il dit en fait c'est pas toi qui va mourir. Et du coup Uther est content, même si indirectement ça annonce la mort de son frère. Il faut dire aussi que juste après ça, juste avant la bataille, Merlin retourne chez Blaise. Donc en fait l'implication c'est que Merlin de toute façon il n'a pas besoin d'aller voir la bataille puisqu'il peut revenir chez Blaise et lui dire ce qui va se passer exactement. Non c'est ça. Et il lui dit justement vous verrez un dragon vermeil se mouvoir dans les airs et voler entre ciel et terre. Donc on aurait pu penser que ce serait une bannière ou comme ça. Non c'est un signe, un dragon qui va surgir et effectivement un énorme dragon vermeil donc rouge crachant du feu et des flammes par sa gueule et ses naseaux à ce qu'il semblait à tous les combattants. Les Saxons en furent bouleversés et terrifiés et puis Pendragon et tout en profite pour attaquer leur désarroi. Donc, après le couronnement d'Uther, Merlin intervient afin de révéler le dragon. Il dit que ça signifiait la mort de Pendragon et le sens de cette bataille. Uther se fait appeler Uther Pendragon. Et il dit « Ne fera donc rien de plus pour ton frère, Pendragon, qui gît dans la plaine de Salisbury. » Uther dit « Mais qu'attends-tu de moi ?»« Eh bien, tu as juré de te conformer à tes souhaits, donc on va faire une jolie tombe. » Et donc, on va aller en Irlande chercher les pierres de ce qu'on appelle ces pierres prodigieuses. Il l'appelle des pierres prodigieuses qui ne peuvent pas être déplacées, même si tous les hommes du monde entier se réunissaient pour les bouger, en fait. Et c'est des pierres colossales qui sont longues et larges. Et les hommes, eux, se disent non, on n'arrivera jamais à les mettre sur notre bateau pour traverser la mer et construire cette sépulture. Et là, c'est intéressant, c'est que Merlin, on nous dit que Merlin va utiliser sa magie. C'est une petite différence avec l'histoire agro-métanée qui n'implique pas nécessairement l'usage de magie. Alors, en fait. Je pense que le texte est de nouveau. C'est-à-dire que l'histoire agro-métanée parle de machinationem, donc des machinations, des artefacts. Il y a l'idée que Merlin est le seul qui a le savoir-faire pour les déplacer. C'est-à-dire que les gens, ils ont des poulies et des cordes et des machins, mais Merlin, il a les machinationem qui lui permettent de faire ça. Ça sous-entend quand même de la magie. Là, le texte français parle à force d'art. Et donc. L'art ici, c'est clairement la magie. C'est ce que, en anglais, on parle encore beaucoup de the craft. Même les sorciers, les apprentis sorciers aujourd'hui adorent parler de the craft, de l'art avec un grand A. En français, ça s'est un peu perdu, mais là, c'est clairement, je veux dire, c'est pas forcément explicite, mais c'est clairement le sens que ce terme a dans ce contexte, quoi. Et c'est là qu'il va se mettre, en fait, après avoir mis ses pierres, il va se mettre entièrement au service d'Uther Pendragon. Et là, il va décider de demander à Pendragon de faire un bon ouvrage. Il va lui rappeler, comme dans... Là, on revient dans le côté un peu moral de l'histoire du Graal, en fait. L'histoire de la scène, l'histoire de de Joseph d'Arimathie, le vase qui sépare les bons des méchants, donc c'est le Graal, la place vide autour de la table, et il va lui demander en fait de créer une deuxième table pour symboliser en fait le lien des trois tables, la table de la Seine, la table de Joseph d'Arimathie, et cette table qui sera la cour du Terre, qui sera les trois tables qui signifieront la Trinité. Et donc il y aura du coup table de la Seine, table du Graal avec Joseph d'Arimathie, puis donc troisième table, la table ronde. Et il l'a fait faire à Carduel, au Pays de Galles, donc. Hein. Donc on est de nouveau dans ces royaumes arthuriens assez classiques, et il organise une Pentecôte, et demande à ses meilleurs chevaliers de s'agir à sa table. Il désigne 50 en fait chevaliers, et ils mangent leur pas du Graal. Et il y a une grande fête, on est dans finalement ce thème assez classique. Et là, il y a une place qui n'est toujours pas occupée. Il y a aussi le sous-entendu que Merlin est peut-être mort. Oui, c'est-à-dire qu'on dit on n'a pas de nouvelles de Merlin, et puis peut-être il est dans la forêt, mais personne ne sait où il est, et puis de toute façon, même si on voulait lui demander son avis, on ne sait pas trop. Donc on sous-entend même que Merlin serait décédé, donc il n'y a plus besoin de se soucier de son avis. Et donc il y a un homme riche qui décide, c'est à la Pentecôte suivante en fait, décide, non, cette fois-ci c'est moi qui m'assieds sur le trône, enfin sur ce trône. Il y a un homme très riche à la Pentecôte suivante qui décide, non, s'il y a un seul homme d'un grand lignage, s'il y a un seul homme qui peut s'asseoir sur ce siège vide, c'est moi. Et quand il s'assied, il fond comme un morceau de plomb. Voilà, c'est très Indiana Jones, en fait. Il disparaît sous les yeux de tous sans que personne ne sût ce qu'il était devenu. Et la cour est très agitée par le prodige. Et tout le monde avait dit, se réalise maintenant que Merlin avait bien dit. Et le roi lui dit, non, mais ils ont fait trop pression sur moi. Merlin avait bien dit qu'on ne devrait jamais laisser ça arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y a des pulsions suicidaires qui traversent la cour d'Uther Pendragon, parce qu'on raconte que quand on a vu ce qui s'était produit, tout le monde veut essayer de s'asseoir. Alors Uther Pendragon ordonne aux chevaliers de tous se lever pour qu'on sache pas où est le siège périlleux. Ce qui est pas une super bonne stratégie non plus, parce que du coup, oui, alors, il faut pas que... d'autres gens risqueraient de fondre comme du plomb en s'asseyant par accident dessus. Donc le roi essaie de justifier justement. Et 15 jours après, Merlin retourne à la cour et lui reproche ces actions-là. Et là, Merlin ordonne au roi, plutôt que de faire des bêtises avec ce siège, organise des grandes fêtes, des belles demeures, fait des fêtes annuelles chaque année. Instaure en fait cette espèce de cycle des saisons qui va après se retrouver chez Chrétien, enfin qui va avant se retrouver chez Chrétien de Troyes avec la fête à Noël, la fête à Pentecôte, la fête à Pâques, la Toussaint aussi, des grandes fêtes. Et c'est pendant ce cycle de grandes fêtes, une fois à Carduel, qu'il va rencontrer la femme du duc de Tintagel, Igerne. Et donc, je pense que c'est une histoire qu'on connaît déjà, qui est déjà dans l'histoire de Gombrindanier. Là, elle change très peu. Elle est beaucoup plus allongée, en fait. Vous avez beaucoup plus de pourparlers, de discours. Et je pense que c'est montré d'une manière qui, moralement, est très légèrement différente. Il y a clairement plus une idée de culpabilité et du fait que c'est pas une action qui est acceptable de la part que ce soit de la part de Merlin ou d'Uther. Et il y a la vertu d'Igerne qui est pas mise en cause. C'est-à-dire que de la même manière que la mère de Merlin dans l'histoire de Gombrindanier était enthousiaste, elle couchait avec son incube parce que c'était un compagnon qu'elle trouvait sympathique et beau, etc. Et là, par contre, c'est une vierge pure qui a juste un moment d'inattention et qui est violée par un démon. Là, de la même manière, on fait d'Igerne une femme parfaitement fidèle qui résiste à toutes les tentatives d'Uther de la séduire. Et Uther doit recourir à des stratagèmes de plus en plus hypocrites pour essayer de l'approcher. Typiquement, il veut lui offrir des cadeaux. Elle s'en rend vite compte, elle les refuse, elle dit non, je peux pas accepter. Alors Uther, il dit, je vais offrir des cadeaux à toutes les femmes de mes barons, de mes sujets. Comme ça, elle pourra pas refuser, parce que si j'en offre à tout le monde. Et du coup, c'est de plus en plus spécieux la façon qu'Uther a d'approcher. Et il utilise un certain Ulfin, qui est un de ses subordonnés qui l'aide beaucoup comme entremetteur. Et Ulfin vient dire, vous savez, madame Igerne, vous avez le cœur du roi. Et Igerne dit, mais pourquoi vous me dites ça? Vous me dites ça, ça m'intéresse pas, je veux pas le savoir. Que penserait mon mari? Et du coup, Igerne, elle en parle. Un soir, le duc de Tintagel trouve sa femme qui pleure. Elle lui dit, en fait, le roi Uther me convoite. Alors le duc dit, ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs, Igerne disait, c'est vachement hypocrite que le roi honore mon mari, parce que Uther honorait le duc de Tintagel juste parce qu'il m'aime. C'est très hypocrite, ça se fait pas. Donc pendant la nuit, le duc de Tintagel dit à toutes ses troupes, partons sans faire de bruit, sans que personne nous voie. Ce que Uther prend comme un affront et qu'il utilise comme prétexte pour déclencher une guerre. Il y a un défi, un envoi d'ultimatum, un défi, et le duc, en fait, laisse sa femme à Tintagel avec 10 chevaliers pour garder et va à la guerre contre le roi. Et donc, il va y avoir une bataille, il va y avoir un siège et une longue résistance. Et pendant ce temps, le roi désespéré parce qu'il ne peut pas voir Ygerne, du coup. Il pense même qu'il va mourir. Il est là, oh non, je me meurs d'amour pour Ygerne, je suis persuadé qu'il me faudra en mourir car je n'ai perdu la soif, l'appétit, le sommeil et tout le repos nécessaire à un homme. Et Ulfin lui dit, Ulfin qui est son valet, justement un peu le sganarelle, le valet un peu confident qui va jouer les entremetteurs, lui dit, vous avez vraiment le cœur d'un lâche, vous qui imaginez mourir par amour d'une femme, je vous donne cependant mon conseil, faites appeler Merlin et demandez-lui, disons, de faire votre sale besogne. Et Ulfin va donc chercher Merlin. Il rencontre un inconnu, puis il se fait, est-ce que vous savez où Merlin? Ah oui, je sais, peut-être où est Merlin, hein, mais qui sait qui est... ouais, puis, bien sûr, c'est Merlin qui lui apparaît sous ce déguisement. De nouveau, donc, d'abord c'est un vieillard, ensuite c'est un bossu. Bref, il y a de nouveau toute l'histoire des déguisements de Merlin. Bah, à chaque fois que Merlin discute avec les rois, il doit faire des espèces de scénarios d'espions avec trois couches d'intermédiaires qui sont à chaque fois lui-même, qui discutent et qui échangent et qui font des allers-retours avant de rencontrer vraiment les rois. Et Merlin va mettre un plan au point. Il va donner à lui-même et à Ulfin l'apparence de deux chevaliers très fidèles, Bretel et Jourdain, qui sont des chevaliers de Tintagel. Et il va donner au roi lui-même l'apparence du duc. Et ils vont donc pouvoir rentrer. Et l'histoire du viol en fait d'Ygerne par Uther sous l'apparence du duc. Merlin avant ça veut quand même des garanties. Il fait jurer à Uther sur le livre. Alors ça pourrait, c'est pas explicite, mais clairement c'est sur la Bible, sur le livre. Il jura que Merlin lui avait demandé de lui donner de bon cœur ce qu'il exigerait de lui. C'est-à-dire que Merlin se donne une espèce de blanc-seing dans le futur. Il dit en échange de ça, je pourrais exiger quelque chose de toi, Uther. Il exigera en fait l'issue de cette conception, c'est-à-dire Arthur. Pendant qu'il est avec Ygerne, le duc est tué dans un assaut par la piétaille. Donc c'est assez déshonorant en fait, le duc est tué, non pas capturé comme ça se fait régulièrement, mais vraiment... C'est presque par erreur, parce que ça veut dire qu'ils l'ont pas reconnu et puis ils l'ont juste... Alors que normalement il aurait dû être capturé, voilà. Et là, ça attriste le roi qui est un peu hypocrite peut-être là, triste quand même, bien pratique mais triste. Il y a toujours le thème, je trouve, il y a toujours le thème ici des apparences, c'est-à-dire qu'on a Uther qui a l'apparence du duc et qui du coup abuse d'Ygerne, et de l'autre côté on a le duc qui n'est pas reconnu par les soldats et qui se fait tuer. Donc on a de nouveau une espèce de jeu sur la question des apparences. Il y a aussi, je pense, une reconnaissance quand même assez forte. Bon, après la mort du duc de Tintagel, il y a des énormes pourparlers de paix qui prennent extrêmement longtemps, et Ulfin s'illustre dedans en proposant des choses très audacieuses, notamment, ils vont proposer que, comme réparation, Uther pourrait marier Ygerne, ce qui est drôlement pratique. Et les proches d'Ygerne disent « Ah, ce serait une très bonne réparation, et puis on pourrait marier la fille du duc de Tintagel et d'Ygerne à Lot de Lothian, qui engendrera donc Gauvain, Agravain, etc. » Qui est un allié d'Uther, lui. Hein. Qui est un allié d'Uther. Et les alliés du couple ducal disent oh, « c'est très bien, c'est, de deux mots, il faut choisir le moindre, il faut se raisonner. » Et donc, c'est assez tragique parce que Ygerne a profondément résisté jusque-là, mais à partir de la naissance d'Arthur, en fait, elle va complètement disparaître du récit, quoi. Elle va... Il y a quand même vers sa conception la naissance d'Arthur. Il y a la naissance d'Arthur, et elle se confie à Uther, et elle dit « Vous savez, parce que justement, elle s'est mariée avec Uther un peu plus tard, donc la conception colle pas, ça peut pas être le fils d'Uther qui est né 9 mois après. » Et elle lui dit « Vous savez, j'ai eu la visite d'un homme qui ressemblait à mon mari, mais c'était pas lui parce qu'il était mort. » Donc du coup, il y a l'histoire de... Comme la conception de Merlin, en fait. Comme finalement. La conception de Merlin. Il mentionne elle mentionne plus ou moins explicitement qu'elle pourrait renier l'enfant parce qu'elle se dira « Ah, mais c'est un démon qui m'a... Il y a un parallèle très clair avec la naissance de Merlin où on se dit peut-être que cet être qui avait l'apparence de mon mari, en fait, c'était un démon. Et Merlin dit bien à Uther de pas dire que c'était lui, en fait, parce que comme ça, elle sera beaucoup moins... Si disait que c'était lui, c'est un enfant légitime à ce moment-là, même s'il n'avait pas été conçu de façon très légitime, ouais. Il est au final légitimé par le mariage de ses parents. Mais si elle ne sait pas que c'est Uther qui l'a conçu, elle sera beaucoup plus encline à le laisser à Merlin. Et Uther, lui, s'en fiche, c'est son héritier, mais non, rien à fiche, il va le laisser à Merlin. Et donc Merlin l'amène dans une famille, la famille d'un certain Antor, qui est un bon chevalier apparemment très fidèle, et il lui dit, il faudrait que tu t'as eu un gosse, il faudrait que tu donnes ton gosse à une nourrice, et puis que tu donnes le lait de ta femme à l'enfant que je te donne là, qui est Arthur. Et il y a cette idée que l'enfant qui va être privé du lait de sa mère, il est privé de, disons, le nourrissement nécessaire pour parvenir à son épanouissement, et que du coup il va devenir qui est très méchant, et puis qui est un peu bête et un peu vicieux, et qui a pas un très bon caractère, et que ça c'est à cause de ça, et ça va légitimer plus tard, expliquer pourquoi Arthur reste attaché à queue à cause de cette... Parce qu'il sait que Queu est bête et méchant et est un mauvais chevalier. À cause de lui, en fait. À cause de lui, parce que c'est comme ça qu'Arthur ait pu devenir un bon chevalier, bien éduqué, etc. Et donc, du coup, bah, par responsabilité personnelle, il doit garder Queu auprès de lui, même si Queu fait les pires atrocités. On vous l'avait mentionné brièvement dans le dernier épisode, la raison, voilà, c'est la fameuse raison pour laquelle... un emploi vraiment inamovible à la cour d'Arthur. Mais la reine fond quand même en larmes quand son enfant lui est enlevé, parce que bon, on dit que l'enfant a été remis à un vieil homme, c'est-à-dire que Uther avait dit à la dame, bon, quand il est né, vous le donnez à, il y a un type qui attendra dans le couloir, vous lui donnerez le gosse et puis ça sera expédié. Elle est quand même triste, Igerne, sauf qu'elle va, bah, elle va disparaître du récit. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'enfant est remis à Antor par un vieillard qui est clairement Merlin. Comment souhaitez-vous qu'il s'appelle? Et Merlin lui répond, si tu veux le baptiser selon mes vœux et mes conseils, il se nommera Arthur, Artus. Donc Merlin est presque plus une figure paternelle pour Arthur que Uther, parce que c'est même lui qui choisit son nom, en fait, dans ce récit-là. Et c'est là qu'on va avoir finalement un peu la clé du récit. On va apprendre qu'Igerne est décédé, en fait, juste après ça. Après avoir remis l'enfant à Antor, et à moitié, Merlin va exhorter Uther, en fait, à avoir une bonne fin. Parce que maintenant, il a fini, en fait, Uther a rempli son utilité, en fait, pour Merlin. Il y a une notion, il y a presque une notion que Uther, qui est malade à ce moment-là, qui va tomber malade, qui va être au seuil de la mort, qui est très affaibli, a rempli les buts de Merlin, et que Merlin, du coup, maintenant, va pouvoir passer à Arthur. L'idée, c'est donc que Uther est atteint de la goutte, donc qu'il incapacite, qu'il handicape. Et donc, généralement, comme d'habitude, l'handicapement du roi est associé à une perte de son autorité et à des défaites contre les Saxons. Et donc Merlin lui dit « Fais-toi porter sur une civière pour, disons, redonner le moral à tes troupes. » Et donc Uther se fait porter, il remporte quelques victoires et aussi, il devient très, très généreux et il donne un peu tout ce qu'il possède à ses sujets afin de finir bien, en fait, d'avoir une fin honorable. Il donne toutes ses richesses aux gens et il est manifestement en train de mourir. Donc Merlin arrive et dit « Oh, le roi que vous aimez tant est mort !» Puis j'en sais là, non, mais il n'est pas techniquement mort. » Puis il dit « Mais oui, il est mort, il n'a pas soufflé mot depuis 3 jours, il ne parlera plus jamais. » Et ils disent « Non, mais c'est pas possible, il va se remettre, c'est juste passager. » Merlin dit « Je peux peut-être le faire parler, il va peut-être prononcer encore quelques mots maintenant que je suis là. » Et il lui dit « Tu as fait une très belle fin, ta conscience est conforme aux apparences. » Donc là, on a de nouveau le thème de se mettre en accord avec... Il faut pas juste être vertueux, il faut pas juste avoir l'apparence de la vertu, il faut que sa conscience soit en accord avec la vertu. Donc le thème des apparences qui traverse beaucoup celui du Merlin. Et donc, je t'assure que ton fils régnera sur ce royaume après toi par la grâce de Jésus-Christ et qu'il permettra l'achèvement des aventures de la table ronde que tu as fondée. Il y a cette idée qu'Uther était imparfait, incomplet, et que ce sera achevé par Arthur, que c'est son fils vraiment qui va parachever ce qu'il a commencé. Et du coup, quand le roi entend ça, quand Uther entend ça, il dit « Au nom de Dieu, demande-lui de prier Jésus-Christ pour moi. Voilà ce que vous pensiez pas entendre un jour », proclame Merlin à l'assistance, et puis voilà, le roi décède comme ça. Le royaume est privé d'héritier, et les gens disent « Bon, Merlin, est-ce que tu pourrais nous arranger un truc ?» Parce qu'on sait pas trop qui pourrait hériter, ce qui laisse entendre que Uther et Igerne n'avaient pas eu d'enfants après Arthur. Merlin dit « J'ai effectivement beaucoup aimé ce royaume et ses habitants, j'ai une espèce d'affection pour, et je peux peut-être vous bricoler quelque chose pour vous trouver un successeur. » Donc, le roi est mort durant la quinzaine de la Saint-Martin, Noël approche, venez tous dans la cathédrale, devant la cathédrale de Londres à Noël, réunissons-nous tous là-bas, et puis je pense que quelque chose va se produire. Vient Noël, juste avant, à la Toussaint, Antor avait adoubé son fils Queu, et la veille de Noël, tous les membres du clergé, tous les barons, tous les gens de valeur sont réunis devant la cathédrale. Ils se comportent avec humilité, ils assistent à la messe de minuit, et après un sermon, on voit apparaître, quand le jour s'est levé, un bloc de pierre, juste devant l'église. Au milieu de ce bloc, tout qui a l'air à peu près carré, se trouvait une enclume de fer, mesurant au moins un demi-pied de hauteur, et au centre de cette enclume était fichée une épée qui s'enfonçait jusqu'à la pierre. Donc un bloc de pierre, sur la pierre, il y a une enclume, dans l'enclume, il y a une épée. La notion que l'enclume fait partie de l'épée dans le rocher, en fait, est présente déjà là. Donc, c'est la première apparition de ce thème tel quel dans la littérature arthurienne. Ouais. Et il y a déjà l'enclume. Donc, les gens qui disent « Ah, mais l'enclume, c'est une... » Non, non. L'épée n'est pas dans le rocher à la base. L'épée n'est pas dans le rocher. Enfin, elle est dans le rocher parce qu'elle traverse l'enclume. Parce qu'elle traverse l'enclume. Ce spectacle frappe de stupeur les gens. Il y a l'archevêque de Brise qui sort. Bon, c'est pas dans tous les manuscrits. C'est dans les manuscrits qui sont rattachés au Lancelot Graal. Sinon, on parle juste de l'archevêque de l'Ogre, je crois. Il prend de l'eau bénite, il l'asperge avec de l'eau bénite, au cas où, hein, on sait jamais, voilà. Et il regarde, et sur la pierre, il y a des lettres d'or qu'il déchiffre, et ces lettres disaient que celui qui ôterait l'épée serait le roi du pays selon l'élection de Jésus-Christ. Donc, élu par Jésus-Christ, serait la personne qui sortirait l'épée. C'est pas écrit sur l'épée d'ailleurs, c'est écrit sur la pierre. Et donc, il me dit, maintenant c'est anybody's game, tout le monde peut essayer de sortir l'épée du rocher, on va commencer par les nobles, mais c'est pas la richesse ou le lignage ou les honneurs mondains qui vont vous garantir cette victoire, ce sera vraiment l'élection divine. Et du coup, tout le monde essaye, ça marche pas, on confie l'épée à 10 hommes pour garder l'épée et pour être sûr qu'on voie qui la sort si quelqu'un la sort. Sauf que après ça, tout le monde commence à s'ennuyer, les chevaliers s'ennuient, et puis il y a un tournoi qui émerge aux portes de la ville, donc les gens font des tournois quand ils s'ennuient, et puis ils dégénèrent en mêlée générale. Donc tout le monde commence à se jeter dans la mêlée, avec ou sans bouclier, et que le fils d'Antor, qui avait été adoubé avant la Toussaint, interpelle son frère Arthur, qui a priori est quand même le frère cadet, ou qui n'a pas encore été adoubé, ou qui a pas le même statut que lui. Ah, il semblerait quand même que, si on suit la narration, que est plus âgé en fait qu'Arthur, oui. Mais au moment où Arthur est amené à Antor, je crois que c'est soit la femme vient d'accoucher, la femme d'Antor vient d'accoucher, ou elle est elle va juste accoucher. Donc il a un statut plus élevé, mais on n'est pas sûr s'il est exactement plus âgé. Et il lui dit, va me chercher mon épée dans notre demeure. Alors Arthur il va, il se rend au logis, il cherche l'épée, mais il parvient pas à la trouver. La dame de la maison les avait rangés dans ses appartements avant de partir assister à la mêlée avec les autres, donc il les trouve pas. Quand il vit l'inutilité de ses recherches, il verse des larmes, donc il est désespéré. Et puis il passe devant l'église et il voit l'épée et il se dit « Ah mais j'ai pas essayé. Peut-être que voudra bien cette épée. » Donc il y a déjà ce motif-là qu'on va retrouver en fait jusqu'à aujourd'hui, qui est dans le Mortet d'Arthur, ce motif de Arthur qui prend l'épée un peu parce qu'il cherche une épée, pas parce qu'il veut la royauté, pas parce qu'il veut essayer d'être roi, mais parce que son frère lui a demandé une épée et que lui il veut juste rendre service. Il prend l'épée, il la cache sur son manteau, il l'amène à queue. Queue prend l'épée et fait « Mais c'est pas mon épée, où est-ce que tu l'as trouvée ?»« Je l'ai prise sur le perron. » Et il dit « Papa, je suis roi d'Angleterre !» Queue essaye instantanément de prétendre qu'il a réussi à sortir l'épée, et son père ne le croit pas, il lui dit « Non mais queue, où est-ce que tu as trouvé cette épée ?» Il dit « Bon, c'est Arthur qui l'a prise. » Et c'est là que Antor dit à Arthur « Eh bien, si je pouvais m'employer à ce que vous deveniez roi, quel bénéfice en tirerais-je ? » Donc il est aussi très intéressé apparemment par ce que Arthur va faire s'il devient roi. Et le Seigneur lui dit « Je ne puis avoir cet honneur ou un autre sans qu'il ne vous revienne, puisque vous êtes mon père. » Donc il dit basiquement « Mais je ne peux pas être roi parce que vous devriez être roi avant moi si vous êtes mon père. Enfin, vous êtes encore... Je ne peux pas prendre le trône si je suis fils de... » Enfin, il dit basiquement « Si je suis roi, vous seriez roi aussi. » Puis il dit « Mais non, je ne suis pas ton père. Je suis ton père adoptif, mais je ne sais pas qui t'a engendré. » Arthur est un peu choqué par cette nouvelle. Quel bien pourrais-je bien donc espérer, moi qui suis privé de père ? Et dit, vous n'avez pas été sans père, il faut bien que vous en ayez eu un. Enfin, ce qui est ironique, étant donné qu'on a un personnage qui a techniquement pas de père, c'est Merlin, enfin son père c'est un incube. Et c'est là qu'il va expliquer en fait à Arthur qu'il a commis un acte assez déshonorant pour sauver Arthur, enfin pour éduquer Arthur, puisqu'il l'a nourri au lait de la mère de queue, et qu'il a sevré queue à sa place. Et que c'est pour ça qu'il est un peu. Voilà. Que queue est un peu bizarre. Et du coup, il lui fait promettre que queue sera toujours son sénéchal pour compenser ça, en fait, comme paiement. Même s'il manque de sagesse ou de loyauté, ou que vous devez souffrir à cause de ses défauts, et sa tournure d'esprit, sa tournure d'esprit provient uniquement de la femme de peu qu'il a allaitée. Il y a quand même cette idée que, justement, il y a une notion, enfin, un peu un débat nature-nurture en anglais, dans l'idée que. Que le développement de queue a été freiné par le fait qu'il n'a pas eu le bon cadre pour s'épanouir parce qu'il a été donné à Arthur. Et je pense aussi, il faut noter, c'est un acte déshonorant, donc il dit c'est la honte qu'il avait faite pour lui, mais c'est que, je crois, dans le manuscrit... Que utilise Fugue-Pierreville, en fait. C'est que dans le manuscrit à prime, partout ailleurs, c'est pas honte, c'est bonté. Donc de H à B, c'est une très petite différence. Mais dans la plupart des autres manuscrits, ça a été compris comme un acte de bonté fait envers Arthur, tandis que là, on parle de honte, parce qu'effectivement, c'est vrai, un enfant, c'est pas très gentil. Et Arthur accepte donc devenir roi. L'archevêque chante le Te Deum Laudamus, on le porte à l'église. Tout le monde est content, sauf les barons. Les barons disent non, mais on va pas nommer un gamin comme ça sans expérience roi. Ça aurait été assez simple de que Merlin débarque et dise oui, mais c'est le fils du terre. Puis là, ça aurait peut-être facilité les choses, mais non. Ce qui va se passer, c'est qu'Arthur va remettre l'épée. Donc le motif de remettre l'épée dans la pierre qu'on trouve notamment par exemple dans Camelot, c'est quelque chose qu'on a déjà dans la première apparition du motif de l'épée en fait. On l'a peut-être pas assez incité, mais c'est là que ce motif de celui qui arrive à sortir l'épée du rocher, bon là c'est une enclume, c'est là que ça apparaît. Et il le remet dans l'épée et dit bon ben on va appeler d'autres gens et puis on va voir s'ils arrivent à la sortir et puis après si personne arrive on acceptera. Et donc il repousse de fête en fête le sacre. Donc d'abord à la Chandeleur, puis après à Pâques, puis après à la Pentecôte. Et au final il faut noter qu'il est déjà roi en fait techniquement. Il est reconnu comme roi, il peut nommer que sénéchal, il est le chef, mais c'est juste que le sacre officiel est repoussé au fur et à mesure. Et en fait, ils repoussent de plusieurs fêtes jusqu'à ce que finalement, ils atteignent, je crois, c'est la Pentecôte. Mmh. Et à la Pentecôte, là... Ils sont jusqu'à la Pentecôte. L'ensemble des barons se réunit. Ils essayent tous encore. L'archevêque avait préparé la couronne et le sacre. Et voilà, quand ce fut fait... Allez, l'archevêque est prêt à chanter la messe et il dit « Arthur, allez chercher l'épée de justice dont vous devez protéger la Sainte Église et garder la chrétienté de votre mieux par tous les moyens. » Et Arthur lui dit « Si tu es tel que tu acceptes de jurer solennellement sur Dieu, sur Madame Sainte Marie, sur tous les saints et les saintes et sur la Sainte Église, de sauver et maintenir la paix et la loyauté sur la terre, d'aider les personnes en difficulté, de guider de ton mieux toutes celles et tous ceux qui sont égarés, de préserver le droit et la probité, de garantir une justice équitable, alors avance-toi et prends l'épée que Dieu t'a désignée. » Arthur est en train de pleurer d'émotion, bien sûr. Et aussi vrai que Dieu est le Seigneur du monde, qu'il me donne la force et le pouvoir de bien agir et de sauvegarder ce que vous m'avez dit, j'en ai tout ce que j'ai entendu, tout autant que j'en ai le désir. Il prend l'épée, il reçoit l'onction, on fait tout ce qui est nécessaire au sacre royal. Et après la messe, on dit « Ainsi Arthur fut élu roi, et pendant longtemps il tint la terre et le royaume de l'ogre en paix. » Ce qui conclut donc ce qu'on appelle techniquement le Merlin en prose, c'est le couronnement d'Arthur. Il va y avoir des suites. Donc la Vulgate, le Lancelot Graal a ce qu'on appelle la suite Vulgate. Ce qui est peut-être la post-Vulgate a ce qu'on appelle la suite du Merlin, ce qui n'est pas du tout confusant, hein, c'est très pratique. La suite post-Vulgate du Merlin, suivant qui vous demandez. Ça s'appelle juste la suite du Merlin. La Merlin Hut, c'est la suite post-Vulgate, hein, on est d'accord. Voilà. Donc dans ceci, en fait, c'est là qu'on va voir vraiment les interactions entre Merlin et Arthur Jeune, qui sont un peu occultées ici. Et dans le manuscrit de Modène aussi, du cycle de Robert de Boron, on a un petit intermède entre le Merlin et le Perceval, où Merlin récapitule un peu l'histoire à Arthur, en fait. Il vient le coacher un petit peu au début de son règne, et où ça permet de faire un peu la transition, parce que là, de nouveau, Merlin n'a pas tant de rapport avec Arthur. Il préside à sa conception, il le nomme. Mais il n'est pas vraiment en train de l'épauler tout au long de son règne. D'ailleurs, on ne voit pas son règne. Ça se finit avec son couronnement. Il n'y a pas encore cette idée vraiment de Merlin dans les coulisses du règne d'Arthur. Là, il épaule vraiment son père et son oncle, Pendragon et Uther. Et c'est dans la version justement du manuscrit de Modène, il va revenir expliquer à Arthur qui sont ses parents, et il va aussi expliquer à la fois à Arthur, mais aussi à Queux et à Gauvin, que toute l'histoire, en fait, tout ce qui va se passer, il va leur raconter l'histoire de la table ronde, il va leur raconter l'histoire du Graal, de l'histoire qui est narrée en fait dans le roman L'histoire du Graal, enfin dans Joseph d'Arimathie du manuscrit de Modène. Et en fait, ça va servir évidemment à la transition vers le Perceval en prose du manuscrit de Modène. Je pense qu'on peut juste dire un mot justement sur tout ces renvois. Ce qui fait vraiment que c'est un cycle, c'est ces renvois perpétuels d'une œuvre à l'autre. Dans le Joseph, on annonce peut-être un peu la suite, mais pas vraiment, parce que voilà. Dans le Merlin, on fait référence au Joseph et on annonce la suite avec le siège vide notamment. Dans le Perceval, on fait référence aux deux précédents. C'est vraiment les renvois des uns aux autres qui créent vraiment ce qu'on appelle un cycle, parce qu'on a l'impression qu'ils ont été en tout cas édités pour cadrer ensemble, pour faire un tout, alors que vous n'avez pas ça, par exemple, dans les romances de Chrétien, vous n'avez pas ça dans l'Histoire Regum Britanniae et la Vita Merlini, vous avez des rapports, mais ils n'ont clairement pas été envisagés comme un tout. Là, c'est vraiment cyclique. Et ce cycle, en fait, trouve sa fin, on vous l'a brièvement mentionné, mais on ne l'a pas décrit en détail, dans le Perceval, en tout cas pour ce qui est de la version du premier cycle, le cycle qu'on dit de Robert de Boron, entre guillemets, c'est ce cycle qui est illustré avec le Perceval en prose dans le manuscrit de Modène et le manuscrit d'Ido. Le Perceval en prose, après la fin de la quête du Graal, se conclut en fait par la fin de ce temps aventureux, et de nouveau un texte tiré là de l'Historia Regum Britanniae, mais d'une façon un peu plus romancée. Cette mort Arthur, donc, qui va intervenir à la fin du Perceval en prose, on va ajouter quelques détails à l'histoire telle que l'a relaté Geoffrey, mais dans l'ensemble, on est vraiment dans cette même histoire, avec une conquête de l'Europe par Arthur, qui est en conflit avec Rome, et une trahison de Mordred qui va pousser Arthur à revenir en Bretagne pour finalement trouver la mort contre Mordred. Et c'est là que se fait la prophétie qu'il reviendra un jour après être occulté en Avalon. Ça commence de nouveau donc avec une, disons, une invasion de la France. Sauf que contrairement à l'histoire gomitanienne où cette invasion est motivée par, disons, un défi, si on veut, de Rome, où Lucius, le consul, donc, demande le tribut à Arthur, là, la conquête, en fait, de la France, enfin, de la Normandie d'abord, se fait parce que Arthur est un peu, c'est un peu dommage qu'il soit limité à la Bretagne. Le temps aventure est fini, il y a des tas d'aventures. Les barons veulent un peu plus d'aventures. Et on se dit, c'est quand même dommage. Il y a eu 3 rois de Bretagne qui ont été aussi rois de France, empereur de Rome. Et Merlin a prophétisé que tu le serais aussi. Donc il faudrait vraiment qu'on aille conquérir la Normandie. Ils leur promettent de porter sa couronne aussi loin que Jérusalem, en fait. Et avec une grande, grande armée, avec... Sir Gauvin, avec Kay, avec le roi Lot, ils vont aller conquérir le continent. Et dans son absence, il donne ses terres à la reine et à Mordred, qui est le frère de Gauvin. Donc, ils y vont, ils vont en Normandie, ils vont assez rapidement battre toutes les armées qui leur sont opposées. Ils vont battre le duc, qui va leur promettre d'être le vassal d'Arthur. Arthur va donner sa fille, la fille du duc de Normandie, en mariage à Gauvin. Le duc va être vassalisé par Arthur, et Arthur va marier sa fille, la fille du duc, à Kay, et ainsi que va faire aussi que héritier, en fait, du duc de Normandie. Ils vont entrer sur les terres du roi de France, et le roi de France, qui est nommé Floire, va rapidement mettre Arthur un peu en échec dans un premier temps, et va surtout le défier en combat singulier. Et les Bretons promettent que si le roi Arthur est tué dans ce combat, ils vont retourner à la maison et devenir les vassaux de Floire. Et l'inverse, eh bien évidemment, si Floire est tué, les Français vont donner tous les châteaux de France à Arthur et vont payer, vont lui rendre hommage, en fait. Il faut noter que le combat est présenté comme étant bien sûr inégal parce que Floire dépasse Arthur d'une bonne tête. Il est plus balèze que lui. Par contre, Arthur a de son côté son épée de bel acier Excalibur. Hein. Et il va du coup... affronter Floire, et donc de nouveau on a un combat qui est assez épique. Ils vont se battre, on en met beaucoup l'emphase effectivement sur les prouesses physiques de Floire, qui a l'air beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et Arthur en fait voit que son peuple est un peu effrayé, et du coup il est plein de honte parce que comment ça se fait, je peux pas les laisser élever comme ça, et du coup il va réussir finalement avec encouragé par l'idée qu'il ne peut pas laisser son peuple tomber, il va finalement battre à Floire, à plate couture, et va le tuer, en fait, et le décapiter. Très bon shonen. Et du coup, de nouveau, maintenant, c'est les Français qui sont pleins de tristesse, et ils vont réussir à prendre le pouvoir en France, et Gauvin va mener donc l'armée à... pour dire, maintenant, c'est Arthur, votre roi, ils se sont battus, il y a eu des témoins... il est légitimement roi de France aussi. Et les hommes les plus nobles de France vont se rendre à Arthur. Il faut dire aussi que dans ces aventures, Gauvin est accompagné par son père, en fait. Donc le père et Gauvin semblent former une équipe pendant que Mordret est de retour, est encore en Bretagne. Il y a un changement avec la tradition galfridienne, c'est que c'est pas une conquête qui normalement c'était une conquête qui se faisait d'un coup, c'est-à-dire que Arthur allait sur le continent et comme il y avait un défi de Rome dès le départ, il allait attaquer Rome directement. Donc il attaquait la France, il prenait la France, il prenait Rome, et c'est quand il était sur le point de prendre Rome contre les armées il est sur le point de saisir Rome qu'il apprend qu'il doit rentrer. Là, par contre, une fois qu'il a conquis la France, il est content, et puis il rentre chez lui pour célébrer. Mordred fait « Ah, mon oncle, vous êtes... » Voilà, il a fait nommer auparavant Gauvin et Bédivers, il leur a donné des territoires en France. Il revient, Gauvin est avec lui, en fait, hein, et le frère de Gauvin, Mordred, en tant que son oncle est retourné, il est très joyeux, il vient avec la reine et 50 chevaliers pour l'accueillir, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et à l'approche de la Saint-Jean, ils vont de nouveau faire une grande cour. Sauf qu'à cette cour, il y a 12 hommes qui sont aux cheveux blancs, habillés très richement et qui ont des 12 branches d'olivier dans leurs mains. Et ils vont très agressivement aller voir Arthur et ils vont lui expliquer qu'en fait, l'empereur de Rome et le pape et les sénateurs sont très en colère contre lui parce qu'il a annexé ce qui était territoire romain. qui était, il a tué le vassal de Rome, et que du coup, Rome a perdu un tribut. Voilà, c'est ça. Et que du coup, ils sont censés être tous, ils ont tous été esclaves de Jules César, et que du coup, ils ont toujours tribut de Rome, et qu'il devra payer à ses 12 sénateurs la même tribut que les Bretons payaient à César. Et Arthur, qui est rempli de honte, qui se dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Je parle bien français et pourtant je comprends pas ce que vous me dites. Il les invite à manger quand même. Et eux, ils refusent catégoriquement. On mangera pas à ta cour, même si tu menaces de couper nos mains. Il est très très en colère et il va demander à ses barons, à ses conseillers, la meilleure conduite à tenir. Et donc, du coup, il décide finalement de renvoyer la balle à Rome et d'aller conquérir Rome. Après un long passage où Lot explique pourquoi, comment Jules César a conquis la Bretagne. Je crois qu'il y a un passage aussi intéressant, c'est qu'il fait ce conseil de guerre devant une peinture du Choix de Paris, où on voit un espèce de motif classique qui est donc le... Une fresque qui raconte l'histoire de Paris dans la chambre du conseil de guerre d'Arthur. Qui donc le choix entre justement le différents types de pouvoir ou de succès dans la vie, voilà, on est en train de nous dire conquérir Rome, c'est pas plus mal, une espèce de renvoi classique là-dessus. Et Lot va raconter l'histoire de Brennus et Belin, qui est une histoire qui est tirée en fait de l'histoire de Montagnier, pour justifier la conquête. Et ils vont à nouveau rappeler cette prophétie de Merlin qui a dit qu'il sera roi de Bretagne, qu'il sera roi de France et qu'il sera empereur de Rome. Et donc du coup, il faut qu'on aille conquérir Rome. L'empereur, quand il a entendu la réponse d'Arthur, bien sûr, est enragé. Il invoque tous ses autres vassaux, dont notamment le roi d'Espagne, qui est un sarrasin. Évidemment, on est toujours dans cette même dynamique que dans l'histoire britannique où... Il y a déjà des musulmans. Voilà, il y a déjà des musulmans. Ils vont aller affronter l'empereur, qui lui-même, non content de s'allier avec des sarrasins, prend la fille du sultan pour femme. Et on nous dit, même si c'est une infidèle, même si elle était très belle, c'était quand même une infidèle, et puis les gens n'étaient pas très contents, donc l'empereur est clairement illégitime dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, et le peuple de Rome est en colère contre l'empereur. On dit bien que le peuple de Rome veut Arthur, quand même. Et là, ce qui est rigolo, c'est que le manuscrit de Modène précise bien que Blaise ne sait rien des détails, des opérations précises, parce que Merlin pensait pas nécessaire de lui mentionner ça. Donc on est de nouveau toujours dans cette optique que c'est Blaise qui écrit le texte que Merlin lui dicte, en fait. Alors il y a d'abord une ambassade qui est menée par Bédivère et Gauvin chez les Romains. Alors ça tourne mal, ils se mettent à buter des gens. Enfin, Bédivère tue le neveu de l'empereur, enfin Gauvin tue un neveu de l'empereur, Bédivère tue un des plus fidèles généraux de l'empereur. Et la guerre est déclarée complètement. Ils se battent tous en France, c'est toujours en France. Donc les armées sarrasines et romaines se battent contre les armées bretonnes en France. Alors il y a une grande bataille. Arthur tue l'empereur, Lot tue le sultan, le roi d'Espagne, le sultan est tué. Gauvin tue le sultan, et puis le roi du Danemark tue, qui est toujours allié à Arthur, tue l'autre général romain, et du coup, Rome est à la merci d'Arthur. Ils sont à Paris, ils s'apprêtent à marcher sur Rome pour aller couronner Arthur empereur. Sauf que là, des messagers arrivent et racontent ce qui s'est passé en Bretagne. Mordret a pris Guenièvre pour épouse et s'est retourné contre le roi. Gauvin et Lot sont très très on la honte, quoi, parce qu'ils sont leur fils et frère s'est rebellé, et tout le monde revient en Bretagne pour affronter Mordred qui s'est allié aux Saxons. C'est d'ailleurs la première fois qu'on a une tradition claire de la mort de Gauvin, où on dit que Gauvin est tué par un coup de rame d'un Saxon, en fait. Pendant le débarquement, il y a quelqu'un qui lui balance un coup d'aviron. Et alors qu'avant, on disait qu'il était tué par un Saxon, on disait qu'il était tué pendant le débarquement, mais on n'explicitait pas vraiment. Et c'est là qu'on a vraiment cette mort absurde de Gauvin, parce que son casque était délacé et qui est tragique. Le texte passe un petit moment à se lamenter sur le sort que ça a fait. Les gens pleurent, il y a des milliers de gens qui sont morts dans ce débarquement. Et Bédivère est aussi tué, Kay est aussi tué, Lot et Sagremor sont très tristes à la mort de Gauvin, ils sont aussi tués, et il fait enterrer tout le monde et se lance en bataille contre Mordred, d'abord à Winchester. À Winchester, il y a une grande bataille de nouveau, mais là les Saxons sont quasiment exterminés, et Mordred fuit en Irlande. Maintenant que Mordred est en Irlande, Arthur le poursuit en retour. Le roi saxon se bat que de nouveau contre Arthur, il y a encore des Saxons. Mordred est tué, le roi saxon qui l'avait défendu est aussi tué, et le roi Arthur est mortellement blessé. On ne nous dit pas beaucoup de détails, curieusement, là, il n'y a pas de duel entre Mordred et Arthur spécifiquement. Les détails sont vraiment là, c'est vraiment juste Arthur est mortellement blessé, traversé d'une lance et il dit qu'il sera amené à Avalon où ses blessures seront soignées par sa sœur Morgane. Et ainsi, Arthur est amené à Avalon où il dit, disant à ses hommes de l'attendre car il reviendrait en fait. Et les Bretons reviennent à Carduel et attendent 40 ans avant de nommer un nouveau roi parce qu'ils savent que Arthur est à Avalon et du coup ils disent bon, il peut retourner à n'importe quel moment, on va pas être trop précipité là, on va attendre qu'il revienne. Et pendant longtemps, on nous dit qu'ils vont garder cet espoir. Et depuis, nous dit le texte, certaines personnes l'ont vu chasser dans les forêts et ont entendu ses chiens. Et de nombreux Bretons ont vécu longtemps dans l'attente qu'il revienne. Donc on a cette espèce de motif de la chasse sauvage aussi, hein, qui voilà, est la Mesnil-Équin, donc des apparitions de chasseurs ou des armées dans les bois. Bah là, on a l'air de connecter ce truc folklorique qui est assez connu au Moyen-Âge européen à Arthur. Ce qui est effectivement, il y a des endroits où le protagoniste de ça peut être le roi Arthur, ça peut être Barberousse, ça peut être divers monarques. Et là, Merlin retourne chez Blaise, lui fait consigner les derniers détails de l'histoire. Et l'amène chez Perceval, qui est le roi pêcheur hein, à ce moment-là, lui raconte à Perceval ce qui s'est passé. Perceval pleure pour la mort d'Arthur. Et il laisse Blaise et Perceval au château du Graal. Et il dit qu'il va aller vivre de son côté, un peu justement comme un homme sauvage. Et il dit qu'il va aller vivre dans un endroit qu'il va appeler un esplumoir. Alors, on a dit que ce terme était un peu mystérieux, mais comme on l'a dit avant, c'est peut-être lié à cette tradition primitive galloise qu'on trouve aussi en Irlande, que l'homme sauvage, ben, il est très volatile et presque il a des plumes qui lui poussent dessus. C'est pas ce genre d'interprétation, je trouve très tiré par les cheveux, mais c'est vrai que là, le terme est énigmatique. Esplumoir, on a l'impression qu'effectivement, c'est un endroit où on perd des plumes, où on s'éplume, où on se déplume, si on veut. Et il n'est pas forcément expliqué par ailleurs. Il apparaît dans un autre texte, c'est dans Les Merveilles de Rigomère, je crois. C'est possible. Il y a un autre texte qui parle de l'esplumoir Merlin, mais qui explicite pas non plus. Une autre chose qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, c'est que Morgane, justement, était mentionnée dans le texte avant, c'est-à-dire qu'après les fiançailles de Duterte et Igarne, on dit qu'on va la mettre dans un... On dit qu'on place Morgane dans un couvent où elle apprend si bien les arts libéraux qu'elle devient extraordinairement experte dans une science nommée astrologie, si bien qu'on l'appelle là Morgane la fée. Donc il y a une espèce de naturalisation de Morgane qui n'a pas vraiment de caractère surnaturel, comme par exemple dans la Vita Merlini, où on ne sait pas trop d'où ça sort. Là, c'est juste une fille qui a étudié ses sciences, ses arts mystiques, et qui les a maîtrisés. Donc cette partie qu'on appelle la mort Arthur dans le Perceval en prose, parce qu'après, ça deviendra un livre à part. Dans le Lancelot Graal, vous avez un livre qui s'appelle La Mort Arthur, la mort d'Arthur, et qui deviendra une partie en elle-même du cycle qui a un ton assez particulier. Tandis que là, bah, c'est vrai que vous avez un virage un peu sec dans le Perceval en prose, qu'on a trouvé le Graal. Bon, c'est l'heure de conquérir la France et puis d'aller mourir. À plus tard, ça deviendra une partie séparée, on peut comprendre pourquoi. Du coup, il y a des gens qui considèrent que ce cycle, en trois parties de Robert de Boron, en fait, il en a quatre, parce qu'il y a un tel changement de ton et de sujet, une fois qu'on a trouvé le Graal, qu'on peut le considérer. Il faut dire aussi que cette mort d'Arthur, comme le Perceval en prose, hein, n'apparaît que dans deux manuscrits. Donc l'idée qu'il y a ce cycle complet avec Perceval est quand même assez... presque pas artificielle, parce qu'elle existe clairement dans les manuscrits, il y a des gens qui la lisaient clairement comme ça. Maintenant, ça représente pas du coup même une majorité ou même une part importante des manuscrits du Merlin en prose. Donc faut pas peut-être avoir plus dans la tête que le Merlin en prose peut être tout à fait lu comme, et c'est ce que je pense qu'on a pu montrer ici, comme une histoire en entier, même si il est tout à fait possible de la relier à la prose et à la version en prose. D'ailleurs, la mort d'Arthur du Perceval est presque plus proche finalement dans le ton des dernières pages et de la façon dont est narré le Merlin que du Perceval. Ne serait-ce que dans ses sources, d'ailleurs, fait de recourir aussi de façon aussi prééminente à l'histoire gomitanienne, assez clairement, semble indiquer une certaine parenté là. Je pense qu'on a assez souligné comment des sources qui étaient finalement très anciennes ont été intégrées par qui que ce soit qui ait composé ce cycle qu'on attribue à Robert de Boron. On a un peu tout qui se retrouve ici. Peut-être moins, par exemple, Chrétien de Troyes, on n'a pas encore intégré typiquement Lancelot, là, il n'existe pas, mais on a Oise, Geoffrey qui sont intégrés, on a la Vita Merlini, on a les motifs des questions de Merlin, on a le motif de l'incube qui était plus vieux. Tous ces motifs vieux vont se retrouver synthétisés et orientés dans une version un peu plus chrétienne. Vous avez clairement des thèmes, le thème de la métamorphose, le thème des apparences, le thème de faire d'accorder sa vertu apparente et intérieure. Et aussi, peut-être une chose qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'il y a des traces clairement de cette tradition plus ancienne. La personne qui a rédigé le Merlin en prose connaissait clairement la Vita Merlini, peut-être même d'autres choses encore. Typiquement, il y a un moment où Merlin, il dit « Vous savez, des fois, je me retire et je peux pas toujours être avec là. » C'est lié à ma nature. Il dit « J'ai besoin de quitter la compagnie des hommes de temps en temps et d'aller vivre dans la forêt. » Donc, ce caractère d'homme sauvage, d'ermite, de reclus hors du monde, c'est quelque chose que Merlin conserve là et c'est clairement quelque chose de plus ancien. Donc, on a fait un épisode extrêmement long. La véritable triple mort, c'est les 3 heures qu'on vous inflige en les récapitulant. Mais c'est aussi notre fin de saison. Donc, on peut se justifier en vous disant que vous n'aurez pas d'épisode le mois prochain. C'est un double épisode, mais je pense que c'est intéressant de voir justement la continuité qu'il y a entre cette tradition galloise, qui est quand même très vague, hein. Dans la tradition galloise, on n'a pas grand-chose, on a des prophéties, on a des relations avec des personnages qui ne sont pas très clairs d'ailleurs, qui d'ailleurs sont inversées dans la Vita Merlini, donc cette tradition elle est quand même assez flexible. Geoffrey de Montmartre, c'est quand même la personne qui a créé Merlin, comme vous le voyez ici, donc je pense que c'est intéressant de se retourner sur ce qu'il a fait, parce que la Vita Merlini, malheureusement, c'est un texte qui est très peu lu par rapport aux autres, disons par rapport à l'Historia Regum Britanniae par exemple, que je pense tous les nerds arthuriens ont lu, la Vita Merlini, c'est un peu plus rare. Vous voyez, on a tellement voulu vous la présenter qu'on vous a obligé à la traverser l'histoire avant d'atteindre le vrai but de l'épisode qui était le Merlin en prose à la base. Mais je pense qu'on voit quand même l'importance, bon, on dit ça à chaque épisode, c'est l'œuvre la plus importante du cycle arthurien, mais c'est possible que le Merlin en prose soit une des œuvres les plus importantes du cycle arthurien de tous les temps. 50 manuscrits, plus de 50 manuscrits, si on peut compter encore des fragments, c'est quand même impressionnant. Et il sera intégré, il va devenir incontournable. Le Lancelot Graal, il va l'intégrer, il va juste rajouter une suite à la fin. La post-Vulgate, si tant est qu'elle a existé comme un cycle uni, va juste intégrer de nouveau une suite. Il faut voir que ce texte va pas vraiment disparaître, il va jamais être vraiment remplacé. Ou jamais être beaucoup changé, à part l'addition de la suite à la fin, contrairement justement à la mort d'Arthur, tout ce qui peut être comprimé et remis ensemble, et finalement la vraie continuité aussi depuis le cycle de Robert de Boron jusqu'à la post-Vulgate, si tant est qu'elle existait effectivement, on vous en reparlera quand on parlera des Vulgates et post-Vulgates, c'est ce Merlin en prose. Donc ça justifie peut-être de passer 3 heures dessus, effectivement. Il faut dire que le Joseph d'Arimathie, justement, il va être réécrit pour lui donner un peu plus de peps, donc on va avoir des batailles, des trucs un peu plus chevaleresques, romanesques dedans. Le Perceval, il va complètement changer. Dans le Lancelot Graal, le héros du Graal, ça va devenir Galahad, qui lui est parfait du début à la fin, tandis que Perceval, c'est un héros qui a quand même des failles humaines et qui doit se... Perceval doit se perfectionner, tandis que Galahad est parfait dès le début. Je pense que c'est ça un peu la grande différence qui change du coup beaucoup de choses. Bah, parce que, en fait, dans le Lancelot Graal, c'est Lancelot qui prend aussi beaucoup ce rôle du chevalier un peu inadéquat. Lancelot qui est inachevé, qui est incomplet, imparfait, et qui va être... C'est son fils qui va parachever, disons. Donc, une fois qu'on intègre Lancelot à l'histoire, on peut avoir cette séparation des deux, et ça aussi le problème d'avoir un Graal qui sert finalement un chevalier imparfait au final. C'est peut-être un peu plus, idéologiquement clair s'il y a le chevalier qui est un bon chevalier mais qui est un imparfait en Lancelot et un chevalier parfait plutôt qu'avoir ces choses bases qu'on pourrait considérer comme la morale un peu... C'est question de basse moralité et d'évolution, un peu complexe et un peu trop compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est très intéressant de voir ça justement, c'est que le cycle va complètement changer de focus, de ton, même de morale, mais que le Merlin en prose, bah, on va le garder pratiquement à l'identique. On va juste rajouter une fin, mais ce qui est là-dedans, ce qui se passe là-dedans, ça va pas changer. On l'a dit, il y a deux ou trois passages qui changent très légèrement pour se rattacher aux différents cycles, dont d'ailleurs un que Fulperville considère n'est pas déterminant. Mais ce qui est sûr, c'est que justement, ce personnage du magicien, ce personnage polymorphe, ce personnage qui a diverses apparences, qui est très facétieux aussi. Là, on a déjà un Merlin qui aime jouer des tours, qui aime tromper les gens, qui aime tromper les gens par le fait qu'il ne se présente pas toujours sous la même apparence et il aime les tester. Et déjà là, on a un personnage qui va être un des plus emblématiques. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'il va de soi. Aujourd'hui, les gens pensent que l'épée dans le rocher, qui là est une enclume, va de soi. Mais avant Robert de Boron, avant cette œuvre qui a probablement été écrite entre 1200 et 1210, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, c'est un motif qui a tellement d'attraction envers les gens qu'on considère qu'il est archaïque, qu'il fait partie du truc et qu'il est presque plus important que tout le reste. C'est assez rigolo parce qu'il va devenir, il va être aussi une des choses qui change le moins. On peut déjà le voir, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on pourrait penser ajouter pour être dans le film de Disney. Typiquement, c'est l'épée de queue qu'il doit chercher, en fait il la trouve pas et puis il va prendre celle-ci. Ces éléments changent extrêmement peu depuis le Merlin en prose jusqu'à T.H. White, jusqu'à finalement la version Disney qu'on connaît tous. Il y a une grosse continuité là-dedans aussi. Et donc, j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé avec ce parcours qui ressemble beaucoup à celui de notre premier épisode. Donc là, on est passé quand même de différentes traditions manuscrites, de différentes traductions de langues, différentes œuvres. On a couvert quand même beaucoup d'histoires, c'est-à-dire qu'on a couvert probablement 2 siècles. Si on considère qu'on remontait jusqu'à Nennius, qu'on avait déjà mentionné, ça fait quand même 4 siècles. il y a quand même beaucoup de matériel qui amène la genèse de ce personnage, mais je pense qu'il faut le comprendre comme tout, comme justement une élaboration littéraire où des gens écrivent les uns après les autres, bricolent, réutilisent des éléments, leur donnent un nouveau sens, leur donnent une nouvelle fonction, et qui va continuer jusqu'à nos jours. Mais justement, le Merlin reste une des œuvres qui a beaucoup changé la donne, mais qui va, dont les accomplissements, disons, dans le canon qu'il a créé, va rester, comme tu l'as dit, presque inchangé jusqu'à nos jours. Et pour, disons, célébrer un peu ce changement, je vous propose qu'on se quitte pour changer un peu de Purcell, parce qu'on aime beaucoup Purcell, mais on a peut-être un peu abusé sur Purcell. Je vous propose de faire un petit changement de ton musical et de vous quitter pour cette année avec une chanson de Lo-Fi et Sci-Fi, Behold the New Design, qui résume assez bien le ton de ce nouveau cycle du Graal et le ton des cycles qui vont suivre. Et on vous dit à tout bientôt. À très bientôt. Behold the new design. Behold the new design. Behold the new design.